Bienvenue dans cette nouvelle émission de Family Pack, alors qu'on rigolait un petit peu déjà, puisqu'on est très heureux de vous retrouver. Family Pack, mais Kezako, vous le savez, c'est l'émission où l'on parle jeux vidéo en famille. Et avec moi, comme toujours, Madame Maman, Natacha. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour. J'ai vu que t'hésitais là sur le prénom, je me suis dit quand même. J'avais l'impression de m'être trompé de sang. J'ai dit Natacha avant Madame Maman ou l'inverse. Non, quand même, je sais que j'ai beaucoup de trous de mémoire, mais enfin, de là à ne pas me rappeler ton prénom, là, ce serait gravissime. Ah, qui sait. Alzheimer. Enfin, de cette année plutôt. C'est une trompeur. Comment ça va? Mais ça va très très bien, très très contente de vous retrouver pour cette nouvelle année. D'ailleurs, on tenait tous ensemble collégialement à vous souhaiter une très bonne année 2024, qu'on espère pour vous pleine de projets, pleine de rêves, pleine de santé, de bonheur, enfin tout ce que vous pouvez souhaiter quoi. La santé, la totale. La réussite et la santé derrière, bien évidemment. Est avec nous Axel, 13 ans. Et moi. Comment ça va Axel? Bah toujours bien. Toujours bien. Je ne change pas. Tu ne changes pas, c'est très bien. Toujours, voilà. Toujours le même. Toujours là, déjà, tu parles un peu plus près de ton micro, c'est bien. Déjà, tu as les bonnes résolutions de l'année 2024. Je ne sais pas comme résolution, mais pas grave. Alors, pour ceux qui nous suivent, vous savez que c'est une émission mensuelle. Et patatrac, badaboum, catastrophe, il n'y a plus d'émission au mois de décembre. Au mois de décembre. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on vous a déjà expliqué pourquoi, mais effectivement, il y a eu... Malgré toute notre bonne volonté, notre rage de vaincre, je dirais, Madame Maman a eu des soucis de planning qui ont changé de manière inopinée. La joie de bosser dans des tunnels, on est un peu assujetti à des plannings un petit peu changeants, surtout depuis que j'ai été titularisée. Donc ça a été un peu compliqué pour trouver des dates d'enregistrement, mais bon, on a réussi et du coup, on a voulu vous faire plaisir et vous proposer une édition augmentée. Donc en fait, c'est pas vraiment qu'il n'y a pas eu d'émission au mois de décembre, c'est qu'en fait, on fait une grosse émission maintenant pour décembre et janvier. Voilà, pour rattraper le coup et pour se faire pardonner, on vous fait, à la place du numéro de janvier, on vous fait un énorme numéro qui va couvrir donc décembre et janvier. Et à partir donc du mois de février, on reprendra un rythme mensuel. Habituel. Donc celui tel que l'on a habituellement. C'est faux. Un petit coucou quand même, un gros coucou donc à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui partagent l'émission à droite à gauche, c'est très important. Un énorme coucou plein d'amour à nos soutiens Patreon, puisqu'on a un Patreon si vous voulez soutenir l'émission, hein, Patreon/FamilyPack, vous pouvez trouver ça très facilement. D'ailleurs c'est slash, sur Patreon, c'est slash FamilyPack, oui. Ouais. Tout va bien, vous inquiétez non, pas. Non mais on vous mettra le lien. Ils ont oublié le texte, c'est tout. Non ouais, mais c'est les restes du réveillon. En fait je rigole, il n'y a même pas eu texte de base. Bah oui, de l'impro. Tout est improvisé. Comme le beatmaking. En fait, c'est une IA qui fait l'émission. Nous, on est en train de faire la sieste à la maison. Donc, ça, les gens, on est obligés de le savoir. Oui, ça doit être ça. Ouais. Ça doit être ça. Un patron où vous pouvez trouver donc pas mal de bonus, hein, pour voir les coulisses de l'émission. Pour avoir un bêtisier. Là, il y a le bêtisier qui se base sur les trois premières émissions qui est sorti de 2023. Qui est sorti, donc il ne fait que 7 minutes parce que il ne prend que les 3 dernières émissions vu qu'on a rebooté Family Pack en septembre dernier. Enfin, pour la fin de l'année, la 2024, il y aura beaucoup plus de matière, ce sera beaucoup plus long. Ou que oui. Mais déjà, un bêtisier, on a eu des bons retours, évidemment, qui fait bien rire les gens. Nous, on n'est pas très mis à l'honneur, hein, il faut le savoir, avec nos bêtises, mais bon, on assume. C'est la bonne humeur. Et surtout, alors, il y a plein d'autres bonus, il y a des billets qu'on écrit, des photos de coulisses, etc. Vous verrez. Mais surtout, la feature principale de ce Patreon, c'est de pouvoir regarder l'émission en vidéo. Toute l'émission entièrement en vidéo. Et ça amène quand même un petit plus. Donc, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. Le Patreon est là pour cela. Et on vous remercie grandement par avance, et aussi il y a des stretch goals, enfin il y a pas mal de choses, voilà, à y voir. Bref, moi je suis tout joyce, hein, je suis tout content de vous retrouver. On a voulu aussi là pour cette émission de janvier ne pas balayer 2023 comme s'il ne s'était rien passé, et donc le sommaire d'émission est un petit peu chamboulé. Donc c'était une émission plus longue que d'habitude, n'est-ce pas? C'est ça. Il y a certaines rubriques là habituelles qui ne seront pas là pour cette émission, notamment le Family Bac, hein, notre baccalauréat du jeu vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il va être remplacé par quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus mouse, beaucoup plus prestigieux, qui va nous faire rentrer quelque part dans la légende, je pense. Oui. Peut-être mettre fin au suspense. Vas-y, je t'en prie. Donc en fait, le Family Pack sera remplacé par les Family Pack Golden Awards. Donc on a décerné nos petits prix, bah, comme un peu tout le monde a fait. Hein. On n'est pas. Mais un peu plus on n'est pas précurseur sur le truc, mais on a voulu vraiment laisser la fin de l'année arriver, avoir vraiment tous les jeux de 2023 pour vous proposer nos awards réfléchis et vraiment sur toute l'année 2023. Voilà. On ne voulait pas vous proposer ça en fin d'année parce qu'il y avait encore quelques jeux à arriver et on a voulu attendre un tout petit peu histoire d'avoir un peu plus de recul. Tu as tout à fait raison, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeux. Grâce à notre partenaire Geeks by Girl qu'on salue très très chaleureusement. Salut décidément. Les filles salut et salut filles. La team. Hi girls. Je suis encore en train de cuver moi, mais les petits excès des fêtes. Pourquoi t'es dans une cuvette? Pas mal, Coco. Beaucoup de jeux que Natacha a testé. Ou pas, d'ailleurs. Ou pas sur Geeks by Girl. Mais c'est vrai que Geeks by Girl donc, est notre premier partenaire. On les remercie encore de leur confiance. C'est grâce à elle aussi qu'on a pas mal de concours qu'on vous propose régulièrement. Là, on a fait le deuxième. Oui, c'est vrai. On vient de faire gagner Super Mario Wonders, donc apparemment notre gagnante est très très contente. On la salue, chaleureusement. On est très très très content pour elle. Et donc du coup un partenariat qui nous permet d'avoir des jeux et qui nous permet du coup d'avoir de quoi vous parler dans l'émission. Donc c'est on en est très très content. Axel a raison. Non mais alors vas-y dis. C'est Wonder et non Wonders. Ah oui, pardon, autant pour moi. Qui s'appelle la prononciation. Autant pour moi. La prononciation. J'ai été un peu vite ma langue à fourcher. Je le sais en plus, hein, parce que j'ai... Ça, c'est le mauvais taf des rédacteurs. J'ai rattrapé la... Vous avez chauffé, madame. Oui, j'ai... Une fourche. Elle a chauffé. Ma langue a été plus vite que mon esprit. Ça arrive souvent. Effectivement, alors... Alors qu'Axel fait des grimaces, comme dit Madame Maman, effectivement, grâce à Geeks by Girl, on fait régulièrement des concours. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur X, ex-Twitter, donc. Sur Thread, sur Instagram, on est sur Facebook. Thread, on est sur Insta, on est aussi sur Facebook, mais il est vrai on que... On est sur Blue Sky. Blue Sky. Aussi. Après, faut pas se leurrer, c'est vrai que là, actuellement, ça bouge... Enfin, on a le plus de, je dirais, de réponses et d'activités. C'est Twitter. Ça reste c'est X. Voilà, même si X est dans un état assez lamentable, comme vous le savez. Coucou, Elon. Musk. Là, effectivement, Mystique, c'est quand même là qu'on est quand même le plus présent, puisque c'est même là où le public nous répond le plus souvent. Le plus souvent. Mais est-ce qu'on laissera pas ces petites digressions de côté pour se lancer dans le vif du sujet ? Oui, tout à fait. Parce que moi, j'ai bien envie de commencer. Là. Tout effectivement. J'ai hâte de vous dire mes petits gothis de l'année. Arrêtez de tourner autour du pot. Alors, c'est parti. On n'a pas de pot. Je lance. Tu bégayes. Je bégaye et je lance les premiers Family Pack Golden Awards. Bravo. Bravo. Voilà, donc une entrée en matière qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui est faite avec le cœur. Oui, c'est sûr que c'est pas les Video Games Awards où là, on a eu une superbe prestation des acteurs de Alan Wake que j'ai beaucoup aimé avec les All Gods of Asgard. Toi, c'est ton crush, Alan Wake, si je comprends bien. Ah non, moi j'ai kiffé, moi j'ai adoré. Mais on en parlera plus tard, Alan Wake 2. Oui, donc pas beaucoup de moyens, mais c'est fait avec le cœur. Hein. Hideo Kojima n'est pas là. Et le cœur ne fait Jeff pas l'argent. Jeff Kelly non plus. Non, ils n'ont pas pu venir. Mais c'est pas grave, parce qu'on a son remplaçant officiel, Bruno. Donc, ah, c'est gentil, c'est gentil. Mais ils pour roster le truc, ça va. Il ça n'est va même faire. Pas japonais. Ils ont raté leur RER, c'est bien dommage. Mais bon, voilà. Malheureusement, c'est Paris. Voilà. Un petit... avant, c'est quand même important de parler du cas Axel. Pourquoi ? Oui. Non, mais c'est très intéressant, justement. Et Axel n'a pas pu jouer à autant de jeux que nous. Que nous. Parce que cette année, c'est la quatrième, que cette année, il a 14 ans, et que les cours se font de plus en plus sérieux. Il va avoir 14 ans, mais il va avoir 14 ans. Pas tout à fait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, à part quelques jeux, parce qu'il a, il a nommé ses jeux aussi favoris, Axel, de l'année 2023. Il n'a pas pu jouer à tout, puisque c'est vrai que, vous le savez, si vous suivez l'émission, il joue énormément sur Brawl Stars. Et fatalement, le jeu console a un peu reculé, mais on en avait parlé dans une précédente émission, donc on ne va pas tout répéter encore. Je vous invite à aller écouter nos excellentes émissions antérieures. Mais tu as quand même décerné des prix, parce que le principe, justement, c'est qu'on a donc émis des catégories, et il n'y aura pas un gagnant, mais à chaque fois, trois gagnants ou deux, si Axel n'a pas de jeu à proposer à ce moment-là. Alors là, je vous fais un petit coulisse. Voilà. En fait, c'est qu'on a été incapables de se mettre d'accord. Oui. Ça a créé beaucoup de tensions dans la famille, parce que... Des tensions, tu parles, on faisait que de dormir. On peut exagérer quand même, des tensions. Oh, on s'est pas mal engueulé, et en fait, au final, on a décidé mais que tu chacun... Parles, on dormait pas en ce temps-là, ouais. Que chacun ferait son petit truc, parce que... Non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas d'accord, mais par contre, un point, on est d'accord, c'est sur les jeux qui nous ont déçus et les jeux qu'on a aimés. Même si, c'est-à-dire ceux que tu as nommés, c'est quand même des jeux que j'ai beaucoup aimés. Mais c'est pas ceux qui méritaient la récompense. Voire adorés, mais il faut dire que cette année 2023 a été assez folle. Elle a été ma boule, et c'est un truc de fou. Il y a franchement, eu des sorties, mais j'ai peur pour 2024. Hein, moi, c'est un prix presque militant, parce que j'ai envie de défendre un jeu qui a beaucoup divisé et que moi, j'ai vraiment... que j'aime d'amour, mais effectivement il y a plein de jeux qu'aurait pu prétendre, mais pour moi bon c'est celui qui j'ai envie de défendre, on en reparlera. Donc on a des catégories, je les ai sous les yeux. Pour ceux qui regardent la version vidéo, j'essaierai de faire un petit montage avec le petit trophée, tout ça, voilà, faire ça bien. Alors, il y a des jouets qui volent, ou c'est Kirby, je ne sais pas. Arrête la drogue, maître huissier. Oui, parce qu'on a toujours notre maître huissier qui, Kirby, après quelques mois, un petit peu en dessous, parce qu'elle a eu quelques petits problèmes de santé, refait une santé parfaite. Là elle est en pleine forme. Mais on se demande comment elle peut courir, vu qu'elle pèse 100 kilos. Non, la pauvre... En plus, elle est au régime. Elle s'est retrouvée au régime, en plus. La pauvre. Elle est au régime. Elle prend toute l'argent de la coudoir. Et nous, faut qu'on s'y mette aussi. Bref, allez. Ça, c'est encore autre chose. Pas moi. Let's go. Let's go, kebab. Donc, il y a plusieurs catégories. Et on va commencer par la première qui, je pense, va faire... bien débat, je pense. C'est la claque graphique. Notre claque graphique, puisque, je répète, ce sont nos prix à nous, c'est notre avis. Libre à vous, bien sûr. D'en avoir d'autres. D'en avoir d'autres, de ne pas être partagé. Et de nous les partager à nous, si ça vous tente. D'ailleurs, on a quelques prix, on a quelques jeux de l'année qui nous ont été donnés par des auditeurs. Oui, et on a quelques catégories qui nous ont été suggérées par des auditeurs et des Patreons. J'aimerais remercier Thomas, donc Mopral, sur le réseau, on va donner leur pseudo pour que les gens la connaissent, Machin Truc, aussi 76, qui nous ont donné... J'avoue. Qui nous ont elle donné très, très des bonne, bonnes idées catégorie. De catégories qu'on a repris. Donc claque graphique de l'année. On va commencer par Axel. Ah, Axel. On va commencer par Axel. Pour la claque graphique. La claque graphique de l'année. Donc toi, ça a été ton jeu console de l'année, je pense vraiment. Bon bah moi, écoutez les gars, ce sera pas très original. Ce sera Spider-Man 2 pour moi la claque graphique. Que ce soit la claque graphique au niveau de la PS5, déjà qui est d'une qualité exceptionnelle, voilà, qui peut prendre la 8K aussi également. Bon, nous c'est 4K Full HD, hein, on va pas s'embêter non plus. Que ce soit les couleurs ou quoi que ce soit, bah le jeu vraiment impressionnant, surtout en temps réel quand on fait les combats, qualité impressionnante, il y a aucun lag, que ce soit pour faire le voyage rapide, ça prend une milliseconde, on peut vraiment dire voyage rapide pour le la coup. Distance ouais, il y a très très peu de temps de chargement et surtout la distance d'affichage, j'ai jamais rien qui pop quoi, c'est d'une fluidité, c'est impressionnant. C'est beau. C'est ce qui s'appelle la technologie. C'est vrai qu'il est très très beau, j'avoue. Il est extrêmement beau. Pour plus de détails, si vous voulez savoir connaître la vie complète d'Axel sur Spider-Man, il en a amplement parlé dans une émission précédente, puisque c'est vraiment un des jeux de l'année, hein, une exclue donc pour l'instant PS5. Je pense que dans quelques années, il sortira sur PC, comme le premier est arrivé sur PC aussi. Mais c'est un jeu 100% Sony. Donc, mais oui, c'est très très beau. Et je comprends que tu es très très apprécié, au-delà de toutes les autres qualités dont tu parles dans l'émission précédente. Visuellement, je trouve que c'est une belle performance. Et c'est vrai que ce New York-là, en monde ouvert... Où, animé de partout, ça grouille de vide, c'est beau, c'est... J'avoue, c'était un de ceux auxquels j'ai pensé aussi. C'est, pour moi, bon, c'est autre chose, mais c'est vrai que c'est un des jeux que j'aurais pu nommer aussi. Pour le coup, je suis d'accord avec lui. Oui, parce que toi, Natacha, on est complètement dans un autre univers. Ça a été un de nos coups de cœur aussi de l'année. Oui. J'aurais pu le mettre aussi, hein, parce que vraiment, moi, il m'a enchanté, pas que visuellement, mais là, pareil, on vous renvoie à une émission antérieure. Toi, c'est Sea of Stars. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé la proposition de Sea of Stars. J'avoue que je suis assez fan, en fait, quelque part, du pixel art en lui-même. C'est vraiment un style graphique que j'aime beaucoup. Parce qu'arriver à faire des personnages point par point, enfin moi c'est un truc, voilà, en tant que dessinatrice moi-même, je trouve ça fantastique d'arriver à, avec des points minuscules, arriver à faire des graphismes pareils. Et j'ai trouvé que Sea of Stars était vraiment extrêmement beau, pour le coup, avec une modélisation des décors qui était quand même en 3D, parce qu'en fait on pouvait passer par au-dessus, par en dessous, fallait trouver des chemins. Et en fait, c'était l'utilisation des graphismes était même intelligent dans le level design, j'ai trouvé. Et du coup, ils en sont d'autant plus agréables à. Voilà, ils en sont d'autant plus agréables à explorer, parce qu'en fait, il y a toujours des petits secrets à trouver. On ne sait pas trop si on va pouvoir passer derrière la cascade. On essaye plein de choses en fait. Et c'était vraiment une utilisation très intelligente des environnements et des graphismes des environnements. Et j'ai complètement craqué pour les graphismes de Sea of Stars. Alors il y avait des gros jeux magnifiques. J'aurais pu citer Hogwarts Legacy aussi, parce que forcément, voilà. Encore que Hogwarts Legacy rame un peu de temps en temps. Mais j'ai préféré nommer Sea of Stars parce que vraiment, pour un indé, pour un petit jeu indé, je trouve qu'ils ont fait très fort. Bah, rappelez peut-être ce que c'est, Sea of Stars. C'est le... Alors, Sea of Stars, c'est un hommage au JRPG, fait par un petit studio indé. Qui est un hommage donc à Super Mario RPG, Chrono Trigger, Secret of Mana aussi. Mm-hmm. Et c'est un excellent jeu avec une histoire magnifique, des musiques sublimes et aussi une direction artistique du coup voilà, que j'ai voulu récompenser aujourd'hui parce que je trouve que bah, les indés ont peut-être moins de moyens que les grands mais ils s'en sortent tout aussi bien. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu récompenser ce soir. C'est pareil, c'est un jeu que j'ai adoré et enfin voilà, je pourrais encore en parler des heures. Alors moi, j'ai peut-être étonné beaucoup de monde, mais ma claque graphique de l'année... c'est Hogwarts Legacy, sachant que je ne suis pas fan d'Harry Potter à la base. Là, pareil, je vais beaucoup radoter, je vais beaucoup redire. Je vous renvoie à une émission précédente, mais c'est vrai que je vous expliquais pourquoi on pouvait ne pas être spécialement fan des aventures d'Harry et adorer ce jeu que je n'attendais pas du tout et qui m'a vraiment passionné du début jusqu'à la fin. Et visuellement, en fait, c'est pas tant la performance technique... bah non, parce que j'ai fait une pub éclat direction artistique et là j'ai mis Sea of Stars. En fait, ce qui m'a impressionné dans Hogwarts Legacy, c'est que la technique est certes maîtrisée. Bon, nous on y joue sur PS5, hein, faut le rappeler. Mais ça sert totalement l'ambiance et la direction artistique, même si on a un prix sur la direction artistique un peu plus loin. J'ai trouvé ce jeu tellement agréable visuellement à parcourir et techniquement je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi solide. La manière dont sont gérés, à part 2-3 petits lags, il y a des petits lags, même en mode voilà. Performance il y a des petits lags effectivement, mais là on parle vraiment de claques graphiques. Oui, oui. Donc là moi c'est vrai que c'est surtout le château de Poudlard Le niveau de détail, des finitions, le niveau de détail, voilà, des finitions. Alors c'est vrai que claque graphique, on est parfois à mi-chemin sur la claque direction artistique. C'est vrai que là la frontière est mince, mais là si on parle en termes de performance pure, c'est vrai qu'on n'est pas dans quelque chose d'aussi spectaculaire que Spider-Man 2 par exemple. Non, clairement, voilà, pas bien clairement évidemment pas. Mais pour un jeu de cette licence qui était tant attendu, j'ai trouvé que le défi était relevé avec brio et j'ai trouvé ce jeu techniquement vraiment mais très très très bien fait, très soigné, avec ce souci vraiment de faire plaisir à tous les joueurs et pas se dire c'est du Harry Potter, on va mettre 2-3 reflets là, 2-3 machins, 2-3 effets de brume ici. Non, c'est vraiment, c'est très très solide et au-delà du fait que c'est un jeu que j'ai vraiment adoré et je m'y attendais pas du tout, techniquement, moi c'est un jeu qui m'a impressionné en fait, même s'il y a des petits défauts, voilà. Donc moi, la claque graphique, ce sera Hogwarts Legacy. ce qui risque d'étonner ceux qui me connaissent, mais j'assume totalement. Ça aurait pu être la mienne aussi, hein. C'est vrai que j'ai été assez bluffée par la reproduction du château et de tout l'univers, parce que c'est quand même un monde ouvert, mine de rien, qui est quand même très vaste. Le souci du détail partout, de coller à l'histoire de J.K. Rowling, moi j'ai trouvé ça fantastique, j'avoue. Ça aurait pu être ma claque graphique aussi, mais c'est vrai que je lui ai préféré un petit jeu indé qui avait moins de moyens, on va dire. Oui, mais tu vas nous en reparler bientôt de toute façon d'Hogwarts Legacy. Oui, bien sûr. Car ce n'est pas le seul prix qu'il va recevoir pour ses Golden Awards de chez nous. Justement, là, on va reparler d'un certain Alain Réveil. c'est vrai qu'Alan Wake 2, alors on ne s'est pas épanché plus que ça dans l'émission parce que c'est vraiment un jeu 18+, et bien costaud 18+, donc bien 18+, qui ne rentre pas forcément dans l'éditorial de Family Pack, même si on vous le dit souvent, c'est vrai qu'à partir de 16 ans, voilà, il y a certains jeux qui peuvent être faits sans souci, mais c'est vrai qu'on essaie quand même de parler de jeux un peu plus familiaux, quoique là-dessus je trouve qu'on digresse aussi souvent et c'est très bien. C'est bien de tordre un peu aussi le... Ne pas être figé non plus totalement, voilà, être sur des rails, ça peut être ennuyeux au bout d'un moment. Et donc là, on parle de quelle catégorie, du coup ? Alors là, on parle, tu en as parlé tout à l'heure, d'ailleurs, de ces Icos de feu, on parle de la plus belle bande-son. Exact. Et alors là, c'est mon... alors là, pour le coup, c'est mon Golden Awards à moi. C'est la musique d'Alan Wake 2. Parce que je suis devenue complètement fan des Old Gods of Asgard et de toute la musique d'Alan Wake 2. Alors, autant la musique d'Alan Wake m'avait pas tant marqué que ça, j'avoue. J'ai pas du premier, donc, hein, du premier Alan Wake, premier. Ouais. J'étais pas, rien ne m'était resté en fait, que là sur le deuxième épisode, ils ont mis la barre très très haut. Ils ont mis la barre très très haut et moi je crois que mon moment de jeu de l'année, alors ça sera, c'est peut-être pas forcément mon jeu de l'année, vous verrez ça, mais mon moment de jeu de l'année qui va me rester des années et des années. C'est un niveau dans Alan Wake 2 qui se passe à un niveau musical, en fait. Je vous en dis pas plus pour pas vous griller la surprise, mais ça sera vraiment mon moment de l'année. Et... C'est le moment dont tout le monde a parlé. C'est le moment dont beaucoup ont parlé parce que en fait, il mélange tout. Il mélange le full motion vidéo, il mélange le gameplay en même temps, il mélange la musique, il mélange la lumière. C'est tout en même temps et c'est fait avec une maestria et un brio. C'est un régal pour les yeux. C'est un régal pour les yeux. Il n'y a pas un temps mort dans cette partie-là. On est en haleine du début à la fin. Enfin, moi, j'ai adoré. C'est l'un de mes grands moments. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu décerner donc, mon Golden Awards de la musique à Alan Wake 2. Voilà. Et surtout, All Gods of Asgard. Que j'espère bien retrouver dans d'autres productions du coup Remedy. Oh, je pense qu'ils vont pas les lâcher comme ça. Hein. Moi c'est Final Fantasy XVI, voilà, dont la bande son m'a complètement retourné du premier duel où moi dès que je l'écoute ça me met la chair de poule à chaque fois. Moult, j'ai envie de dire thèmes dans le jeu. Je trouve la bande-son extraordinaire, c'est une des plus belles bandes-sons de la saga, c'est une des plus belles bandes-sons tout court pour moi, et vraiment, elle a énormément contribué au plaisir que j'ai pris à ce Final Fantasy XVI dont je vous reparlerai. Pareil, j'en ai beaucoup parlé lorsqu'on a vraiment fait la critique du jeu dans l'émission, donc je vous renvoie à cet épisode-là, mais effectivement, moi, ça m'a... moi, la BO m'a tué, vraiment. J'avoue qu'elle est vraiment très très belle aussi. Mais c'était très... Ça, le coup de la musique, c'était vraiment très très difficile de n'en choisir qu'un. Parce que même celle d'Hogwarts Legacy, elle est vraiment... Elle est très, très belle. Très bien. La BO de Sea of Stars, t'en as parlé, est magnifique. Superbe. Enfin, c'était très très... Là, ça a été vraiment très difficile d'en déterminer un quand même. Il y a d'autres jeux là qu'on va récompenser qui auraient pu aussi recevoir un prix là-dessus, qui ont des musiques magnifiques. Mais... Oui, moi, c'est vraiment FF16, la BO voilà, qui m'a vraiment le plus mis une claque cette année. Et alors, du coup, Axel, il a un award sur... Alors, Axel, sur la bande-son, il n'a pas de, il a pas mis d'award, il ne savait pas quoi mettre. Même si, effectivement, c'est peut-être l'occasion pour rappeler que Spider-Man 2 a une très, très belle BO aussi. Les musiques sont très, très chouettes. Par contre, il faut que tu parles un peu plus près, chérie, on ne t'entendra pas. Bon, moi, j'ai beau être dans le monde de la musique et tout, sur le JV, je ne sais pas. Voilà. Non, bah t'as pas joué à ces jeux en fait. Je crois qu'il a pas d'avis sur le sujet. Alors justement, on va du coup, on parlait de la claque graphique, la direction artistique, la frontière était un peu floue. Bah là, on va parler de la direction artistique, de notre plus belle direction artistique. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est à l'inverse. Oui, alors moi du coup, rigolo. C'est pour ça qu'on va peut-être pas y revenir 3 heures, mais moi je vais redégainer Sea of Stars, dont le pixel art, moi. Je le disais dans l'émission, on en parlait, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent en pixel art et pour moi, il n'y en a vraiment que 10% qui vraiment ressortent. C'est vraiment un pixel art chiadé, magnifique. Moi qui ai été biberonné, c'est vrai, par les JRPG, même si j'étais déjà jeune homme à l'époque, mais c'est une façon de parler, mais moi qui étais un grand fan des JRPG période 16 bits et Super Famicom, Squaresoft plus particulièrement, là, j'ai retrouvé, au-delà du jeu qui rend hommage, Sea of Stars, donc qui rend hommage à ces jeux-là, un pixel art, mais d'une beauté, mais vraiment, c'est l'un des plus beaux jeux en pixel art, tout court, hein. Vraiment, c'est absolument renversant, et comme tu le disais, Madame Maman, l'utilisation, le relief, vu que c'est du pixel art, mais qui est intégré dans un moteur 3D, c'est-à-dire surtout pour la gestion des lumières, etc., entre la gestion des lumières, qui se reflète sur les décors, pas mal d'effets très sympas, le fait de pouvoir effectivement s'approprier les décors et vraiment escalader, monter sur des petits talus, enfin vraiment on peut aller un peu partout, presque où on veut, bah du coup on s'approprie d'autant plus ce pixel art qui est absolument incroyable. Et c'est vrai que le jeu, vraiment, enfin chaque nouvelle zone comment que l'on découvrait, c'était un festival pour les yeux, quoi. Mm. Vraiment. Donc, que dire de plus Donc, toi, c'est Sea of Stars, du coup. Oui, je vois que tu brûles d'envie de donner le tien. Non, bah non, parce que j'ai dit que c'était à l'inverse. Donc, si forcément le mien était Sea of Stars et que là, c'est Sea of Stars pour toi, forcément, le mien, c'est Hogwarts Legacy. Il s'aurait pu être Hogwarts Legacy, hein. Voilà. L'intérieur de Poudlard. Ça aurait pu, voilà, c'est ça. Moi, c'est vrai que la direction artistique de Hogwarts Legacy, bon, mis à part les chats, j'ai encore un gros problème avec les chats, malheureusement. Les chats mutants qui font peur. Voilà, ça, c'est Kirby qui est là, qui me regarde et qui me dit oublie pas de le dire. Là, on lui avait montré Axel aussi les chats d'Hogwarts Legacy, tu te rappelles. C'est vrai que là, sur ce coup-là, j'ai toujours... Chaud, il pèse pas 100 kilos, déjà. J'ai toujours pas compris le pourquoi du comment. Bon, bref, comment on peut arriver à faire des animaux qui n'existent pas aussi bien et aussi limite réaliste et faire des chats comme ça alors que, voilà. Bref, ça, c'est encore autre chose. Ils ont jamais eu de chat dans leur vie, c'est ça le problème. C'est un peu, je pense que ça doit être un truc comme ça. Toujours est-il que c'est vrai que la direction artistique de Hogwarts Legacy... pour moi, c'est vraiment la plus belle parce que on a tous une image de Poudlard qu'on s'est faite au travers, bah, forcément des films, mais surtout au travers de la première lecture qu'on a eue d'Harry Potter. Et en fait, je trouve qu'ils arrivent à restituer le château, même s'ils prennent des libertés avec ce qui a été écrit ou ce qui a été filmé, parce que au niveau jeu vidéo, ça se construit pas de la même façon et ils ont été obligés de prendre des libertés avec certaines pièces. Mais même certaines pièces qu'ils ont dû créer de zéro s'intègrent parfaitement à tout l'univers, en fait. Et ça dégage une sensation de tout qui fait qu'on est dans le monde d'Harry Potter, on est dans le monde des sorciers, on est dans l'Angleterre de la communauté des sorciers. Et on y croit. On y croit, on y est, et moi, c'est vraiment la direction artistique qui a fait que, bah, qui m'a le plus fait voyager. Alors, bah, là, Axel, il va reprendre un peu la parole parce qu'on va parler de l'Awards de la plus belle histoire. Ah ah, à qui as-tu décerné l'Awards de la plus belle histoire, dis donc? Bah, toujours pas original vu que c'est le même jeu, Spider-Man 2, voilà. Je suis pas original, je sais, mais bon, voilà, le jeu est quand même. T'as aimé l'histoire de Spider-Man 2 alors? Bah. Il y a des rebondissements dans l'histoire, à tout moment ça part en catastrophe, du moment le New York est sauvé, ça repart en catastrophe et tout. Y a jamais, on peut pas dire qu'il y a pas d'histoire et que c'est pas travaillé, quoi. Il se passe toujours un truc, peu importe la mission que tu fais, toujours il se passe quelque chose qui lit l'histoire de plus en plus et qui fait comprendre un peu plus de ce qui se passe et les événements qui arrivent. À tout moment c'est le chaos, à tout moment ça va. Voilà, l'histoire est incroyable, que ce soit avec les personnages ou quoi que ce soit. Bah, superbe histoire. Bon, faut vraiment la faire pour comprendre un peu, parce que je sais que je m'exprime très mal, mais... Voilà. Non, mais on a bien compris que ça t'avait marqué. Il y a beaucoup de twists, ouais, il y a beaucoup de retournements de situation. Et c'est assez... Le doublage français est très très bon aussi, ça aide à apprécier une histoire, ça aussi. Ouais, effectivement. Le doublage est super. Oui, c'est vrai que le doublage français est vraiment extrêmement bon. Que ce soit pour Peter Parker ou Miles Morales d'ailleurs. Ouais, ouais, non, le doublage est super. Et même, parce que je vois quand Axel joue, il y a même pour des simples, entre guillemets, missions annexes, il y a des super moments de scénario, des beaux moments d'histoire et tout. Donc c'est vraiment. Le boulot qui a été abattu là, sur ce Spider-Man 2 est assez impressionnant aussi là-dessus. C'est très très riche en termes d'histoire, en fait, tout simplement. Bon, alors, meilleure histoire, moi, je vais faire très rapide. Pour moi, la meilleure histoire, et je sais qu'elle a ses détracteurs, mais elle a aussi ses fans. Hein. C'est le scénario de Bad FF16, encore. Tous les reproches que font les détracteurs hein, envers cette histoire, je ne suis pas du tout... d'accord avec ça. Me regarde pas, je suis pas un détracteur. Moi, j'ai bien aimé. Donc... Bien aimé. Non, mais je ne te visais pas particulièrement. Moi, j'ai adoré l'histoire. Je l'ai trouvée très poignante. Il y a des scènes vraiment, en plus appuyées par la bande son. Il y a des scènes vraiment, moi, qui m'ont bouleversé. Mais vraiment dans le jeu où j'étais, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Je voulais savoir ce qui allait se passer. Enfin, vraiment, pour moi, c'est une intrigue qui vous met dans tous vos états. Et il y a des moments, mais tellement intenses, quoi, que... Bref, moi, j'ai adoré l'histoire. Et j'ai envie de dire même tout. La fin aussi est très, très belle. Alors, on pleure à chaudes larmes, hein, mais je ne spoilerai pas. Mais la fin est magnifique aussi. Non, vraiment, pour moi, c'est un carton plein pour ce FF16 et dont j'ai adoré vraiment tout, toute l'intrigue, les missions annexes. Il y en a des maladroites, on le sait, mais en tout cas, pour les missions importantes qui sont, on va dire, essentielles à la compréhension générale du scénario, du lore et tout le tout team, moi, c'est un grand, grand oui et voilà, je vois pas quoi dire de plus, si ce n'est que ça a été un kiff absolument gigantesque. Et toi, Madame Maman, la meilleure histoire... Ah oui, ça aussi, ça fait pleurer. Forcément. C'est Fougas. Fougas. C'est Fougas. Fougas, c'est... ici. Non. Et pas Fougou. Je vais pas vous faire une imitation de Finesse. Non, vaut peut-être mieux pas. Et c'est pas Fougou. Là, c'est ni Fougou, non. Non. Parce que l'histoire est toxique. Oh. Oh là là. Bravo. Allez. Non, là, je dis bravo. On laisse parler Madame Maman. Oui, non, moi, c'est Fouga 2. Alors, mais Fouga Memory of Steel. Melody of Steel. Melody of Steel. Donc, c'est Fouga Melody of Steel 2. C'est un petit jeu... Enfin, c'est pas un petit jeu. C'est un jeu de Cyber Connect 2 qui en est à son deuxième épisode. Et en fait, le but, c'est d'incarner une bande de gosses pendant la guerre qui trouvent un char et qui décident d'aller, alors dans le premier, au sauvetage de leurs parents, et donc de se mêler à la guerre et de combattre l'armée ennemie, pour aller sauver leurs parents. Le but, c'est ça. Et en fait, ce tank, il a un truc de spécial, c'est qu'en fait, il possède un canon des âmes, c'est-à-dire que si on sacrifie un enfant, on est sûr de battre l'ennemi en face. Et dans le premier, j'avais réussi à ne sacrifier aucun de mes enfants, à réussir tous mes combats sans sacrifier les enfants. Ce que j'avais juste pas prévu, c'est qu'à un moment donné, en fait, si on développe pas l'amitié entre certains personnages, à la fin, le jeu ne vous laisse plus le choix et sacrifie deux personnages parce que vous les avez pas assez liés avec les autres. J'avais pas anticipé ça, donc j'ai perdu deux personnages dans la première histoire. Là, le 2 est sorti. Et comme j'avais adoré le premier, j'ai voulu faire le 2, et le 2 est encore pire, parce qu'en fait, là, il s'agit de... En fait, ils retrouvent donc le char avec lequel ils ont sauvé leur monde, en fait, parce qu'en sauvant leurs parents, ils ont sauvé tout le pays. Et en fait, ce char se met en marche de lui-même en bloquant un certain nombre d'enfants à l'intérieur. Et donc, ceux qui restent vont prendre le char ennemi contre qui ils se sont battus dans tout le premier épisode pour aller à leur rescousse. Et cette fois-ci, donc on continue à vivre avec les enfants qui vivent à bord du char, on développe les personnages, donc j'ai voulu beaucoup développer les interactions entre les personnages parce que je voulais surtout pas qu'ils me fassent la même chose que dans le premier, je voulais vraiment tous les sauver cette fois-ci. Ce qu'il y a de bien quand même, c'est que le 2 commence, c'est comme si vous aviez perdu aucun des enfants du 2, du premier. Donc c'est quand même pas mal, c'est que ça fait table rase du passé, c'est comme si vous les aviez tous sauvés à la fin. Mais des fois... Déjà, c'est pas un mal. Mais le problème étant, oui. Mais des fois, comme dirait Seigneur Lancelot, des fois, on n'a pas le choix, faut sacrifier les jeunes. C'est ça. C'est le grand caddie. Bonne référence, bien placée. C'est le grand caddie. Et du coup, c'est vrai que là, je me suis retrouvée dans un jeu où ça a été très compliqué pour moi parce qu'en fait, à un moment donné, quand le char arrive à un certain niveau de vie, de lui-même, pour éviter d'être détruit, il va choisir un enfant au hasard qu'il va mettre dans le canon des âmes et on a un certain nombre de tours avant qu'il ne déclenche l'attaque. Et je peux vous dire que ça rajoute un stress au truc. C'est horrible. C'est horrible parce que moi, je voulais surtout pas qu'il en sacrifie un. J'ai recommencé des combats plein de fois parce qu'à chaque fois, je me faisais avoir et il me le sacrifiait parce que j'avais pas le temps, en fait, de remonter le niveau de vie du char et c'était très, très, très, très difficile. Et en fait, cette histoire, elle est passionnante. Surtout si on a fait le premier, elle est extrêmement prenante parce qu'on s'attache très très vite à cette bande de gamins. Et elle fait beaucoup pleurer. Et c'est un des meilleurs jeux niveau histoire, niveau émotion. Je crois que c'est l'un des jeux qui m'a le plus touché cette année. Voilà, c'est pour ça que je voulais le... Surtout qu'il y a vraiment un... faut parler aussi de l'habillage graphique, parce que c'est un jeu qui s'inscrit dans le lore de Tel Concerto. Oui. Donc c'est très manga, c'est des animaux anthropomorphiques, mais très très manga. Solato Robo aussi. Oui, voilà, Solato Robo aussi. Enfin, toute cet univers-là. Bah, en fait, c'est la trilogie de la vengeance, en fait. Voilà, oui, ça, ce serait bien de le rappeler. Tel Concerto, Solato Robo et Fuga, en fait, sont considérés. Enfin, j'avais fait une interview de Hiroshi Matsumoto, le PDG de Cyber Connect 2, qui m'avait expliqué qu'en fait ça faisait partie de la trilogie de la vengeance. Donc cette interview, si elle vous intéresse, est à retrouver sur Geeks by Girl, vous la retrouverez assez facilement. Et en fait, bah, tout est interconnecté parce que tout se passe dans le même univers, en fait. Et en fait, chacun de ces trois jeux, donc Tel Concerto, Solato Robo et Fuga, va en fait être une trilogie. Il l'a d'ores et déjà annoncé. Il me l'a dit, donc voilà, je le sais, ça sera une trilogie. Donc là, on en est au deuxième de Fuga. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour le troisième, mais je me prépare déjà à sortir les mouchoirs, croyez-moi. En tout cas, c'est un jeu vraiment... Moi, je t'ai vu jouer... je pense que la réputation de ce jeu n'est pas usurpée. Il faut que je trouve le temps de le faire, mais c'est vrai que ça a l'air... En plus, moi, en termes purement de gameplay, il est ça me plaît beaucoup, parce que c'est vraiment cette mécanique, cette horlogerie suisse à la japonaise. J'aime beaucoup ça. Ouais, moi c'est un jeu que je dois faire absolument. Donc, tu lui attribues ton... Je lui attribue ton Family Pack Golden Award. De la meilleure histoire. De la meilleure histoire. De la meilleure histoire. J'y tenais beaucoup, parce que c'est vraiment un jeu qui m'a énormément remué au plus profond de moi-même, pour le coup. Pour le prix suivant, qui est donc consacré au meilleur personnage, pour moi, il n'y a pas de dispute à voir, puisque vos personnages... Enfin, celui que vous avez sélectionné, j'aurais pu le sélectionner aussi. Donc, c'est trois personnages que. Mais celui que tu as sélectionné aussi, j'aurais pu le sélectionner voilà, aussi. Voilà. Donc, on va repartir sur Axel. C'est un personnage, franchement, je pense qu'il va faire date. Bon bah, pour moi, on perd un perso, le meilleur perso de cette année. Voilà, pas original non plus, mais c'est pas grave. Ah, pas original dans le sens... le perso, je le trouve original. Non, bien fait, mais pas original, le choix. Oui, de le citer, oui, voilà, de le citer. Voilà. Bah, c'est Mario Éléphant, voilà. Ça aurait pu être très bien... Bah, c'est très bien la définition de Maître l'huissier, mais voilà, c'est un détail. Donc, ouais, c'est Mario Éléphant que voilà, j'ai choisi parce que je le trouve super drôle. Voilà, que ce soit pour le jouer ou que ce soit de cohérence visuelle. Et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à Kirby. Hein, voilà. Donc... voilà, j'ai bien aimé ce perso. C'est un peu Kirby 2.0. Ah, Mario Léphant, faut rappeler que c'est une des transformations de Mario dans Super Mario Wonder. Et il est vrai que le jeu exhibe des animations totalement tordantes, hyper cartoonesques et très, très, très chiadées. Vraiment, chaque mouvement, chaque situation donne lieu à des mimiques vraiment drôlissimes. Et c'est vrai que le Mario Éléphant, il a vraiment une tronche déjà. Je pense qu'ils vont vendre des kilotonnes de peluches à Nintendo avec celui-ci. Ah, j'avoue. Déjà, Mario si Chat était balèze, mais ouais. Je vous l'achète. Franchement, et les petites animations quand il rentre dans un tuyau, quand il balance de l'eau avec sa trompe, enfin plein de choses, c'est vraiment. C'est fabuleux, quoi. Donc, Axel décerne son prix à Mario Éléphant, un prix amplement mérité, un prix poids lourd, j'ai envie de dire. C'est nul, mais il fallait la faire. Et toi, alors, du coup ? Enfin, moi, c'est un héros que j'aime aussi beaucoup, donc forcément. Alors, de mon côté, vous l'aurez compris, c'est une émission sous le signe du militantisme pour défendre Final Fantasy XVI. Moi, c'est Clive Rosfield. Et pas Clyde. J'ai adoré ce héros. Je trouve qu'il a une personnalité très intéressante, vraiment, qui a un design de fou. Je pense que ça fait consensus quand même, mais qui a une histoire, je trouve, très intéressante, notamment la relation qu'il a avec son frère, qui est un peu au centre, hein, comme de l'histoire, que je trouve très très très émouvante. Oui, c'est un personnage qui m'a vraiment beaucoup plu, et j'ai adoré vivre cette histoire à travers son regard, à travers son âme, j'ai envie de dire. Je prends des grands mots comme ça, mais c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, pour moi, le casting de FF16, c'est vraiment un des meilleurs qu'on ait eu sur la saga, et ça fait vraiment plaisir. Pour moi, il n'y a pas un personnage acheté, et c'est voilà, Clive particulièrement m'a énormément plu. Alors, c'est pas le seul, mais Le fait qu'on l'incarne aussi, ça aide. Ça aide un peu. C'est le héros. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage, donc pour moi ce sera mon meilleur personnage de cette année, sans hésiter. Mais celui que tu as choisi, ou plutôt celle que tu as choisi, ma maman, ça aurait pu aussi, parce que waouh. Ouais, j'avoue. Waouh. Alors, je suis pas une grande fan à la base. J'ai beaucoup hésité avec son homologue masculin, mais non, j'ai choisi Ada Wong. Alors, dans quel jeu ? Dans Resident Evil 4 Remake, voilà. Et très exactement dans Separate Ways. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avoue que quand j'ai fait le Resident Evil 4 original, je me suis arrêtée à l'histoire avec Léon. Ça m'avait énormément plu. J'avoue, c'est là-dedans que c'est à ce moment-là que je suis tombée à peu près dans les Resident Evil, même si je me suis un peu fait violence, parce que vous connaissez mon amour des jeux d'horreur. Et j'avais pas fait la version Separate Ways parce que je voulais pas me réinfliger ça, même avec Ada Wong, non, ça m'intéressait pas. Et là, cette année, ils ont donc annoncé le remake de RE4, ils ont ressorti Separate Ways plus tard. Donc après m'avoir laissé le temps de digérer le jeu principal, et je l'ai eu de Capcom. Et donc j'ai fait un test sur Separate Ways, donc forcément je l'ai fait. Et en fait, je me suis aperçue qu'incarner Ada avec, qui est un personnage qui est très aérien, qui est très léger, qui est très, qui est punchy, qui est, en fait, c'était juste du bonheur, quoi. C'était juste du bonheur. C'est une femme qui a une classe, mais phénoménale. Elle est aussi dangereuse que mystérieuse. Enfin, c'est vraiment la quintessence de la femme fatale. Vraiment très élégante, ouais. Très élégante et super belle. Enfin, et pas du tout bimbo, quoi, vraiment. Voilà, c'est... et pas du tout bimbo, mais en élégante même temps... Élégante et sexy, mais pas bimbo. En même temps, quoi. Elle est super sexy et j'ai adoré ce personnage. Alors, j'ai beaucoup aimé Léon aussi, mais Léon a un côté un peu plus tank. C'est un homme, il est plus lourd. Et façon de jouer, façon de l'incarner, je préfère les personnages plus aériens, avec plus d'explosivité. On va dire. Même dans les jeux de baston, hein, c'est comme ça. Je préfère les personnages beaucoup plus rapides, beaucoup plus punchy, quoi. Beaucoup plus agiles. Et Ada, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la nouvelle tête qu'ils lui ont fait dans ce remake. Oui, c'est donc, vrai qu'elle est très réussie. Donc voilà, c'est pour ça. Je trouve que c'est la meilleure Ada qu'on ait eue depuis qu'elle existe dans Resident Evil. Pour moi, hein, personnellement. Et donc, c'est mon personnage de l'année. C'est vrai qu'avec son grappin, là... l'action est beaucoup plus nerveuse, et aussi beaucoup plus de verticalité oui. Dans Separate Ways, où vraiment là on grimpe un peu partout tout le temps. Alors c'est vrai que tout à l'heure je disais Alan Wake, on parle pas trop de jeu 18+, bon là on met un prix carrément un personnage d'un survival horror, mais voilà, si vous nous connaissiez d'avant Family Pack, vous savez que les jeux d'horreur c'est notre cam, c'est ma cam aussi. Surtout la sienne. Il m'a mis dedans bien après. Et Resident Evil fait partie de mes séries phares. Donc, Voilà, le remake, l'occasion de rappeler rapidement que le remake d'Hero 4, vraiment, c'est une masterclass. Mais il y a eu tellement, tellement de bons jeux que bon, mais c'est... Mais je crois qu'on va en reparler après. Toujours compliqué. Mais on va en reparler, bien évidemment. Alors ça, je crois que c'est une catégorie qui nous a été soufflée par Mopral, qu'on salue, il me semble. Qui nous a soufflé. Alors si c'est machin truc ou inversement ou un autre, je m'excuse. En tout cas, ça vient de nos fidèles auditeurs. C'est le meilleur animal virtuel. Oui, le meilleur animal virtuel. Pourquoi faire, Axel se demande. Voilà pourquoi faire. Pour le LOL. Et parce que... C'est pas drôle, personne ne rit. Personne ne rit, là. Et c'est pas League of Legends non plus. Non, parce que c'est vrai que les avoir un animal attachant, côtés, mignon, part. Attachant dans un jeu, c'est super. Un compagnon. On a tous des compagnons à la maison, on aime ça. Moi, historiquement, le premier moi auquel je me suis attaché... Je sais, Shadow Dancer. Voilà. Ouais. Shadow Dancer Mega Drive, le meilleur shinobi de tous les temps. On a son chien loup. Le blanc, là. Qui est magnifique et qui vous aide dans le gameplay, en plus. Et là, on parle d'un... Alors, moi, en tout cas... Shadow Dancer qui fait partie de la liste des remakes annoncés par Sega. Exactement. On en reparlera dans le point news de ça. Et cela dit, pour une fois, je crois que c'est l'une des seules catégories où c'est arrivé. On est tombé d'accord. Non, bah t'exagères un peu, là. C'est surtout qu'on a pensé au même tout de suite. C'est ça. On voilà. a réussi à se mettre... Enfin, on était d'accord sur... Elle fait croire qu'on s'est embrouillé de ouf pour les catégories, alors que ça s'est fait vraiment... C'est pas un cas drama, Family Pack. Mais non, mais maman, elle est intelligente, parce qu'en ajoutant du drama, tu vois, c'est vrai que ça peut faire venir plus de monde. Ils sont embrouillés, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que ça, c'est intelligent, ouais. quelque part. Vu comme ça, non. Ouais, mais alors là, ça sert plus à rien, parce qu'au final... Ah bah, j'ai descendu toute ta baraque, là. Bravo. Ah bah, zut. Bravo. Je ferai pas de vignette drama. Même avant que tu passes... Même avant que tu le fasses, ça attirait personne. Mais non, mais je voulais faire une vignette drama, on était tous genre, tu sais, en train de se fighter des éclairs et tout. Ouais, bah non, ça foire. Non, bon. Bon. Ah, sans aucune surprise, Talgor. C'est qui Talgor? Alors, bah, Talgor, c'est le chien. Talgor. Dans FF16, c'est... encore un prix pour FF16. C'est le magnifique. Chien dans FF16. Mais là franchement, il n'y avait vraiment pas photo. Alors, c'est Talgor, chez nous? Mais en VO, c'est Torgal. Mais pour des raisons de droit évident, chez nous, ils l'ont rebaptisé. J'ai pas compris pourquoi, parce qu'en l'occurrence, ça s'écrit pas pareil non plus. Il manque le H. Bon, ils ont peut-être pas voulu avoir de problème. Ça se disait de cette façon-là. Alors, en tout cas, c'est le chien. C'est le chien dans. C'est le compagnon de Clive. De Clive, et surtout, c'est un chien qui, effectivement, pareil. Hein, on parlait de l'histoire tout à l'heure des personnages. C'est un personnage à part entière pour moi du jeu qui. N'est pas juste catapulté là, il a sa petite histoire à lui. Il a son histoire à lui, c'est un personnage important. Il est lié vraiment à... Voilà, au personnage. Au personnage. À un niveau beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait s'attendre au départ. Et surtout, dans le gameplay, c'est vraiment une aide dans les combats. Et même dans... Enfin... Et il les suit tout le temps, en fait. Il participe aux scènes. Temps, même quand Clive est seul, il est quand même toujours avec Talgor. Ouais, c'est vraiment le compagnon idéal. Bah, c'est son fidèle compagnon, quoi. J'avoue avoir hésité avec El Celeste dans Hogwarts Legacy, parce que j'avoue que cette hippogriffe, moi, les hippogriffes, je les trouve superbes dans Hogwarts Legacy. Mais c'est pas le même relationnel. On les appelle quand on veut, mais ils sont pas tout le temps avec nous. Là, Talgor, c'est vraiment un personnage central, et très important. Aussi bien dans le scénario que dans le gameplay. Ce qui n'est pas le cas d'El Celeste, donc bon, bah, j'ai préféré Talgor pour ce coup-là. Et donc toi, Axel, pas d'animal virtuel? Il n'y a pas d'animaux virtuels dans Brawl Stars? D'animaux virtuels? C'est-à-dire des personnages animaux? Alors si, t'en as, mais en vrai, ils sont pas incroyables. Enfin, si, y en a un qui est incroyable, mais genre, la plupart, globalement... Alors tu parles vraiment d'animaux de compagnie, quoi. Oui, c'est ça. D'animaux qui accompagnent. Qui accompagnent. Alors non, pas qui accompagnent. Alors en perso de base, qui sont des animaux de compagnie, ouais, il y en a, mais ils sont pas ouf. C'est pas ceux que je préfère. Il y en a pas un qui a un corbeau, non? Si. Lui, il est exceptionnel pour le coup. Ah ouais, vous avez vu, ma culture est quand même assez étonnante. Mais j'y pensais à celui-là aussi. Lui, pour le coup, oui, il est exceptionnel, mais c'est pas. Mais c'est pas un animal techniquement. Ouais. C'est un animal humanisé. C'est un personnage humanisé. Oui, c'est ça. C'est pas Korbach, non? Si, Korbach, voilà. Si, ouais. D'accord. Perso juste exceptionnel aussi pour le coup, mais à part ça, le reste, c'est... Voilà, bien, mais sans plus, quoi. D'accord. Alors, la bonne surprise, parce qu'on a un prix, la bonne surprise. Donc, on, pour toi et pour moi, chère madame maman. Alors, c'est le jeu qui nous a surpris, c'est ça qu'on n'attendait pas, c'est ça? C'est le... Oui, c'est ça. Bah, c'est ça. C'est le jeu qu'on n'attendait pas, en fait. Bon, moi, je vais aller très vite. C'est Hogwarts Legacy, donc... J'ai déjà expliqué maintes fois pourquoi, donc je vais passer rapidement dessus. Et toi, madame maman ? Alors moi, c'est un encore un jeu indé que j'attendais... alors, je l'attendais à pas... C'est pas vraiment une surprise dans la mesure où je l'attendais dès que j'ai vu le trailer, en fait. C'est Inculinati. Alors en fait, je me permets d'intervenir rétroactivement. Madame maman, là, se trompe. Elle ne parle pas de ce jeu-là, mais de Pentiment. Voilà, c'était pour... comme les deux jeux se ressemblent effectivement énormément d'un point de vue visuel et au niveau de la direction artistique, on ne lui en tiendra pas rigueur et on poursuit cette émission souplement. C'est un jeu en fait de... d'enluminure médiévale qui se passe dans une enluminure et on suit un moine dans un scriptorium qui va dénouer des affaires... de meurtre. Enfin, c'est un peu le nom de la rose, mais version enluminure. Et j'ai trouvé ce jeu absolument génial. Visuellement, c'est bluffant. Visuellement, il est superbe. L'histoire est géniale. Le gameplay est top. Ça se passe sur une trentaine d'années. Alors bon, pas voilà. Hein, le jeu se passe sur une trentaine d'années. L'intrigue, mais pas le. Heureusement, le jeu est quand même un peu plus court. Et c'est vrai que je m'attendais à m'amuser. Avec ce jeu, mais je m'attendais pas à ça. Et ça a été une grosse surprise. Je l'ai adoré, ce jeu. Et je suis encore en train de me dire qu'il faut que je le relance parce que j'ai envie de pousser plus loin encore l'exploration que ce que j'avais pu faire quand j'ai fait mon test. J'ai pas eu le temps, malheureusement, mais j'attends d'avoir un tout petit peu de temps pour pouvoir m'y relancer. Oui, c'est vrai, on a vraiment l'impression de se balader dans... Dans une enluminure, ça se dessine. Et les musiques... Enfin, il y a quasiment pas de musique. Le peu de musique qu'il y a, c'est du chant grégorien religieux. Il y a une... Alors moi, je le confonds avec l'autre, qui est un tactical RPG de ah profil non, et qui est aussi dans... Oui, mais non, c'est pas la même chose. Oui, mais c'est pareil, les personnages sont... On a l'impression qu'on est sur d'un... Comment... C'est dessiné à la plume. Oui, c'est... Alors en fait, là, c'est carrément des personnages dans l'enluminure. Et en fait, on les dessine au fur et à mesure. Je me souviens plus comment il s'appelle, celui-là. Je m'en rappelle plus. Bon, bah, Pourtant, je l'ai testé, mais je m'en rappelle plus. Les auditeurs retrouveront qui était... Mais au début, quand tu as parlé de celui dont tu as parlé, je pensais qu'on non, parlait du tactical. Non, c'est vraiment le nom de la rose. Il y a un meurtre qui se produit. En fait, on va chercher le coupable et il y en a un autre qui se produit. On va rechercher le coupable. Visuellement, ça ressemble un peu à un point and click. On est un peu, en vue de profil, mais avec du relief quand même. Avec du relief, mais c'est tout. Tout dessiné comme dans une enluminure, ouais, en fait. C'est vrai que c'est super et impressionnant. Et il est magnifique. Et j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'ambiance. Enfin, j'ai tout aimé dans ce jeu-là. Et franchement, j'en attendais quelque chose. Oui, je ne vous le cacherai pas, c'est tout à fait ma came. Donc j'en attendais un truc, mais je ne m'attendais pas à ça. Et ils m'ont bluffé. Franchement, ils m'ont bluffé. Contrairement à l'autre, que j'ai beaucoup moins aimé, pour le coup. Oui. Mais... J'en attendais beaucoup plus et j'ai été un peu déçue. Et celui-là, par contre, bah, j'en attendais autant. Et par contre, ils ont mis la barre beaucoup plus haut que ce que je m'imaginais. Par contre, on va être totalement d'accord, c'est sur la déception de l'année. Là, on est totalement raccord. Car si on est en général très très très client de ce que fait Square Enix, là, ça nous a douché un petit peu. Moi, il est vrai que jusqu'au dernier trailer, je pensais que ça allait être super chouettos. Et finalement, c'était pas... Alors, c'est pas... C'est pas nul. Ah, ça reste Square Enix, hein, donc c'est pas honteux non plus. Non, mais bon. C'est vide, c'est fade, c'est Forspoken. Alors, c'est pas vide, c'est pas... disons que je pense qu'on en attendait beaucoup, trop. Et en fait, ah, ouais. Je pense aussi. Et en fait, Forspoken, bah, c'est très répétitif. Moi, j'ai adhéré à l'histoire, pourtant. J'ai bien aimé l'histoire, mais au bout d'un moment, c'est vrai que bah, l'héroïne, au bout d'un moment, elle m'a saoulée. Ah oui, c'est vrai qu'elle était particulièrement agaçante. Ouais. Elle est tête à claque. Enfin, au bout d'un moment, je veux dire, elle est toujours à se plaindre, toujours à vouloir se barrer, toujours... Au bout d'un moment, oui, c'est ouin-ouin pendant les trois quarts du jeu. Franchement, au bout d'un moment, Ce qui colle pas du tout avec son côté très guerrière, parce qu'au niveau du look, par contre, l'héroïne, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est basé sur une actrice, je crois, une chanteuse, oui, je sais plus. C'était. Je ne sais plus, c'est pas grave. Mais en tout cas, elle a un look d'enfer. Elle se retrouve catapultée dans un monde un peu fantasy où elle doit combattre des méchants. Bon, alors, vraiment, je brosse à grands traits le truc. Mais par contre, oui, son caractère est insupportable. Son caractère est insupportable. Je vous avoue qu'on comprend comme Kirby, quoi. Très très vite les tenants et les aboutissants de ce qui va se passer. Et elle pèse aussi 100 kilos, l'héroïne. Non. On voit venir énormément de choses à 3 km. Et surtout, c'est vrai que c'est un monde ouvert, mais qui est très très vite. Ouais, il se passe pas grand chose. Il y a beaucoup de petits trucs à ramasser. Alors, si vous avez la collection Itigu comme moi, vous êtes aux anges, mais en fait, il y a pas de variété dans les missions annexes. Il y a très peu de variété. On a beaucoup de mal à s'attacher à l'héroïne parce qu'au bout d'un moment, elle est saoulante. Il faut le dire. Et c'est vrai que, moi, vu les trailers, j'en attendais énormément et j'ai été déçue. Et je trouve que le système de combat est mou et on ressent pas vraiment cet impact. Alors, moi, le système de combat, par contre, m'a pas dérangé. Mais il y a pas, je trouve qu'il y a pas d'impact, il y a pas de nervosité. Enfin, il y a pas de au niveau de ce qu'on appelle le game feel, hein, les sensations qu'on ressent quand on joue. Je trouve qu'il y a pas de retour d'impact quand on. Moi, ça m'a beaucoup gêné. Alors, si je ne fais erreur, il me semble que c'est la team FF15 qui a bossé sur ce jeu-là. Et malheureusement, ça devait être leur grand retour. Un peu leur mea culpa, et c'était un gros jeu, hein. Square Enix comptait beaucoup dessus, et ça fait pchit. C'est ça. D'ailleurs, je crois que le studio a été un petit peu démembré depuis, démembré, le terme n'est pas très heureux, mais ouais, vous avez l'image. Donc oui, non, c'est une grosse déception, quoi, c'est dommage. Ça a été une déception. Grosse, peut-être pas en ce qui me concerne, mais une déception tout de même. Et c'est surtout, ce qui est terrible, c'est qu'on l'a vite senti. C'est-à-dire, dès les premières heures de jeu, ouais, on a commencé à dire, oula! Très, très vite, en se disant, pourtant, ça commençait bien avec l'héroïne, avec son chat, qui. Oui, parce qu'elle habite New York. Non, c'est une ville américaine. Non, elle habite New York. Le début dans New York, qui est censé faire, nous préparer à son arrivée dans le monde de fantasy, là, c'était pas mal. Et on avait hâte de voir ce qu'allait se passer. Et en fait, après, une fois qu'elle est arrivée, justement, dans ce fameux monde... Et après, monde, c'est un petit peu ennuyeux. Ouais, ça redescend tout de suite. Donc, c'est un peu embêtant. On va passer, et là, je vais passer la parole à Axel, au coup de cœur d'un jeu. Alors, ça aussi, ça nous a été soufflé, comme titre, comme idée de prix. Le jeu coup de cœur, d'un jeu sorti avant 2023, donc pas un jeu de 2023. Des découvertes qu'on a fait sur le tard de jeux qui nous ont plu. Et toi, Axel, on en avait parlé, je crois, dans un précédent Family Pack. C'est non pas Goat Simulator 2, parce que Goat Simulator 2 n'existe pas. Non. C'est Goat Simulator 3. Bah voilà. Goat Simulator. Ils se sont plantés, du coup, sur. Mais c'est fait exprès. Sur l'ordre, voilà. C'est fait exprès. T'as cassé l'ambiance, mais c'est pas grave. Bref, du coup. Mais j'aime taire alors. Merci. Goat Simulator 3 fait partie d'un de mes coups de cœur parce que déjà, le premier qui était bon, cependant, il était quand même vachement buggé, tu pouvais faire glitcher la map très très facilement, mais il restait quand même hyper attachant. Beaucoup de gens aussi ont adoré ce côté un peu buggé et tout, on pouvait faire n'importe quoi. C'est justement ce qui faisait le sel de Goat Simulator, c'était ce côté buggé. Et aussi, il y a encore des bugs, je pense à mon avis, ils l'ont laissé exprès, probablement. Voilà, il y a quand même moins de bugs, ils ont quand même fait un petit peu plus d'efforts, genre la map est quand même beaucoup plus grande, et voilà, pas de DLC malheureusement, c'est un peu, enfin si, mais c'est juste des skins quoi, mais pas, ça va peut-être arriver, peut-être, ouais, j'espère qu'il y aura des DLC quand même dans le futur. Bon, ça peut prendre 2-3 ans, genre je sais que le dernier DLC de Goat Simulator, le premier, date de 2017, le dernier, donc c'est 3 ans après, 3 ans après, d'accord, ouais, 2014 c'est sorti, okay. Donc peut-être, je sais pas, là, en 2023, on n'a pas eu de DLC pour l'instant, mais peut-être 2024, vu qu'ils en préparent des gros, je ne sais pas, mais je l'espère. En tout cas, la chef, tu fous toujours le bordel. Et là, pour le coup, il y a une vraie histoire à suivre. Il y a un peu un scénario, ça c'est quand même incroyable. Donc, j'ai vraiment adoré ce jeu. C'est un jeu défouloir, quoi. C'est vrai qu'avec la chèvre, tu pètes tout ce qu'il y a, tu vas embêter les gens. C'est assez... Et surtout, tu testes la physique du jeu, tu la pousses dans ses derniers retranchements en faisant des... C'est avec sa langue, elle peut se coller n'importe où. Donc, c'est un jeu gag, C'est un jeu rigolo et franchement, je pense que en famille, juste pour passer un bon moment de rigolade, c'est pas un jeu où il y a besoin de s'investir 3 heures d'affilée. Vous pouvez jouer de temps à autre comme ça pour vous marrer. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, on a fait le test ensemble. Oui, pour Guy Bayer. On a fait le gameplay. On a fait un let's play vidéo tous les deux. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça a retrouvé sur la chaîne YouTube de Geeks Bagger. Ça a retrouvé sur la chaîne YouTube. C'est intéressant d'aller voir. Alors oui, parce que vous aviez fait ça, j'avais oublié effectivement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc Goat Simulator, Chèvre Simulator 3 pour Axel. Alors moi là, je suis en plein crush. Je suis en plein histoire d'amour avec les. J'ai découvert un peu sur le tard aussi ce qu'a sorti ces 10 dernières années Falcom, donc qui est un studio japonais d'une taille très modeste, mais qui est quand même très très célèbre, qui est notamment derrière la saga Is. Et j'ai les Is modernes, c'est-à-dire à partir du 7, j'ai voulu, à force d'en avoir entendu parler à droite à gauche, vraiment ça m'intéressait, je voulais découvrir. Et grâce au PlayStation Premium, parce qu'on est abonné au Premium, j'ai découvert donc Is 8, j'ai enchaîné sur le 9, et là j'attaque la saga Trails. The Legend of Hero, Trails of Cold Steel. Voilà, merci Madame Maman. Je t'en prie. Et ce sont des JRPG extraordinaires. Alors de l'action RPG pour Is et du JRPG donc au tour par tour pour Trails. Et j'ai découvert... une région du JRPG, pourtant moi c'est un de mes genres fétiches, hein, donc je connais comme beaucoup de choses sans vouloir la ramener, mais c'est vrai que je ne connaissais pas ces productions là de Falcom, et j'ai découvert vraiment une région fabuleuse. Ce sont des jeux, alors comme ce sont des petits budgets, techniquement on a l'impression d'être entre la Dreamcast et la PS3, c'est assez, mais moi je trouve que ça a beaucoup de charme. Si on voit que c'est fait avec cœur, les musiques, ils ont donc un groupe qui font leur musique, les musiques sont extraordinaires, ça fait partie des plus belles BO, enfin, les musiques sont incroyables, les scénarii sont tout autant, on s'attache beaucoup aux personnages, que ce soit Adol et toute la bande dans les Is, et là la bande de Trails que je découvre aussi, donc là c'est un bonheur, je découvre, j'ai l'impression d'avoir ouvert la caverne d'Ali Baba, il y a 1000 jeux à découvrir derrière, donc voilà, moi c'est... Is 8, qui est le premier que j'ai découvert, et derrière lui, bah, les autres Is modernes, c'est-à-dire ceux qui font depuis une dizaine d'années, et donc les Trails aussi, qui est leur seconde série phare. Et voilà, donc je vous conseille, c'est des jeux qui sont un peu moins médiatisés, mais qui sont surtout une sorte d'institution au Japon, enfin qui sont très connus au Japon, mais qui ont quand même leurs fans en Occident, et maintenant j'en fais partie. Donc voilà, je vous incite à les découvrir, sachant que les derniers Is ont été traduits en français. Voilà, pour les autres, vaut mieux maîtriser l'anglais, mais pour Is 8 et Is 9 qui sont extraordinaires, vous avez les textes en français qui sont traduits. Voilà, ça c'était pour mes jeux d'avant 2023 que j'ai découvert. Et pour Madame Maman, on reste dans le jeu japonais avec Kingdom Hearts Melody of Memories. Voilà, alors tu l'avais testé, on en avait. J'en ai parlé dans. T'en as parlé dans une précédente émission. Dans une précédente émission, parce qu'en fait c'est un jeu que je me suis acheté d'occasion, voilà. Qui est sorti il y a quand même un peu de temps, mine de rien. Et que j'ai trouvé en occasion au magasin à côté de chez nous, et je me suis dit tiens, je vais me faire plaisir, j'ai pas de jeu à faire cet été, on partait en Bretagne, on emmenait la Switch, et je me suis dit tiens, un petit jeu Switch, en plus Kingdom Hearts, moi c'est mon rayon, donc j'adore, et je me suis dit bah voilà, je vais me l'acheter et je vais le faire. Donc j'ai déjà expliqué pourquoi j'ai adoré ce jeu et pourquoi il faut absolument le faire quand on est fan de Kingdom Hearts, puisque Nomura est un sacré filou. Oui, t'en as parlé dans une précédente émission. Si vous voulez plus de détails, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que c'est énorme. C'est énorme. En fait, il y a une fin qui fait le lien en fait entre Kingdom Hearts 3 et Kingdom Hearts, le futur Kingdom Hearts 4, et que à mon avis vous allez pas trop comprendre. Enfin, vous comprendrez beaucoup mieux le trailer qu'ils ont sorti il y a quelques temps de Kingdom Hearts 4, les petites images qu'on a vues, voilà, si vous avez fait la fin de Kingdom Hearts Melody of Memories. Voilà, alors que c'est un jeu de rythme et qu'on aurait pu croire que c'était totalement annexe, eh bien non, pas du tout. Voilà, et moi c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, ne serait-ce que pour refaire les musiques. Moi les musiques des Kingdom Hearts, elles sont superbes. retrouver les mondes de Disney, on se balade sur une partition. Enfin, moi, la musique, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Et c'est vrai que les jeux de rythme et les jeux musicaux, j'aime beaucoup ça. Donc j'ai beaucoup aimé ce jeu. Et comme c'est un jeu qui est sorti bien avant, bah, voilà, c'est ma découverte 2023, mais qui ne date pas de 2023. Très, très bien. Là, on va enchaîner. Alors là, c'est tout à fait à propos, j'ai envie de dire, puisqu'on est dans Family Pack, c'est les jeux familiales de l'année, et là, on est tous d'accord. Ah là, bah, là, bah, y a oui, débat. Là, pour une fois, il y a consensus. Les assiettes n'ont pas volé, Kirby ne s'est pas agrippé au rideau, là... Elle pèse 100 kilos. Non, même plus, c'est 200 kilos, je crois. Alors, Axel est obsédé par le poids de son chat. C'est un truc de ouf. Mais c'est pas ma faute, elle prend toute la largeur de la coudoir. On va te dire que c'est de la grossophobie, mon petit père, attention. On va se faire censurer, on va se retrouver au poste. Oh, mais, ça va être tout mais un. Mais grossophobe de quoi il... Ça va être tout un tête des hommes. Dis aux auditeurs de venir chez nous, ils diront la même chose. Pauvre Kirby. Ah, il va falloir encore ouais, après ouais. Comment la consoler. Elle avait qu'à pas bouffer autant de croquettes. Donc, Dixit, celui qui s'est bouffé une pizza juste avant le. Bon, sauf que moi, je prends pas un gramme. Profites-en, tant que ça dure. Ah bah... Tu verras après quand tu seras. Quand tu auras passé les 30 ans. Bref, digressons. Nous digressons. Or donc, le jeu familial de l'année, il n'y a pas photo. Axel, veux-tu nous l'annoncer? Pas en étant à 5 mètres du micro. Merci. Ok. Il s'agit... God Simulator 3. Il s'agit donc de... Non, je rigole. Il s'agit donc de... Désolé, c'était une farce. Il s'agit donc de... Non, mais il est taquin. Bon. Hein. C'est bon, je rigole. Là, on a perdu tout le monde, là. Il s'agit de... Super... C'est bon, super Bros Wonder, allez, c'est bon, j'arrête de faire durer le suspense. Bah oui, Mario Wonder, vraiment, c'est le jeu pour moi familial par excellence, d'autant plus que, quel que soit votre niveau de joueur, du joueur casual au core gamer, okay, il a des défis pour tout le monde. Ah oui, vous pouvez, même si vous n'avez pas de skill, n'est-ce pas, vous pouvez quand même vous c'est y amuser sans aucun problème. C'est donc pareil, pour une critique plus détaillée de notre part, vous avez donc effectivement l'émission où la dernière, d'ailleurs. On en parle. Bah, je crois que c'est la dernière en date. C'est la dernière en date, c'est celle de novembre. Et aussi, ça fait partie des petites contreparties Patreon. Vous avez aussi nos mini-tests de tous les jeux qui sont traités dans l'émission. Vous pouvez revoir nos petits avis et même ceux de Kirby parfois en écrit sur le Patreon. Voilà, on va pas s'étendre d'autant plus, mais c'est un très très bon Mario, un super level design, des surprises avec les fleurs prodiges, à tous les niveaux, direction artistique de malade, voilà, un grain de folie. Une idée par niveau. Fin... Ouais, vraiment, c'est juste fabuleux. Donc Mario Wonder, c'est pas pour rien que c'est le jeu qu'on a voulu vous faire gagner avec X by Girl lors du dernier concours. C'est vraiment un jeu à voir. Absolument. Et tout le monde peut jouer, quel que soit son âge. Voilà, on peut jouer à plusieurs, on peut jouer en solo. Vous pouvez vous amuser de quelque manière que ce soit. Et très belle BO aussi, Super Mario très, Wonder. Très, très voilà. Belle BO, ouais. Soit dit en passant. Alors, nous allons continuer avec le surdoué de l'année. Ça, c'est un prix déjà pour placer des jeux qu'on voulait absolument placer parce qu'ils étaient incontournables. Et il y a un vrai sens derrière, c'est le surdoué de l'année dans le sens où c'est un jeu qui, avec ses mécaniques ou son principe, est vraiment extraordinairement intelligent. Et voilà, vraiment, c'est un élève surdoué, je peux pas dire mieux que ça. Un bon élève. Oh, mieux que ça même. C'est quelqu'un qui nous a mis une claque avec ses mécaniques. Et compagnie. Et j'aimerais commencer tout de suite. Pour moi, c'est Zelda Tears of the Kingdom. On en a parlé aussi dans une ancienne émission, mais c'est un jeu dont les mécaniques, dont les possibilités sont tellement bluffantes. Le moteur physique est incroyable. On se demande comment ça peut tourner sur Switch. Tous les pouvoirs, les nouveaux pouvoirs de Link sont vraiment bluffants. Et surtout celui qui consiste à faire divers assemblages pour faire un petit peu tout ce qu'on veut. C'est assez fou, le pouvoir qui permet de traverser les plafonds. Comme je le disais, pour moi, ça redéfinit vraiment la notion de verticalité dans un jeu d'aventure, d'action-aventure. Enfin bref, c'est vraiment... oui, c'est une claque, vraiment. C'est même plus du 20 sur 20, là, au niveau de l'intelligence du game system. C'est juste une leçon totale et donc ça m'aurait quand même rendu bien triste qu'on ne nomme pas Zelda Tears of the Kingdom dans qu'il n'ait pas son Golden Awards, n'est-ce pas? Impensable, impensable. Impensable. Et toi, alors Axel, là, n'a pas de prix pour celui-là. Toi, Natacha, tu... On peut des remakes, honnêtement. C'est pas les remakes. On parle pas des remakes. On est sur le surdoué de l'année. Désolé. Oh, ben, il suit pas, il suit pas. Toi, Nat, tu es sur... pour toi, ce serait Process of Elimination. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Oui. Tu veux tuer des gens? Alors, Process... Oui, c'est un peu le principe, en fait. Process of Elimination, logique. C'est un mélange de visual novel et de jeu de Cluedo. En fait, donc il y a énormément de parties de texte, il y a énormément de cinématiques. C'est un jeu qui est très très très bavard et malheureusement tout en anglais. Et en fait, entre ces parties-là, en fait, il est question de mener. On est avec un groupe de détectives, les meilleurs détectives du monde, et le but, en fait, c'est de trouver qui veut vous tuer parce que vous êtes pris au piège sur une île et qui veut vous tuer et qui arrive à tuer vos coéquipiers ou pas. Il y a des taupes, il y a pas de taupes. Enfin, c'est tout un truc. Et en fait, entre les phases, et c'est là que j'ai trouvé que c'était une excellente idée. En fait, c'est qu'entre les phases purement de texte où vous choisissez d'interagir avec des personnages ou autres. Vous avez des espèces de phases d'enquête sous forme de Cluedo avec un certain nombre de tours où vous devez gérer aussi vos partenaires, les autres détectives, mais qui, eux, ont pas forcément envie de vous obéir. Donc, vous en avez certains qui vous obéissent, donc vous pouvez les contrôler, leur dire « fais ci, fais ça », et d'autres qui vont faire exactement ce qu'ils veulent. Et là, c'est plus compliqué parce qu'en fait, des fois, ils vous mettent dans la panade. Donc, il va falloir arriver à pallier ceux qui font... entre guillemets ce qu'ils veulent parce que des fois ils vont se mettre en danger sans même s'en rendre compte et vous bah va falloir que vous arriviez. Enfin, c'est très très compliqué mais je trouve que le gameplay est assez génial et j'ai beaucoup aimé en fait cette feature de gameplay que qui est l'une des meilleures de cette année, moi j'ai trouvé, voilà, ni plus ni moins. C'est sur Switch, ça, non, que c'est tu avais joué, ouais. Voilà, de toute façon pour nos soutiens Patreon qui ont accès à la version vidéo, je mettrai plein d'inserts d'images, hein, de vidéos, je veux dire, hein, même carrément. C'est un jeu que j'avais beaucoup. Des images qui bougent. Des jeux, oui, puis un look toujours très... très manga, très... j'aime beaucoup. Très chouette. Très, très fan. On va passer à un award, effectivement, où... enfin, c'est un principe qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais quand c'est bien fait, nous on adhère à 1000%, c'est le remake. Et le remake de l'année, là aussi, on s'est mis d'accord. Bah, c'est Resident Evil 4. Hein. C'est ça, c'est le meilleur remake qu'il y ait eu cette année. Et c'est vrai que Capcom, là-dessus, c'est une leçon à chaque fois. Ce qu'ils font avec les anciens Resident, oui. C'est assez exceptionnel. Et s'il y en a un qu'il ne fallait pas rater, c'était R4. C'était bien R4. Et, oui. ils l'ont bien magnifié, je trouve. Hein, vraiment. Bah, c'est même carrément une... comme ils font à chaque fois, hein, c'est une nouvelle lecture. Et je trouve que la version originale et la nouvelle cohabitent parfaitement, oui. Ensemble. Et c'est incroyable, quoi. Si vous aimez Resident Evil 4, vraiment ce remake... Si vous aimez Léon, allez-y. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut absolument le faire. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus. C'est vrai que le gameplay, ils l'ont modernisé, même si la base était encore très, très solide. Visuellement, c'est un travail d'orfèvre et puis... J'ai eu beaucoup de mal avec la nouvelle tête de Léon pendant un certain laps de temps. Et au final, on s'y fait... En jouant au jeu, on s'y fait très très bien, finalement. C'est vrai qu'avec la tête qu'il avait dans le 2, qui était un peu il étrange... Il était plus jeune, on quoi. On s'y est fait, voilà. Mais je trouve qu'on voit vraiment que c'est le même qui a pris de la bouteille dans le 4. Et en même temps, ils ont réussi à faire le pont avec le look qu'il avait quand même dans la version originale sur GameCube. C'est pas tout à fait pareil, mais bon... Je trouve qu'ils ont réussi, ils ont atteint une sorte de compromis qui est pas trop crade. Oui, qui est pas trop dégueu, je pense. Hein. Le jeu toujours aussi généreux. C'était, faut-il le rappeler, le jeu qui à l'époque avait révolutionné le jeu d'action à la troisième personne. Et là, il est à la hauteur de sa légende. Et quand on rentre dedans, on ne peut plus en sortir de sitôt. Et comme tu le disais, le DLC Separate Ways. Ah oui, fait un énorme bond aussi. Avec Ada, qui vraiment, superbe, qui à l'époque, rappelons-le, était arrivé avec la version PS2, oui. d'R4. Et là aussi, ils l'ont totalement sublimé. Ah, totalement. Totalement. Donc on ne peut que vous conseiller tout cela, bien sûr, à réserver pour moi aux plus de 16 ans, bien évidemment. Mais bon, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais Mais c'est comme ça. À 16 ans, c'est même un peu léger, je trouve. Mais bon, 16 ans, ça va quand même. Vu les monstres, ouais. Ouais, 16 ans, ça va quand même, je pense. Quand tu vois certains films qui sont, que même nous, on n'arrive pas à regarder, qui sont interdits aux moins de 12 ans, bon. 16 ans, je pense que ça va, t'es large. Un prix, où là, Axel aussi a nommé son award. Un award, alors il me semble pareil que c'est Machin Truc 76 qui nous l'a soumis. C'est mon award préféré, franchement. C'est le prix Dewey. Alors oui, on est, comme beaucoup, on est fan de Malcolm à la maison. Et, tu es très moche. Voilà. Moi aussi, accessoirement. Tu es très moche. Et on est fan de Dewey, effectivement. Et la fameuse punchline de Dewey qui est devenue un mème, qui est donc celle-ci. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Eh ben, on nous a proposé d'en faire un prix et on en a fait un prix puisque ça s'inscrivait totalement sur alors trois jeux différents. On a choisi un jeu différent chacun. Axel, le tien, ça aurait pu être le mien aussi puisque moi c'est oui, ça a été une déception aussi. Tu voulais nous parler de Sonic Frontiers. Bah, faut dire que déjà, sincèrement, faut dire les termes au bout d'un moment. Faut quand même être indulgent, voilà. Depuis le passage à la 3D du jeu vidéo, bah la Sonic Team, nul. Ah bah t'es pas indulgent là, c'est le contraire, là t'es dur. Ah pardon, désolé, dur. Indulgent ça veut dire être compréhensif, être voilà, voilà excuser un petit peu. Je suis dyslexique d'essence. Là t'es sévère là. Voilà, au bout d'un moment faut être un peu sévère parce que au bout d'un moment, désolé, la Sonic Team depuis le passage à la 3D, à part Sonic Adventure qui était bien, le reste bah... ils font que de foirer. Voilà, et Sonic Heroes qui est très bien aussi, mais bon, après ça, c'est un autre débat, on va pas faire un débat Sonic. Voilà, ils font que de foirer tout le temps, et puis là, pourtant, le pire c'est qu'on peut se faire avoir. On peut croire en plus que vu les niveaux et tout, le jeu il est quand même bien et tout. Mais moi personnellement, je sentais quand même la douille quelque part parce que. Tu sentais la douille dans l'ombre, prête à frapper. Parce que le problème c'est que quand on voit au fil et à mesure du jeu, on voit le monde, mais en fait c'est plein de trucs posés partout, on dirait un TerraVac, tu sais, on dirait. Un terrain de programmation qui est pas terminé, tu sais, ou genre c'est un peu partout. Ouais. Au fond de moi, je chantais un petit peu la douille. Et puis le problème, c'est que le système de compétences, du coup, bah il dure pas. Une fois que tu as complété, t'as tout, t'en obtiens encore, mais ça te sert à rien. C'est ouais, ça, mais que... surtout, tu le complètes à la moitié du jeu, quoi. Bah, et après, il voilà, y a plus rien derrière. C'est un peu teubé, comme. Alors ouais, que ouais. Le système de compétences de Spider-Man, où là, t'es obligé de passer un niveau pour obtenir des points. Là, pour le coup, c'est quand même ingénieux parce que ça te pousse à faire des quêtes, des missions et tout pour pouvoir en obtenir. Et débloquer des compétences au fil du jeu. Là, la moitié du jeu, en plus, tu peux en trouver sur la map, c'est. On est un petit peu dans l'abus, quoi. Et puis au final, après, ça devient lassant, tu te bases sur la map, c'est toujours le même terrain vague, au bout d'un moment, c'est. Bah, c'est chiant, quoi. Déjà, je m'attendais à rien, mais c'est quand même la déception, quoi. Bah, tu fais toujours la même chose. Alors, moi, je m'attendais à rien, et alors, le pire, c'est que moi, j'avais pas été déçu au début. Au début, il est super addictif. Alors effectivement c'est posé en vrac, c'est un peu, t'as l'impression que c'est bordélique, mais bon les choses sont quand même posées, ils ont pas fait ça comme ça, c'est quand même, ouais. Là, c'est mon avis, c'est quand même bien pensé. Et je parle au début parce que au début tu t'amuses, et puis après au début j'ai trouvé ça limite hypnotique, et après quand tu t'aperçois que ça va pas plus loin, que juste de faire des petits parcours sympas et de ramasser des trucs et que c'est toujours la même chose, les décors se ressemblent tous, tu fais toujours la même chose, l'arbre de compétences tu le remplis, tu le complètes très rapidement. Et en fait, ça donne l'impression d'un début de jeu qui a été étiré en jeu entier. Et ça donne l'impression d'être d'une production qui n'est pas terminée. Bah, réel. Et il y a certaines phases aussi, des bugs qui étaient hyper agaçants. Où vraiment, tu t'éclates à faire un parcours, t'es dans les airs. Et pour une mauvaise gestion de collision ou autre, tu te mets à tomber au sol et tu dois tout recommencer. C'est super rageant. Les boss, ils sont méga relous, je trouve. Et... Donc, c'est un jeu qui est très bien pendant 2-3 heures, et après, tu te dis, mais il n'y a rien d'autre, en fait. Donc, c'est... C'est frustrant. C'est très, très frustrant, et moi, je suis passé de l'amusement à la plus grande des frustrations. Et tu te demandes pourquoi il a été placé là, du coup, c'est pour le critiquer, donc bon... Bah, c'est la fête à Sonic, parce que moi, mon prix d'oui, c'est Sonic Superstar. Parce qu'effectivement, je m'attendais à rien, parce que je... Pas comme toi, je chantais un peu la douille, et j'ai quand même été déçu, c'est-à-dire que... Le jeu donc est en 2,5D, voilà, et donc on est à des kilomètres, on est à des galaxies de Sonic Mania qu'on aime beaucoup à la maison, comme vous le savez. C'est sympathique, ça se laisse jouer. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a de très bonnes idées, mais dans les derniers niveaux, C'est dans les derniers stages que tu trouves les meilleures idées. Alors je comprends pas pourquoi. Voilà. Il est pas mauvais. Il est très sympathique. Enfin non. Il est sympathique. Il est sympa. Il se laisse jouer. Mais il y a quand même un arrière-goût de déception qui plane quand même pendant tout le truc. Et alors la seule chose que je trouve sympa, surtout pour y jouer, parce qu'on peut y jouer à plusieurs aussi, c'est qu'il n'y a pas de vie en fait dans celui-ci. C'est-à-dire que les vies sont infinies, t'as pas de vie en fait de base. Et donc voilà, il y a deux trois musiques qui sont sympathiques, mais c'est le syndrome ouais du Sonic qui est pas nul, qui est sympatoche, mais qui est aussitôt oublié quand t'as arrêté de le jouer, alors que Sonic Mania est tellement extraordinaire, on attend tous un 2. Malheureusement, je dis ce que je pense, c'est que Sonic Mania, c'est triste à dire, mais c'était juste un spin-off pour célébrer, je sais pas, une fête de Sonic, un truc comme ça à mon avis. Et je pense probablement, c'est triste à dire, hein, mais il y aura peut-être pas de suite. Ah, j'espère, parce que pour moi, c'est le meilleur qu'on ait depuis le 1 Mega Drive. Donc voilà. Enfin, donc en tout cas, c'était nos. En tout cas, toi et moi, on était sûr de ce pauvre Sonic. Hein, c'est sa fête. Et toi, Madame Maman, il s'en prend plein la gueule alors qu'il est légendaire. C'est Mask Maker qui et te Mask Maker dont on avait parlé aussi, je crois, dans une précédente émission. J'ai un doute. Je sais pas si je l'avais. Tu l'as chroniqué dans Geeks Byger. Il était en balance avec un autre jeu qui s'appelait Liberty. Ah oui, ça t'en as parlé par contre dans l'émission Liberty. Ouais, c'était ces deux jeux-là. Je savais pas lequel des deux mettre en. Et finalement, je pense que. Mask Maker, c'est ta plus grande. Enfin non, c'est celui. En fait, disons que ces deux jeux-là sont à égalité. En fait, j'aurais peut-être dû mettre plus Liberty que Mask Maker. D'ailleurs. Tu peux encore changer, hein. Là, ce sera gravé dans le marbre quand tu l'auras annoncé dans l'émission. Moi, je pense finalement que je me suis un peu trompée avec Mask Maker parce qu'il est quand même moins mauvais que Liberty. Alors Liberty, là, je me rappelle qu'on en avait parlé dans l'émission. Liberty, parce que c'est un jeu auquel je m'attendais à rien dans la mesure où en fait, je l'ai pas vu arriver puisque j'ai hérité du test comme ça. J'ai vu le titre, j'ai dit tiens, bon, il faut le traiter, bon bah ok, j'y vais. Donc je m'attendais strictement à rien, puisque je n'ai jamais entendu parler de ce jeu. Et bah même comme ça, j'avoue que la douche a été rude, parce qu'en fait il s'agit d'un roguelike qui se passe pendant la Révolution française, pendant le couronnement, si je ne dis pas de bêtises, de Philippe Auguste, donc pas la Révolution française. Les profs d'histoire, ils vont avoir les yeux en feu. C'est ça, c'est un peu l'idée, ouais. Parce qu'en fait, on se retrouve... Alors, le couronnement part en bain de sang avec un monstre géant qui apparaît. Et en fait, nous, on se réveille, on est près du cadavre de ce monstre géant qui nous demande de l'emmener à l'abri dans les sous-sols et qui va, en fait... et très vite, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes une création de cette espèce de monstre qui va vous demander d'aller mettre des liens entre les différentes factions. Donc, vous avez les rebelles, menés par une certaine Anna, qui est-elle, on n'en sait rien, dont le bras droit est Maximilien Robespierre, qui est à peu près le seul personnage historique que vous retrouverez là-dedans, en l'occurrence. Vous avez donc le prince Philippe Auguste, qui est quand même un roi qui a régné plusieurs siècles avant, quand même. Hein. Mais bon, ça, c'est un détail. Qui, lui, représente la monarchie. Et puis, de l'autre côté, vous avez donc l'Église, représentée par un chasseur. Là, on peut se dire que, quand même, un chasseur apparaît sur la Révolution française... Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi pas, on va dire. Mais lui, se bat contre une faction qui s'appelle la Tribu, qui, elle... sont vraiment inspirés des sorciers vaudous d'Haïti, en pleine Révolution française. Si on accepte le côté historique qui est totalement... voilà, what the fuck. Le jeu est extrêmement mal réglé, parce qu'en fait, il est extrêmement dur. Il y a des bugs partout. Des fois, on rentre dans les immeubles, on tombe dans des trous, parce que ça bug de partout. Il y a un système de cartes, donc on comprend pas trop bien comment il marche. Moi, j'ai jamais réussi à le faire marcher totalement, donc j'ai totalement lâché cette histoire de cartes pour y aller à la barbare, et au final, j'ai pas réussi à avancer. Sûrement, peut-être, parce que j'ai pas compris le système de cartes, hein, ça doit être sûrement un truc comme ça. Il est pas traduit en français. Tu as joué sur quoi, déjà ? J'y joue sur PC. Sur PC. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il n'est pas traduit en français. Donc, moi, ça me pose pas de problème, mais après, je sais que pour certaines personnes, ça peut être un frein. Et voilà, donc je m'attendais à rien parce que je le connaissais pas ce jeu-là et bah j'ai été très très très très très très déçu. En fait, je pense que qu'ils prennent des libertés, ça peut avoir un côté rigolo parce que c'est un une relecture un peu fantastique de cette période-là. C'est juste que si le gameplay suit pas, sûr. En fait, il y a rien qui va en fait techniquement. Donc en fait, parce que tu peux prendre des, tu peux, excuse-moi. Donc si j'ai bien compris, en gros les mecs, ils ont voulu un peu reproduire ouais la perte de Révolution, mais ils se sont dit allez vas-y on y va comme ça, on s'en fout du reste, voilà. Fais juste en sorte qu'il y ait l'histoire, la Révolution, machin, nana, le bordel, et puis. Mais il y a même pas un. Laisse tout tomber. Mais il y a même pas un minimum parce qu'en fait la seule chose qui relie à la Révolution c'est Maximilien Robespierre et le fait que ça se passe à Paris, c'est à peu près tout. Parce qu'au final, le reste... Oui, mais scénaristiquement, ça doit être utilisé, j'imagine, à dessein pour une intrigue. Non ? Bah, écoute, de là jusque là où j'en ai été, parce que je vous avoue, j'ai vraiment pas fini le jeu, hein, pour le coup. Non, en fait. D'accord, ok. Bon, donc... finalement, Liberty... Eh ben, on va lui rendre sa liberté. Attends... Oh, c'est beau, c'est joli. Voilà. Envole-toi, petit oiseau. C'est ça. Ok, bah voilà. Bon, ça a fait des vacances un peu à Sonic. C'est bien. Le pauvre. Même parce que moi, Sonic, je sais déjà que ça va être de la douille, donc j'y joue pas, en l'occurrence. C'est pour ça que je pouvais pas en parler. En vrai, c'est juste parce que t'as la flemme. Voilà. Maman, elle est pas très plateforme. Non, c'est surtout que moi, les Sonic, c'était en 2D sur la Mega Drive, et c'était plus... Depuis qu'ils sont passés en 3D, moi, les Sonic, j'ai totalement lâché. Bah, tu m'étonnes. Même, là, pas, Sonic, même mais... pas Sonic Mania, t'as osé reprendre. Mais là, c'est un gameplay 2D, hein. Oui, mais voilà. Voilà. Donc mais c'est même, pas... même Sonic Mania, t'as pas osé reprendre. Ouais, alors que qu'est-ce qu'il est bien. Enfin, t'as été traumatisé. ah ouais. On va passer à la machine de l'année. Bon, bah alors, là, y a pas débat. Voilà, y a pas débat. Alors, je préfère quand même à toute fin utile rappeler que ce sont nos prix par rapport à nos goûts et notre façon de. Mais même, y a pas débat. De jouer aux jeux vidéo. Et c'est vrai que la machine qui est au centre de notre salon, comme sa grande sœur avant elle, bah c'est la PlayStation. Voilà. C'est la PlayStation 5. La PlayStation des moutons. j'aime bien ressortir. J'adore cette. C'est une petite blague de mon cru que j'aime bien ressortir de temps à autre. La PlayStation 5, donc, machine de l'année, parce que, bah, que ce soit au niveau de la. De la ludothèque, de l'interface, de pas mal de choses. On va résumer simplement, il n'y a pas mieux qu'elle. Les autres à côté, c'est rien. Non. Ah ça, on sait rien, techniquement, enfin... Non, moi, je suis très content pour ceux qui aiment Xbox, qui ont une Xbox. La Xbox Series, c'est un monstre de puissance aussi. Hein. Voilà, donc, mais nous, c'est vrai que, voilà, on est... nous ne sommes qu'amour et tout le monde, voilà, tout le monde est accepté, il n'y a pas de problème. N'empêche, il y a un avantage qu'a la Xbox Series X, du coup, par rapport à la PS5, c'est que sur la Xbox Series X, tu peux très vite switcher de jeu en même temps, sans attendre qu'il se lance complètement et tout. De plusieurs jeux en même temps, oui. Voilà, ouais. Tu peux switcher ça rapidement. Mais aussi, ce qui contre un peu le truc, c'est que sur la PS5, bah voilà, tu peux reprendre là où t'en étais directement sur la progression. Là, ah, ça c'est là top. Où t'en étais. Ouais, je tenais juste à le dire, mais voilà. Non, mais voilà, t'as raison. Oui, donc c'est, moi en tout cas, c'est la console sur laquelle je joue le plus. Moi aussi, c'est là où j'ai les jeux que je préfère. Moi pas trop, mais sans détail. Moi j'ai ressorti la Switch pour Mario et Zelda cette année. Mais c'est vrai que pour les jeux multi, bon bah il n'y a pas photo. Moi c'est sur PS5 que je préfère y jouer. Au niveau des exclus qui sont sortis et à venir, bah c'est vrai que moi j'ai toujours été plus maison PlayStation que maison Xbox. Et alors beaucoup plus pragmatiquement pour faire des saisies, et bah c'est quand même vachement plus simple sur PlayStation que sur les autres machines. En tout cas, sur Switch. C'est vrai que là pour les saisies sur l'Xbox on n'a pas trop de points de comparaison, mais c'est vrai que sur la Switch c'est galère. Pour ressortir tout le matos là et c'est galère. Mais c'est vrai que la PS4, moi avant c'était la reine du salon et maintenant pour moi c'est la PlayStation 5. La console Nintendo a toujours ce côté console d'appoint. C'est ça. En fait, pour c'est ne pas louper les jeux Nintendo. Console d'appoint en fait. Pour c'est les ça. Jeux Nintendo. Voilà. Pour moi c'est. Mais elle peut pas servir de console principale. Non, c'est pas possible. Jamais. C'est pas possible. Elle est trop. Elle manque trop de puissance. Beaucoup trop. Oui, puis oui. Alors déjà pour les jeux multi, c'est vrai que vraiment c'est la catastrophe. Oui, c'est la cata pour beaucoup de jeux multi. Et puis pour les exclus, bon bah, il faut l'avoir parce que bah nous on adore Nintendo. Les jeux Nintendo sont toujours extraordinaires. Mais et pour quelques exclus, parce qu'elle a quand même eu quelques exclus hors jeux Nintendo. Mais c'est Ouais, globalement, moi, c'est 99% de PlayStation 5, hein, clairement. Après, je suis pas très joueur PC. Bah, Bien en vrai, évidemment, même si ça m'arrive de temps à autre. moi sur PC, à part Minecraft, et peut-être Geometry Dash aussi, il n'y a rien. Toi, t'es beaucoup mobile, effectivement, Bah, sur ça, en ce enfin, moment. mobile, c'est plus Ouais, pour chi. Mais dis-toi que si sur Brawl Stars, je serais pas pour aussi Brawl fort, Stars, voilà. si je serais pas aussi fort sur le jeu là maintenant, je jouerais peut-être pas autant. Enfin, c'est pas pour la péter que je dis ça, mais Un petit peu, voilà. quand même. Oh Un là petit peu. là. Voilà. Bon, ok, si tu dis. Bon, là, je crois qu'on est tous d'accord. Bah C'est oui. notre machine de C'est l'année, hein. unanime, c'est unanime. Voilà, libre à vous d'en avoir une autre. Incomparable. Y a pas de souci. On va passer avant le grand prix du jeu de l'année, et avant de fermer cette cérémonie très. Cérémonie, tu parles, on est que trois, mais Voilà, justement, c'est ce que je veux dire, cette cérémonie modeste, mais néanmoins faite avec le cœur, n'est-ce pas? L'éditeur de l'année. Alors, pour moi, justement, alors non, je vais arrêter de parler, je vais laisser parler maman. La Pour maman. l'éditeur de l'année. Maman, pour l'éditeur de l'année, tu as choisi Square Enix. Oui, j'ai choisi Square Enix parce que Pourquoi donc? Explique-nous. je Toujours me Square suis Enix. aperçu en fait que dans les jeux que j'avais le plus aimé cette année, bon, à part la petite déception Forspoken, encore qu'elle n'a pas été si grande que ça en ce qui me concerne, mais Wow. Faut quand j'ai même, hein. En fait la plupart des jeux que j'ai beaucoup aimés étaient de chez Square Enix, tout simplement. Donc voilà, je me suis dit que Oui, c'est le rapport qualité-quantité qui. voilà, en fait j'ai joué le plus de jeux que j'ai aimés auxquels j'ai joué étaient de chez Square Enix. Cela dit, c'était en balance avec Capcom qui a fait très très fort cette année Ah aussi. oui. Donc c'était un peu en balance, mais au final Square Enix avec Final Fantasy XVI a quand même un petit croc. Même si Resident Evil 4 a fait beaucoup beaucoup, ah, c'était compliqué, hein, Bah disons c'était que très la pauvre compliqué. Ashley là, qui est encore traumatisée depuis l'année dernière, on s'en souvient. Mais Ashley, juste une petite parenthèse, tiens, justement tu fais bien d'en reparler, petite parenthèse pour dire que Ashley dans le remake de RE4, elle est quand même vachement plus Elle est moins gourde, Ah mais ouais. elle reste. Enfin Ah, voilà. moi j'ai Une trouvé que big justement. forceuse. Non, je trouve qu'ils l'ont faite vachement plus vaillante. Oui, mais enfin bon. Pff, ça reste une chouchotte, hein, faut dire Enfin, les termes. ouais, ça reste un boulet. Hein. Non, je suis pas d'accord avec vous. Mais bon, là n'est Plutôt pas une le débat. boulette. Tu la mets dans les pattes et Les voilà. boulettes. Les boulettes, c'est dans les pâtes, pas ailleurs. T'as les pastas avec le parmesan. What? Et ben moi, j'ai envie de récompenser Nintendo. Nintendo! Nintendo, non mais imaginez quand même qu'ils ont fait cette année le doublé Tears of the Kingdom et Mario Wonder quand même. Enfin, c'est quand même. V'là le doublé. Je suis désolé, mais le combo, il est quand même assez. Deux jeux qui, dans leur catégorie, sont des véritables princes. Enfin, des rois même. Je sais pas ce qu'en pense Axel, là, si, entre deux chorégraphies que tu fais. Franchement, enfin le doublé Tears of the Kingdom, Mario Wonder, enfin Ah mais c'est incroyable quoi. là c'est un strike, un C'est un double strike, strike voilà. là. C'est un strike. Non, vraiment, je trouve que c'est un strike. Alors effectivement, moi j'aurais C'est pu comme dire faire un Square trou en un Enix. sur Wii Sports, c'est la galère. J'aurais pu dire Square Enix, j'aurais pu dire Capcom. Mais waouh. Enfin franchement, sortir ces deux jeux absolument incroyables sur une même année. Oui, j'aurais pu dire Nintendo J'ai envie de aussi, dire mais. chapeau melon, monsieur dame, quoi. Enfin, franchement, respect. Il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà. Alors Axel, toi, tu n'as pas donné d'éditeur. Bah Non toi, pour toi, mais ce serait Sony, remarque, parce que pour Spider-Man 2. non, vous savez pourquoi je prends un éditeur? Parce que je trouve en fait juger, enfin, pourquoi je bégaye, voilà. Sélectionner un éditeur pour le mettre aux awards. Je trouve en vrai on peut pas parce qu'en fait il y en a plein, il y en a tellement qui font tellement de bons trucs. Chacun fait son propre style différent et je pense qu'en vrai en élire un seul ça se peut pas. À la limite plusieurs, trois ou quatre, pourquoi pas, mais juste un seul on peut pas. Il y en a. C'est injuste pour les autres, tu veux dire? Bah voilà, on a plein qui font de bons trucs et chacun son style différent, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, On peut pas dire celui-là, oh celui-là il est meilleur, et dire que ah non celui-là il est éclaté. Non, il y en a plein qui sont bons, et chacun font leur truc défini. Après, c'est pas vraiment dire il y en a un qui est meilleur, l'autre qui est éclaté. C'est juste que sur l'année, moi, il y a plus c'est notre chouchou, un notre chouchou petit de peu quoi. Plus de jeux Square Enix que j'ai aimé sur l'année par rapport aux autres. C'est tout. Et vu ce qui s'annonce. Et vu ce qui s'annonce, c'est pas prêt de changer, à mon avis. Ça. Bah, moi, déjà, je sais que pour notre cérémonie 2024, oui. Bah, il y aura forcément FF7 Rebirth, ça, c'est sûr. Avec FF7 Rebirth, là, avec, à la fin du mois, avec Yakuza 8. Et ça, c'est PlayOn. Qui arrive. Enfin, c'est Sega, surtout, à la base. Oui. Mais l'éditeur, c'est PlayOn. Chez nous, oui. C'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Non, t'as raison, c'est vrai. On aurait pu faire le studio de l'année, on n'y a pas pensé, mais on va cogiter pour l'année prochaine. D'ailleurs, si vous avez des idées de prix pour l'année prochaine, on a encore le temps. Mais enfin, pour la fin de l'année plutôt, n'hésitez pas. Mais en tout, on remercie, avant de parler de notre jeu de l'année, j'en ai quand même encore à remercier grandement les contributeurs qui nous ont permis d'avoir des idées des de catégories bien sympas. Vraiment, la catégorie de oui, franchement, merci. Ah, la catégorie de oui, c'est ouais, c'est. Elle m'a fait beaucoup rigoler celle-là. J'avoue. Oh ouais, c'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est vrai que la fameuse réplique de Dewey, tu es très moche. C'est vrai que pour la déception technique de l'année, ça pourrait être aussi un. C'est vrai. Ça pourrait être un autre prix de oui. Il est grand temps de décerner le prix. Le, s'il n'y en avait qu'un, ce serait celui-là. Voilà, le jeu de l'année, je pense que c'est facile à deviner si vous avez suivi depuis le début, mais je vais laisser, en toute galanterie, je vais laisser maman nous décerner son jeu de l'année à elle. Alors attention, le jeu de l'année des Family Pack Golden Awards, en ce qui me concerne, c'est Hogwarts Legacy. Ah, j'aurais pensé Forspoken, moi, tiens. Ouais, c'est bizarre, hein, on se demande. Hein. Le troll. Non, c'est vraiment Hogwarts Legacy parce que bah, en tant que fan d'Harry Potter, j'ai trouvé un univers qui me convenait parfaitement. Et toi qui écris deux livres, ça paraît totalement logique. Oui, ils sont là d'ailleurs, ils sont là. C'est ça, c'est ouais, ça. Ils sont là, ce qu'on pouvait trouver de mieux pour un fan d'Harry Potter, se balader dans Poudlard, se balader dans l'univers, voir les connexions avec différents personnages, même si ça se passe des années avant. Donc en fait, ils se sont dédouanés en fait de l'histoire. Et ça, c'était une idée de génie de pouvoir faire l'histoire avant l'histoire. C'était top parce que du coup, ils ont pris de grandes libertés et c'était très bien, mais on retrouve les créatures, on retrouve le système d'élevage de créatures, on peut tout faire en fait dans ce Hogwarts Legacy et pour moi c'est la quintessence du jeu quasiment parfait. Voilà. Moi je me dis que et je comprends que tu lui aies décerné ce prix. Moi, comme je le disais, moi qui ne suis pas un fan hardcore des bouquins et des livres Harry Potter, même si j'apprécie, mais des bouquins et des livres. Au revoir. Moi qui apprécie les livres et les films à Harry Potter, voilà, j'aime bien, mais sans être un gros fan comme toi, je n'ai pas dû capter, j'imagine, deux références sur trois dans le jeu. Alors j'imagine même pas pour un fan d'Harry Potter ce que ça doit être, parce que pour moi c'est un émerveillement du début jusqu'à la fin. Je le répète, le château Poudlard, mais on a envie d'y vivre quoi dans le jeu. Franchement, c'est incroyable, tellement c'est magique et prenant de s'y balader. Et aussi les extérieurs, hein, je veux pas mettre aussi en défaut les extérieurs, moi qui m'ont beaucoup plu, que ce soit Préolar, que ce soit la forêt maudite, d'autres lieux comme ça, enfin il y en a plein. Après, avec ma mémoire pourrie, j'ai pas retenu tous les noms, mais les personnages aussi sont très attachants. J'ai trouvé... enfin, il y a des scènes qui m'ont aussi beaucoup marqué, je parle en termes de narration. Et effectivement, comme tu disais, il y a tellement de choses à voir, à faire. Enfin, c'est impressionnant. Le jeu est très généreux. Jusqu'à la fin, on est cramponné. Et même après la fin, sans spoiler, il y a encore des trucs à faire. Donc, vraiment, c'est un jeu. J'attends. Alors, je ne sais plus s'ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de DLC. Je crois qu'ils avaient dit. Il n'y a pas de DLC. Voilà. Donc, c'est tant mieux, parce qu'ils doivent travailler sur un 2, je pense. Après, ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de 2 non plus, et il y a un 2 qui est en train plus ou moins de rumeuriser. Vu le succès commercial. Moi, je trouve ça dommageable que dans les Game Awards, il n'ait pas été plus encensé, même si c'est vrai qu'on a une année 2023 extraordinaire, mais Vraiment, c'est un jeu vraiment magnifique. Et oui, je suis content que tu lui aies adressé ce prix-là. Moi, le mien, bah, c'est Final Fantasy XVI, voilà, Tu l'avais déjà dit au début. Que je défends. Bah non, mais il a eu plusieurs prix, parce que papa non, j'ai pas est dit un que ça allait être le fan. Jeu de l'année pour moi, non, je l'ai pas dit. Non, il a juste dit que ça allait être un... Il allait défendre un jeu que tout le voilà. monde... Voilà, rabat-joie. Je suis pas rageux. T'as voulu casser mon effet, il est tout cassé. Non, mais... Chèvre. Blague à part, oui, non... Tiens, j'ai une vidéo à tomber par rapport à ça, tu vois. Final Fantasy XVI... Bah, j'ai tout aimé, du scénario, des personnages, le système de combat... Effectivement, le côté RPG qui est maintenant très léger, mais j'ai quand même adoré cette proposition des scènes cultes pour moi, vraiment tous les quarts d'heure, quoi. Une BO enchanteresse, une fin qui m'a remué les tripes. Enfin, j'ai tout aimé et j'ai tout aimé. Vous avez vu la. J'ai tout aimé. La liaison incroyable que je viens de faire. J'ai tout aimé et. Oui, c'est un de mes FF préférés, c'est mon jeu de l'année, vraiment. Et des jeux de l'année, en fait, là, il pourra y en avoir limite 3-4 tellement cette année, c'est extraordinaire. Mais il fallait en choisir un. Et je veux d'autant plus défendre FF16, puisque c'est vrai qu'il divise vraiment, il divise, et c'est bien, hein, on serait tous d'accord. Ce serait... D'aucuns diraient qu'il est clivant. Oui, il est clive. Oh, bravo. Clive nous clive. Mais je trouve ça bien parce que... Non, elle était facile, tout le monde l'a fait, celle-là. Une œuvre qui est aseptisée et où tout le monde va dire amen, c'est vrai que bah, c'est bien aussi qu'il y a des œuvres qui divisent. Et là, c'est vrai que c'était un gros jeu qui était attendu. Voilà. Bon, moi, c'est FF16. C'est vraiment celui que j'ai envie de défendre et celui à qui j'ai envie de remettre le prix là pour ce jeu sorti en 2023. Pour moi, c'est FF16 et donc ce sera mon jeu de l'année. Et donc toi, Axel, du coup, tu as un jeu de l'année aussi? Non. Ben non, il a pas marqué dans notre super Excel, non. T'avais pas marqué. Parce que Spider-Man je n'en sais absolument rien. Ben, c'est vrai qu'il a joué à peu de jeux puisque Brawl Stars lui prend 80% de ses temps de jeu. Il a rejoint un peu à Minecraft. Il a fait Spider-Man, mais il est tout à fait honnête parce qu'en fait, il a pas joué à beaucoup de jeux, donc il se sent pas. Surtout là, en ce moment, je suis plus dans le monde de la musique, donc surtout là, c'est voilà, un peu... tu tournes avec ton groupe, faites la tournée des salles en ce moment. Je fais pas de la K-pop, moi. Tu fais pas de la K-pop Quoi? Pourquoi t'as haussé les sourcils? J'ai rien dit, moi. Moi, ça doit être ça. Ouais. Ma maman a haussé les sourcils. Oui, non, c'est vrai qu'en ce moment, tu t'intéresses beaucoup à la musique et c'est très bien. Ouais. C'est très très bien et donc il s'est peut-être pas senti entre guillemets légitime, même si le terme est un peu fort, pour élire un jeu de l'année, et c'est tout à fait louable de sa part. C'est de l'honnêteté intellectuelle parce qu'il s'est dit bon, je vais pas mettre un jeu de l'année alors que j'ai joué à 4 jeux cette année, quoi. C'est donc pas faux. Il avait moins de points de comparaison, donc c'est tout à son honneur. C'est pas faux. C'est tout à son honneur. C'est pas faux. Même si j'aurais cru qu'il aurait élu Spider-Man 2. Oui, bah moi aussi. Et je pense que c'est un jeu, même au-delà de ça, même si tu aurais joué à plein d'autres jeux, même si tu avais joué, pardon, plutôt, à plein d'autres jeux, je pense que c'est un Spider-Man 2 est tout à fait... est un candidat tout à fait honorable au titre du jeu de l'année. Ah oui, tout à fait. Vu vraiment la qualité, que ce soit sous le fond ou sur le fond ou sur la forme. Du jeu, quoi. Mm-mm. Mais bon. En tout cas, bah, c'était nos premiers awards, Family Pack. Les Golden Awards, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à nous donner votre liste. Mais en attendant, on a déjà deux contributeurs qui nous ont donné, eux, leurs petits awards en se basant sur nos catégories. Ah oui, bon. Bah, y a Machin Truc 76. Alors lui, c'est pas un jeu sorti en 2023, mais c'est l'excellent Judgment, donc le deuxième. Lost Judgment. Lost Judgment. Voilà, excusez-moi, ça ne me revenait pas, alors que je suis un fan absolu du jeu, oh là là, mon Dieu. La honte. T'es bourré. La honte. Qui est pour moi le meilleur Judgment, sachant que le premier était déjà, pour moi, voilà, merveilleux. Donc lui, c'est son GOTY de l'année, alors. Alors oui, alors qu'il n'est pas sorti en 2023, hein, oui, non. Le Judgment. Mais c'est vrai que c'est un jeu, si vous aimez un peu l'école Yakuza, maintenant renommé de manière mondiale Like a Dragon, vous avez le côté des bastons de Yakuza, mais super super nerveux sur Yagami, vraiment Voilà, ils flottent sur le bitume et ils distribuent des high kicks vraiment comme des... Comme des petits pains. Comme des lames d'hélicoptère. Et il y a un scénario très profond derrière. Là, ça parle notamment de harcèlement scolaire. Oui. Et en fait, c'est un peu comme les Yakuza, c'est-à-dire que ça traite de sujets de société gravissimes, mais et de manière très sérieuse, mais ça s'enchevêtre avec des moments plus légers, des moments même totalement perchés à un humour japonais vraiment au millième degré, voilà. Et ils arrivent à chaque fois à imbriquer tout ça. Et Judgment, vous avez donc dans cette saga naissante, parce qu'il n'y a que deux épisodes pour l'instant, qui est un spin-off de Yakuza à la base, vous avez un côté enquête par-dessus, parce que Yagami, c'est un ancien avocat qui s'est converti en détective privé, voilà. Donc c'est à vraiment, c'est, je ne peux que souscrire à ce choix de machin truc. Et on a Mopral, alors, qui nous a envoyé une liste. Mopral, merci, vraiment une liste longue comme le bras. Bah, lui nous a fait tous les awards, je crois. Alors lui, c'est trois jeux préférés de l'année. C'est Lies of P qu'on n'a pas pu faire encore. Oui, c'est vrai, voilà. Que j'avoue, la direction artistique de Lies of P me hypait bien. Voilà, le seul problème, Souls, voilà. Le seul problème, ce qui m'a arrêté tout de suite, c'est que c'est un Souls-like. Donc c'est mort pour moi. C'est fini. Il n'y a pas de niveau de difficulté, donc ça va être compliqué pour toi. Moi, j'avais bien aimé la démo. Non, mais en fait, j'attends qu'il le fasse pour le regarder, en fait. Moi, j'aime bien les Souls, donc ça. Mais c'est que je uniquement me lance. Ça, en fait. J'attends qu'il le fasse et moi, je vais le regarder jouer. Mais par contre, moi, je m'y lance pas, sinon. Alors merci Mopral. D'ailleurs, il nous rappelle, donc ça fait partie de ces trois jeux de l'année, Like a Dragon Ishin, que j'aurais pu mettre dans la sélection. Like année, a Dragon Ishin, qui était bon jeu. Très très bon, ma foi. Donc un des spin-off dans le Japon féodal, qui est ressorti, remasterisé, remaké même, là sur, sur toutes les machines actuelles, il me semble. En tout cas sur PlayStation et Xbox, hein, il me semble, hein, oui. Il est sorti sur les deux. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on connaît, nous, l'amour de Mopral pour tout ce qui est série Yakuza. Et dans son prix de Wii, il nous a mis Like a Dragon Gaiden. Oui, que moi j'ai beaucoup aimé. Where is his name. Que moi j'ai beaucoup aimé. Et si vous êtes fan de Yakuza, moi à la fin j'étais en pleurs, hein, vraiment. C'est après, je pense que c'est peut-être, on en parlera avec lui, mais je pense que c'est peut-être le côté recyclage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de recyclage dans celui-ci. C'est pas faux. Peut-être le recyclage de trop. Je ne sais pas, mais en tout cas, quand moi je trouve, mais ce serait intéressant d'en débattre avec lui, que quand on suit le personnage de Kazuma Kiryu depuis le tout début. Ce qui est mon cas et ce qui est le sien aussi. Ah, c'était un très bon passage de flambeau, Gaiden. La fin, vraiment, waouh, c'est vraiment très très fort en émotion. Avant, je voulais juste citer son troisième jeu de l'année, qui est donc Tears of the Kingdom, hein, donc Zelda. Alors, il nous a dit ceux que j'aurais sûrement pu apprécier. Donc, c'est sur notre Discord. Hein, si vous êtes Patreon. N'hésitez pas à venir discuter avec nous sur le Discord, il y a une bonne ambiance. Et donc avec lui, pour le coup. Voilà, donc il nous dit Mopral, ce que j'aurais sûrement pu apprécier ou que j'aimerais faire, mais faute d'argent ou de temps, voilà, ça ne s'est pas fait. Donc il y a Hi-Fi Rush, oui, Hi-Fi Rush qui a fait beaucoup parler de oui, lui, qu'on n'a pas pu essayer. Non, et qui ne m'intéressait pas du tout, pour le coup. RE4, donc on en a parlé, le remake, Howard Legacy, on en a parlé, FF16, on en a parlé, c'est vrai qu'il y a eu le remake de System Shock. Effectivement, Baldur's Gate 3, c'est un jeu que je voulais faire, j'ai pas eu le temps de faire cette année. Mais moi, trop chronophage. J'en ai tellement entendu parler, et voilà, c'est vrai que moi, je veux le faire. Super Mario Wonder, Persona 5 Tactica. Ah, Persona 5 Tactica, très très bon tactico. On en a pas parlé RPG. D'ailleurs. Non. On en a pas parlé, mais j'avoue que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. J'avoue que le genre tactico, pourtant, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et en fait, j'ai toujours trouvé ça trop compliqué. J'ai essayé Final Fantasy Tactics. J'ai pas accroché parce qu'au final, le système de combat ne me convenait pas du tout. Et en fait, cette version un peu simplifiée, un peu à la Mario plus de lapin crétin, mais avec les attaques de Persona 5 et ces personnages que moi j'affectionne particulièrement, parce que moi, tout ce qui est estampillé Persona 5, je saute dessus. Une grosse année 2024 qui arrive, hein, pour... ça m'a permis en fait de me réconcilier et j'ai fait un tactico du début à la fin. Et je suis très contente de l'avoir fini. J'ai beaucoup pleuré aussi parce que, comme d'habitude, l'histoire est loin d'être anecdotique. Mm-hmm. Et j'ai adoré ce Persona 5 Tactica. Même si, j'avoue, j'aurais bien aimé les graphismes de Persona 5 avec. Mais parce qu'ils sont en version chibi. Parce que là, ils sont en version chibi. Mais cela dit, c'est pas parce qu'ils sont en version chibi que ça enlève quoi que ce soit au charisme des personnages ou à l'émotion qu'on peut ressentir dans l'histoire. Donc, au final... Chibi, pour ceux qui peut-être connaissent pas le terme... Version petite, super déformée, toute mignonne, en fait. Oui, c'est SD et mignon à la fois, avec des gros yeux, plein d'étoiles... Enfin, moi, je caricature un peu, mais... Mais c'est un peu ça, l'idée. Et ils sont vraiment très, très beaux. Et moi, j'ai souscrit parfaitement... Kirby est très chibi aussi, non? Très grosse, ouais. Et j'ai très... Voilà, moi, j'ai souscrit totalement au truc. Et c'est un des jeux que j'aurais pu citer dans un de mes awards. J'ai pas eu le awards. Mais c'est ça, c'est qu'il y en a plein. Il y a eu tellement de jeux. Il y en a eu trop, en fait. Le problème, c'est que ces awards ont été très compliqués à gérer parce que j'ai pas... Il y avait trop de choix. J'ai l'impression que ça va être... Il y avait trop de choix. On en a oublié, hein. J'ai l'impression que ça va être compliqué aussi pour cette année. Oui, je pense que l'année 2024, vu ce qui nous attend, ça va être très, très compliqué l'année prochaine. Je vais citer le remake de Super Mario RPG parce que ça fait partie aussi des jeux que Mopral voulait faire. Et effectivement, comme tu le disais, ces jeux qui nous disent hein, m'ont déçu ou m'ont laissé indifférent par rapport à ce que je pouvais en attendre. Donc effectivement, il y a The Man Who Erased His Name, Like a Dragon Gaiden. Like a Dragon Gaiden. Et le fameux Starfield qui a tant fait défrayer... Qui a tant effrayé la chronique. La chronique. Je ne l'ai pas essayé. Moi non plus, Pierre, ça ne m'intéresse pas du tout. Non plus, mais c'est vrai que pour la science, un jour, j'aimerais quand même... voilà, il y a ces jeux, a priori, m'intéressaient pas trop, mais qui font tellement parler d'eux que pour ma culture perso, j'aimerais quand même découvrir. Mais effectivement, il y a plein de jeux qui auraient pu avoir des prix cette année, en tout cas chez nous. Malgré tous ceux auxquels on a joué, il y en a... auquel on n'a pas pu jouer, on n'a pas eu le temps, donc ça reviendra peut-être. Moi, j'aurais pu parler aussi de SteamWorld Build, que j'ai adoré. J'ai fait le test pour Geeks by Girl, ça m'a rappelé mes années presse JV, Madame Maman et... Son premier test. Et Lucie de Geeks by Girl m'ont gentiment invité pour faire le test. Moi, ça m'a rappelé mes années presse JV et je me suis remis à cet exercice que j'avais pas fait depuis fort longtemps avec plaisir. Et c'est vrai que SteamWorld Build, si vous aimez les jeux de l'univers SteamWorld, là, en mode City Builder, c'est un vrai bonbon. J'en parlerai peut-être dans une prochaine émission. Il y a eu beaucoup de choses, donc j'espère que notre sélection vous a plu. On essaiera de mettre ça dans pas trop longtemps en forme sur le Patreon, qui est un peu le, comme je dis à chaque fois, le blog de l'émission. Mais on espère en tout cas que ces Golden Awards, ces premiers et on espère pas les derniers, vous ont plu. On a essayé vraiment d'être le plus honnête possible. On a fait fi des polémiques, de ceux qui ont gagné des prix à droite à gauche. On vous a vraiment délivré très sincèrement ceux qu'on a préférés, les jeux que nous avons préférés, les jeux qui pour nous méritaient d'être célébrés. Et n'hésitez pas sur les réseaux à nous donner votre sélection à vous, parce que ça nous intéresse et qu'on aime bien discuter avec les gens, donc n'hésitez pas à nous donner votre petite sélection avec nos récompenses. Sur tous nos réseaux sociaux, sur le Patreon si vous êtes contributeur, sur le Discord si vous êtes contributeur du Patreon, et puis où vous voulez. On se retrouve très vite pour en parler. Voilà, on se retrouve vite pour en discuter. On va donc fermer cette belle et longue section. Je crois qu'on est à pas loin de 2 heures, mais c'est normal, c'est une émission spéciale qui est très très grande et c'est très très bien. Mais on a un débat qui nous attend derrière, et oui, parce qu'on a quand même le débat. On a un débat, et on a un débat, je pense... qui va être houleux. Oui, mais pour moi qui est très important, parce que ça fait longtemps que je l'ai en tête, et... Quand on a commencé cette émission, Axel était beaucoup plus jeune et là, il n'était pas question d'avoir ce débat. Là, il a 13 ans, presque 14. Et là, on tombe pile poil, je pense, dans la tranche d'âge où c'est un débat qui doit se poser même dans pas mal d'autres familles. Et puisqu'en fait, on va parler de GTA 6. Et de GTA d'une manière... Et de GTA d'une manière générale. Le prétexte, en fait, de l'annonce, enfin, du premier trailer de GTA 6... pour parler de GTA, de la famille et de tout cela. Donc on vous dit à tout de suite, on va lancer un petit jungle et on se retrouve dans quelques secondes. Et donc nous voici au débat, un débat qui, je trouve qui je trouve déjà, c'est très bien. Moi qui chasse les répétitions dans mes textes, là j'en ai fait. Léonas, vous sortez des rangs. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a quelques semaines, GTA 6 s'est rappelé à nos beaux souvenirs avec son vrai premier trailer qui a cassé tout Internet. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire le pont avec cette actualité. Un débat qui, moi, enfin en tout cas, des interrogations que je me suis toujours posées, même avant qu'on soit parents, même avant qu'Axel ne vienne au monde, ça m'ulcérait d'entendre certains parents quand ils disaient qu'ils laissaient leurs enfants jouer à GTA. En fait, le sujet peut englober aussi d'autres jeux comme Call of Duty ou d'autres jeux dans ce style-là. Voilà, mais je veux dire pourquoi GTA, c'est un peu différent, parce que le but, c'est pas de faire le procès de GTA, puisque moi, j'ai adoré GTA 5, c'est une série que j'aime bien, mais c'est vrai que le 5, je l'ai particulièrement apprécié. Je trouve que on est loin de la caricature qu'on en fait souvent. C'est un jeu qui propose une expérience absolument géniale, mais pour un public averti, voilà. Comme je dis souvent, Axel, je lui montrerai pas encore Reservoir Dogs, par exemple, qui est un de mes films de chevet, et je lui montrerai pas parce que ou Pulp Fiction. Ou Scarface, par exemple, parce que pour moi, il est encore un petit peu trop jeune. Et Kirby... Kirby est d'accord. Est d'accord. Non, elle s'en fout carrément. C'est croquette. Je suis le seul, donc... T'es au régime, Kirby. Je suis le seul à cette table qui ait joué à quelques GTA. Et donc, je le précise avant toute chose, que ce sont des jeux que j'aime beaucoup. Voilà. Mais, pour moi, qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Et le débat est là, c'est que et j'espère que vous répondrez, enfin que vous ferez des commentaires, que ce soit où vous voulez, sur les réseaux sociaux, sur le Discord, où vous voulez, ou en réponse sur le patron du poste, voilà, qui pour cette émission. Parce que moi, c'est vraiment, ça m'intéresse. Est-ce que je suis trop vieux jeu? Est-ce que je suis dans le vrai? Après, c'est toujours pareil, c'est difficile de dire qui est dans le vrai, qui est vieux jeu. On fait avec sa propre conscience, sa propre morale. Moi, je pense, voilà, que je fais bien de réagir comme ça. Axel ne joue pas qu'à des jeux Nintendo. Il commence à jouer à des jeux un petit peu plus musclés en termes de contenu, en termes de, voilà. Ben, heureusement. Mais, oui, mais, alors, c'est intéressant alors, parce que... Justement, toi, t'en penses quoi? Du point de vue de l'ado, je finis juste. Du point de vue de l'ado, je peux comprendre que moi, je serai à sa place. Je me dirais, vas-y, c'est abusé. Pourquoi je peux pas jouer à GTA? D'autant qu'il y a certains de tes copains qui peuvent y jouer, si ma mémoire est bonne. Ouais. Ah oui, ça, moi, je trouve ça dingue, mais bon. Toi, Axel, qu'est-ce que t'en penses? Parce que, est-ce que tu es tombé déjà par hasard sur des vidéos de GTA? Est-ce que t'aurais envie d'y jouer? Est-ce que... Bah, en vrai, honnêtement, genre là, j'y joue pas. Personnellement, je m'en fous un peu. Mais si je pourrais y jouer un jour, bah, je dirais pas non, parce que quand, le problème, c'est que quand on te le présente, dans l'aspect que ça fait, genre GTA a un aspect du coup quelque chose d'habituel qu'on en ressort. Quand tu le vois et quand tu l'écoutes, tu ne peux que avoir envie d'y jouer en même temps. Quand tu te dis le côté un peu sulfureux, un peu interdit, quand t'entends ça, bah fatalement quand on est jeune, ça donne envie d'aller voir ce que c'est. Tu ne peux que envie d'y jouer. C'est normal, c'est normal. Mais après que voilà, ça interdit un peu. C'est vrai que c'est quand même un peu exagéré. Enfin, en vrai. Je pense que ça dépend quand même de la maturité du gosse, quoi. Enfin, tout dépend de la maturité. Genre s'il se sent prêt, voilà, à supporter les choses un peu voilà dedans. Après, peut-être pourquoi pas. Enfin, du moins bientôt, parce que bon, c'est vrai qu'à peu à 13 ans, c'est un petit peu. Je sais pas, peut-être à 14 ans, ok, mais là c'est. Même à 14 ans, tu. Enfin, à 14 ans, t'as quand même maturité. Dis-toi bien une chose, tu te sens mature, mais en fait, tu te rends pas compte que tu ne l'es pas forcément. Tu peux l'être pour ton âge. Tu peux l'être pour ton âge, mais tu n'auras pas, tu vas te croire mature pour certaines choses qui vont peut-être quand même forcément te choquer ou te marquer. Ça veut pas forcément dire que ça fera de toi un serial killer, on est bien d'accord. Attention, moi, j'ai vu des choses quand j'étais vraiment jeune. Je pense pas être plus déséquilibré que la moyenne, encore que, mais bon. J'ai trouvé une famille qui m'accepte comme ça, donc on va dire que ça passe. Mais dans l'absolu, un enfant va toujours se croire beaucoup plus mature qu'il ne l'est en réalité. Pourquoi? Parce que il va vouloir faire comme ses parents, comme les adultes qui l'entourent. En fait, un enfant aura toujours tendance à vouloir grandir plus vite que la musique. Et toi, t'as aussi ce trait-là. Pas plus que les autres, même. Et donc, forcément, tu t'arrêtes pas de nous dire que t'es mature. Oui, t'es mature. Pour ton âge, intellectuellement, tu es mature. Pour un adolescent de ton âge, oui. Ça, c'est mais assez vrai. Comme je le disais la dernière fois, quand on avait un débat aussi sur la maturité, tu n'es pas mature émotionnellement. Ouais. Mais en quoi ça rentre là-dedans? Alors justement, c'est compliqué à expliquer parce que comme des familles nous écoutent aussi, je vais pas utiliser des termes trop crus, mais effectivement, dans GTA, tu n'as pas que le côté violent. C'est-à-dire que effectivement, en général, tu joues des bad boys, voire parfois des gars, parce que par exemple, pour reprendre l'exemple du 5, tu avais une sorte de mafieux sur le retour. C'est lui qui m'intéressait le plus, parce que moi qui aime bien les films de mafieux. J'aimais bien ce côté-là, parce que dans le 5, en fait, on peut switcher entre trois personnages dont le destin va les réunir, et puis voilà. Donc on a ce mafieux, on a donc un jeune des quartiers défavorisés aussi, et on a T'avais le truand, l'espèce de truand. Voilà, on a ce qu'on appelle un redneck, c'est-à-dire une sorte de maboule, d'un certain âge déjà, mais qui lui, c'est lui qui a les excès de violence les plus, voilà, je vais pas en dire plus, mais les plus incontrôlables et les plus, voilà, et les plus ravageurs. En fait, GTA, t'as plusieurs couches. Comme c'est un jeu qui te laisse tout faire, contrairement, par exemple, à Yakuza, quand tu bats dans la rue, tu peux pas taper des passants. Bon, dans un GTA, c'est la liberté totale. C'est-à-dire que si t'as envie de tabasser un passant, tu tabasses un passant. Bon, après, t'as les flics qui se mettent à te courser et il va falloir y a comme une réponse, mais bon voilà, il y a ça, il y a le côté scénarisé qui en général, il y a un sous-texte de critique de la société américaine qui est comme très intéressant dans le 5. Moi j'ai beaucoup aimé ce qui s'y racontait, donc il y a comme une critique acerbe, c'est très très bien écrit en général. Pour ceux que j'ai fait, hein, je les ai pas tous fait, hein, je précise, hein, mais en tout cas, je trouvais que le 5 était bien écrit. Et il y a aussi, donc, je l'ai dit, ce côté bac à sable, vraiment, où là, tu fais à peu près tout ce que tu veux. Et il y a aussi une dose, on va dire, où ça parle de sujets, sexuels. Il y a un rapport aux femmes dans le jeu, où si t'as quand même pas ce recul. Alors là, ce qui est bien dans le 6, c'est qu'il y a, c'est un couple d'héroïnes, enfin, un couple de héros, t'as une femme et un homme, et ça, je trouve ça super. Le personnage féminin d'ailleurs a l'air très... Moi qui adore incarner les personnages féminins dans les jeux, j'ai hâte de voir un peu. T'incarnes tout le temps les persos féminins. Bah oui, je trouve ça super d'avoir une fille qui est badass et qu'on veut dans les jeux. Je trouve ça super intéressant. Bref, et t'as quand même donc faut voir dans le 6 comment ça va être amené, mais il y a quand même une partie on va dire sulfureuse sur le rapport au corps des femmes dans le jeu, qui est parfois exagéré. Tu as des prostituées, il y a pas mal de choses que tu peux aller voir, voilà, les termes sont posés comme disent les jeunes, et ça, pour moi, un enfant ou même un jeune adolescent, pour moi, il est trop jeune pour avoir accès à ce type d'interactivité dans les jeux. Mais genre, par exemple, si il y aurait aucun côté sexuel, tu me laisserais jouer, par exemple? Alors non. Enfin, moi, je pense en fait que... T'attendrais encore un peu quand même. Au-delà de ça, le problème, c'est la permissivité totale qu'il y a dans ce jeu. C'est-à-dire que, comme le disait Monsieur Papa, tu peux tout faire. T'as décidé de prendre la voiture et d'écraser 15 000 passants, tu prends la voiture, t'écrases 15 000 passants. T'as envie d'aller braquer la supérette d'à côté, tu prends ton arme et tu vas braquer la supérette d'à côté. En soi, c'est... Pour quelqu'un qui a le recul nécessaire et l'intelligence de se dire ce n'est qu'un jeu, ce n'est pas vraiment un problème. Le souci, c'est qu'on vit dans une société qui est de plus en plus violente et la permissivité totale de ce jeu chez un enfant qui ne serait pas tout à fait prêt à avoir ce genre de réflexion, de recul, je pense pourrait peut-être poser un problème, encore que j'en suis pas sûre. Je suis pas une spécialiste du truc. C'est un questionnement. Ça dépend d'intelligence, quoi. Jusqu'à quel point... Ça dépend du recul. Ça dépend de la façon dont tu prends les choses. Si t'es bien conscient que c'est qu'un jeu, et que ce que tu fais dans le jeu, ça reste dans le jeu, ok. Mais si après... Moi, t'inquiète, ça, pas de problème. Oui, mais... Alors moi, c'est pas sur ce biais-là, parce que moi, je reste persuadé que une personne qui est équilibrée, ou un tant soit peu équilibrée, ne va pas perpétuer des choses dans la vraie vie en s'inspirant d'un jeu vidéo. Ça, moi, je n'y crois pas. Par contre, moi, non, c'est vraiment, moi, le côté exposé aux images. Parce qu'il y a des... Il y a des... Comment... Il y a dans le 5, si je me souviens, donc il y a ce rapport aux femmes. Et là, moi, pour moi, c'est... On n'est pas dans de la pornographie, attention, mais on est quand même du... dans du trait quand même cru. Et pour moi, un enfant de ton âge ou un adolescent de ton âge, et même un peu plus vieux, pour moi, il a pas à voir ce genre de choses. Mais genre, ça dépend. Est-ce que tu vois des nanas à poil? Aucun vêtement, quoi. Totalement nu, sans aucun vêtement, je crois. En tout cas, le haut, oui. Le haut nu, oui, de mes souvenirs, oui. Mais c'est surtout dans ce qui est suggéré, dans ce qui se passe, et aussi en termes de violence, notamment avec ce personnage dans le 5. Trévis, je crois, si ma mémoire. C'est Trévor, je crois, Trévor. Si je dis pas de bêtises. Mais c'est pas trop loin, je sais pas. Et t'as des scènes limite de torture de quelqu'un, à un moment donné, qui kidnappe. Or, mes souvenirs sont un peu flous. Et voilà, moi, quelqu'un qui adore les films de Tarantino comme moi, je suis armé pour ça, tu vois, je veux dire, puis bon, je suis adulte. Moi, toujours pareil, le tout, c'est pas en faire des niais, mais c'est vrai que pour moi, avant 16-17 ans, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, et je pense que c'est tout à fait légitime. C'est quelque chose même en animation ou en série, je te laisserai pas regarder des images comme ça, tu vois. Donc ça n'a rien à voir avec le fait il va vouloir refaire ce qu'il y a dans le jeu. Non, ça, je sais qu'Axel est assez équilibré pour ça, il y a aucun souci. C'est juste d'être exposé à des images qui peuvent être choquantes ou qui peuvent carrément biaiser sa perception des choses à l'âge qu'il a. À ce que je disais. Bah moi, ma perception. À l'âge qu'il a, il a pas le recul pour oui, accepter. Oui, ça rejoint ce que tu disais. Ça rejoint oui. ce que je disais. En fait, c'était pas pour dire qu'il allait refaire ça dans la rue. C'était pour dire que un jeune enfant, dans ce sens-là, on est d'accord. Ce genre d'image peut avoir des conséquences qu'on n'a peut-être pas forcément toujours anticipées, ni plus ni moins. De toute façon, c'est le problème. Alors là, on va un peu plus loin parce que là, ça, je mets pas du tout ça dans la même catégorie. Attention, bien sûr. Mais c'est comme on parle beaucoup de l'accès à la pornographie. Comment sur les réseaux ça peut vraiment avoir des effets très néfastes sur l'esprit d'un jeune, tout simplement, qui a accès à ces images là trop tôt. Ça lui donne une image complètement déformée du rapport aux femmes, du rapport à la vie. Donc en fait, c'est moi même j'étais du rapport à son propre corps, moi j'ai toujours vu ça un petit peu comme je fais un raccourci, bien sûr, hein, c'est plus complexe que ça, mais un peu comme un Tarantino période, ouais, Pulp Fiction, Reservoir Dogs, j'aime beaucoup cette période de Tarantino. Je vois un peu ça, c'est-à-dire c'est des gangsters, il y a de l'humour, il y a un discours acerbe, il y a beaucoup de violence, mais tu sais où tu es. C'est pour public averti, tu sais où tu es. Et en sous-texte, il y a une critique effectivement de la société américaine et de ses dérives. Qui est très intéressant. Vous éloignez un peu du sujet là. Cela étant, moi je précise, j'ai jamais joué à un GTA et c'est un jeu qui ne m'intéresse. Oui, bien sûr, et c'est tout à fait ton droit, hein, pas. Bien sûr. Dans la mesure où j'estime que vu qu'il est trop réaliste pour moi, enfin moi, si de toute façon il n'y a pas un élément de fantastique ou de surnaturel, c'est mort, vous m'avez perdu. J'estime qu'on se fait déjà bien assez. T'adores vivre dans un autre monde. La vie est déjà tellement dure par elle-même. Ça c'est vrai, le monde il que est méchant. Que j'ai clairement pas envie de revivre ça dans mes moments de détente, en fait, clairement. Et moi, tout ce qui est jeu, un tant soit peu réaliste, tout ce qui est Payday, tout ce qui est Call of Duty, tout ce qui... Non, ça m'intéresse pas parce que c'est trop réaliste. Ah, mais c'est un point de vue qui peut s'entendre. Mais moi... Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à être... Enfin, je suis pas anti-GTA parce que, bon, qu'il y ait des gens qui y jouent, moi, il en faut pour tous les goûts, hein, tout à fait. Mais du coup, c'est vrai que moi, ne voyant pas l'intérêt de ce jeu pour moi... J'aurais tendance à être encore plus dur sur le fait que Axel y ait accès. Là, je le reconnais, hein, clairement, hein, je le reconnais. Bruno adore, il y a joué plusieurs fois, je lui ai jamais rien dit. Fais ce que tu veux. Mais, quand même, je suis très très réticente à ce que Axel pose ses mains dessus, ah oui, non, pour moi, même dans 2 ans. Pour moi, c'est... Alors Axel, oui, tu voulais dire quelque chose. Bah moi, après, personnellement... Du coup, bah, je comprends totalement que l'effet un peu coquin, voilà, c'est un peu le... C'est une belle façon de le dire, mot, ouais. Le mot qu'il faut dire, après, tout dépend... Après, moi, personnellement, je sais pas non plus exactement le contenu qu'il y a sur GTA, à part que tu peux tabasser tout le monde, mais... voilà, bon, c'est pas, ça. Je sais pas vraiment. Mais à partir du moment où... Enfin, du moment, je pense qu'il n'y a pas de vraiment... S'il y aurait vraiment, enfin, je sais pas s'il y en a d'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment sur GTA, genre, des scènes de torture où tu vois un mec arracher couteau partout, c'est, il y a du sang partout et tout, c'est, de là à être gore à ce point-là, t'as des scènes du type comme ça? C'est, alors après, j'ai des souvenirs vagues, non, mais c'est que c'est quand même cru, si tu veux, c'est-à-dire que c'est, Après, c'est pas non plus du Mortal Kombat, hein. Oui, non, mais en fait, non, c'est peut-être pas, enfin, quoique mes souvenirs me... Disons que c'est pas vraiment gore, c'est malaisant. C'est malaisant, c'est dérangeant, parce que ce qui est suggéré est aussi violent que ce qui est montré. Non, mais tu vois, là, il me revient une scène au tout début du jeu, et je me dis, c'est pas possible, Axel ne peut pas regarder ça. C'est-à-dire que tu as une scène de... Ça me revient, là. Toujours avec ce fameux Trevor. Tu as une scène de sexe au début, qui est très très cru, et ça, c'est pas possible. Pour moi, quand... Mais genre quoi, ils font... Ah, mais je veux pas que tu le vois, je vais pas te l'expliquer en détail. Mais vas-y, dis, comme ça, j'en suis. Non, mais Axel, il est important que les parents, à un moment donné, mettent des barrières aussi. Tu ne peux pas tout savoir à 13 ans. Sinon, je veux dire, il y a même... On sert à quoi, nous? Voilà. Là, non, franchement, pour moi, c'est... Je repense, ça me revient, parce qu'en en parlant, il y a des scènes qui me reviennent du jeu. Même moi, j'étais tout seul devant mon écran, je me suis dit, la vache, si Nat... Elle se pointe, elle me voit en train de jouer à ça, elle va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Alors que c'est dans l'histoire, c'est une scène qu'on pourrait voir dans un film. Je refais encore ce parallèle, mais de Tarantino ou de Scorsese, tu vois. Oui, mais j'aurais réagi exactement de la même façon. Voilà. Et du coup, c'est pas possible parce que je comprends Axel aussi, c'est que Axel, il aime les jeux où, tu sais, où t'adores les jeux où on fout le bordel. Et c'est vrai qu'on Mais justement, GTA, ce serait le jeu, justement, parfait. Et là, ça satisferait beaucoup plus ce besoin. Non, mais justement, toi, je sais que, par exemple, on parlait de Goat Simulator encore tout à l'heure. Toi, ce qui te plaît, c'est de foutre le plus de bordel possible avec les chèvres. Mais Goat Simulator, c'est un côté bon enfant, comique. Oui, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, ça devient, à force de faire que ça en boucle, ça devient lassant. Alors qu'avec GTA, l'aspect, tu sens, vu que la carte, elle est tellement immense, elle fait 300 km² au moins. Oui, mais 300 millions de km² au moins. Voilà, le problème, c'est que le contenu, il est vraiment, vraiment trop adulte, en fait. Et c'est pas possible parce que t'en as qui aiment bien jouer juste pour aller écraser des gens, machin. Mais t'as une histoire dans GTA. Il se passe pas mal de choses. Il y a une trame scénaristique centrale. Et c'est vraiment pour public adulte, en fait. Et je reviens à ce que je disais au début de ce débat. Quand je pense que des parents, peut-être par méconnaissance ou par je m'en foutisme, je ne juge pas du tout, attention, laissent jouer, pour moi, des enfants trop jeunes à ce jeu-là. Pour moi, mais c'est vraiment scandaleux, quoi. C'est scandaleux parce que, alors peut-être qu'ils ne savent pas, mais ils ont accès à des scènes. Je pense que c'est une méconnaissance parce que je pense que la plupart n'y ont pas joué. Enfin, moi, je sais que dans l'entourage d'Axel, des parents gamers, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Non, je pense pas. J'avoue que voilà, c'est pas non plus, c'est pas des grands joueurs, quoi. Ouais. On fait un peu figure d'extraterrestre. Comment dire? En vrai, si c'est juste du moment, enfin. C'est vrai que d'accord là, j'avoue, à 13 ans c'est beaucoup trop tôt. C'est bien que tu le reconnaisses. C'est bien que oui, déjà on n'aura pas ce débat-là avant au moins un bon bout de temps. C'est cool. Vous, on est un petit peu, j'avoue, 13 ans, c'est quand même un peu dans l'abus. Enfin voilà. Mais après, du moment où c'est des scènes, enfin du moment où c'est pas, comment dire. Enfin, je vois à partir vu que quand on grandit, bah notre maturité elle grandit avec, que ce soit maturité. Maturité, voilà. Ou émotionnellement, on évolue en maturité. Et peut-être qu'on arrive à un stade où on se sent prêt à affronter ces choses. Parce que, en soi, si GTA aurait vraiment des grosses scènes pornographiques où ce serait vraiment hyper sale de partout, à la limite, ça se comprendrait. Tout simplement que là, à la limite, ok, 16-17 ans. Mais en soi, si c'est juste des nanas qui ont les tétés à l'air, en soi, donc... Donc bon, en vrai, je vais vous dire... Non, il y a un peu plus que ça. Je vais vous dire... Sans rentrer dans les détails. Je vais vous dire une anecdote. Une fois, à la plage, j'ai déjà vu plusieurs nanas, des fois, ça m'est arrivé, qui avaient les tétés à l'air. C'est vrai que sur le moment, je me suis dit, ah ouais, pas joli, joli. Et bah... Elles apprécieront. Parce que t'étais plus petit. Et puis, dès le lendemain, j'ai tout de suite oublié. Oui, mais là c'est pas ça, c'est pas juste des corps dénudés, il y a des relations entre les personnages. Et du coup, tu vois des scènes où il y a des choses vraiment. Oui, alors si tu veux, tu ne vois pas tout, mais. Mais des fois, l'imagination est pire que ce que tu vois en fait. C'est-à-dire que tu vas t'imaginer des trucs. Mais tu vois quand même plus C'est pas totalement pornographique, mais tu vois quand même plus que juste une femme qui aurait les seins nus, voilà. Non, on voit vraiment, c'est plus qu'explicite. On n'est pas dans la pornographie, je le répète, mais c'est quand même parfois très limite. On n'est pas très loin. Et alors, il sort en 2025, je crois. GTA 6. Je crois qu'il est prévu pour 2025. Il est prévu pour 2025. Ouais. Donc Axel aura 15 ans. Oui. À ce moment-là. Mais 15 ans, non. Moi, je suis désolée, non. Clairement. Mais là, peut-être que le débat se reposera. Mais si Family Pack existe encore à ce moment-là, on en redébattra avec Axel qui aura encore une plus grosse voix. Mais pourquoi ? Oh là là. Bref. Oui, bon, c'était mais une mauvaise imitation de Stallone. C'est pas forcément que GTA. Tu vois, moi, par exemple, ça fait pas, et pourtant, ça fait pas très longtemps que j'ai fait Silent Hill 2. Oui. Bah non, mais Silent Hill, je m'en fous, moi. Oui, non, mais on sait bien que tu t'en fous, c'est pas le problème. Et d'ailleurs, ça m'arrange bien, parce que moi, Silent Hill 2, dans Silent Hill 2, il y a certaines scènes qui m'ont choqué. Bah. Alors que j'ai 40 ans. Oui, mais là, c'est un jeu d'horreur, donc c'est. Oui, mais là, c'est, oui, un, jeu... c'est un jeu d'horreur. C'est pas mais... la... Il est fait pour te perturber, le jeu, il est fait pour ça. C'est pas la même chose. Oui, ben, mais. De là, je trouve que, de là, à attendre 16-17 ans, quand même un petit peu abusé. Mais normalement, le PEGI, c'est un PEGI 18 GTA, hein. Que tu le veuilles ou pas, techniquement, t'es pas censé y jouer avant tes 18 ans. C'est vrai. Avant d'être majeur. Et c'est si il a ce PEGI là, c'est bien qu'il y a une raison. Alors, je veux bien qu'on débat souvent des PEGI en disant que des fois, c'est un peu abusé. Là, pour une fois, je suis totalement d'accord avec le PEGI. Tu vois, à 15 piges, un 15-16 piges, un Call of, ça me choquera moins. Parce que Call of, c'est ça que je comprends pas avec toi, c'est que là, c'est les armes, c'est la guerre, du sang partout, des tas de cadavres. Parce que c'est que de la violence. Parce que GTA, c'est ça aussi, plus toute cette partie justement. Parce que personnellement, je trouve que le sexe, ça choque moins que la violence. Ah, tout dépend. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Ça dépend quel type de violence et ça dépend. Alors, quand je dis Call of, alors pareil, Call of, je suis pas du tout spécialiste, donc je sais qu'il y a eu des scènes parfois très choquantes, donc je dis ça vraiment en prenant de grosses pincettes, hein. Mais dans GTA, c'est toujours pareil, c'est plus permissif. Call of, t'es sur des rails, tu suis des missions et puis t'enchaînes. T'as pas ce côté, tu fais ce que tu veux dans. C'est ça. En fait, t'as l'impression de jouer dans un film de guerre dans Call of, à grand spectacle, bien sûr, mais c'est un peu ça. Moi, là, non, il y a une question que moi je voulais vraiment poser, et c'est là, je pense, c'est les parents qui nous écoutent, c'est là le nerf de la guerre presque. C'est les copains, parce que justement, des parents, on en parlait, qui sont pas forcément au courant, qui vont acheter le jeu. Toi, tu vas dire à ton gosse, non, je veux pas que tu vois ça, mais il y a deux choses, il y a la pression des copains qui vont la voir et tu peux aller jouer chez un copain aussi. C'est ça. Et ça sent les embrouilles à plein nez, les engueulades à plein mais nez en famille. Justement, la question étant, de toute façon, s'il se dit s'il commence à aller chez un copain, il nous le dira pas. À aller chez un copain aux alentours de la sortie du jeu, on saura quoi s'en tenir. Mais la question est là justement, est-ce que tu as vraiment envie d'y jouer ou est-ce que c'est juste par peur d'être entre guillemets rejeté par tes copains qui pourraient y jouer et qui parleraient que de ça par exemple Oh non, mais si c'est juste ça, je m'en fous totalement, ça c'est... De toute façon, je vois des vrais amis et des faux amis, donc à ce stade-là, je m'en fous, c'est pas le problème. C'est que au bout d'un moment, je pense que... C'est vrai. C'est que au bout d'un moment, il y a aussi... C'est vrai qu'il y a un peu ce côté jalousie qui prend un petit peu le dessus, mais bon, quand j'arrive quand même, bah, c'est légitime. Un peu à contenir, heureusement, parce que sinon, ma vie serait une catastrophe aujourd'hui, sincèrement. Et je pense que, c'est surtout que au bout d'un moment, vu que je commence à évoluer et que je me suis senti par le passé trop restreint du coup ni niveau jeu par vous, voilà, je le dis, je m'étais senti trop restreint avant par rapport au. Mais alors, à quoi jeu. T'aurais voulu jouer et qu'on t'a interdit de jouer, par exemple ? T'as un exemple ? Parce que moi, je vois pas trop, là, je t'avoue. Tous les jeux incroyables, à peu près de la PS4, de la PR. Tous les bangers de PlayStation, quoi. C'est-à-dire lesquels ? J'avais des tas de jeux incroyables, genre, tel que. Il y avait Persona 5 aussi qui était incroyable, alors que. À l'époque, vous m'y laissiez pas y jouer, alors que pourtant, Il y a des sujets très graves dans Persona. Il y a des sujets graves dans Persona. Moi, non, ça me choque. Bah justement, c'est parce que tu t'en rends pas compte. Peut-être parce que tu n'as pas compris, justement. Bah oui, c'est ça. Ça parle de sujets très graves, Persona 5. Très très graves. C'est peut-être justement parce que tu n'as pas compris le fond du truc. Et c'est pas plus mal, au final, mais... C'est oui non, il y a des sujets très très très très très, très difficiles et très très durs hein. Ah, bref, c'est que bon bref, voilà, bon là j'ai pas d'exemple à donner, mais à l'époque je me sentis trop bloqué, enfin voilà, sur cette fois. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me dis bah je commence quand même un peu à saturer par rapport à là-dessus, et c'est vrai qu'au bout d'un moment bah j'ai quand même envie d'y jouer quoi, parce que surtout moi étant un gars voilà qui bon j'ai beau être différent sur beaucoup de points, mais sur ce point, je suis comme tout le monde. J'adore les jeux où faut foutre le bordel. Ça, c'est incomparable. C'est la base. Mais je me dis, en fait, c'est que GTA, bah, c'est le meilleur jeu pour ça. Tu fais n'importe quoi, tu tabasses tout le monde, tu roules en voiture, tu fais des drifts sur l'autoroute. Bah, à ce moment-là, bah, joue à Midtown Madness, hein. Ouais. J'ai envie de te dire, c'est pareil, hein. T'es dans une voiture, tu peux écraser tout le monde, et puis tu peux faire des drifts sur l'autoroute, hein. Ouais, mais ce qui est encore plus incroyable avec la liberté de GTA, c'est que là, pour le coup, tu peux tout faire, tu peux rentrer dans tous les bâtiments, voilà. Tu vois, n'importe quel bâtiment, escalier, enfin métro ou plaque d'égout, bah tu peux y aller, quoi. T'as toujours un truc à visiter et même d'ici encore 5 ans, je suis sûr que on n'aura pas encore tout découvert sur la carte, quoi. Tellement le jeu, il a l'air immense et ça dure jamais. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah je commence à pas en avoir y jouer. Bon, c'est clairement pas pour maintenant, hein, je dis. De toute façon, il n'est pas prêt à sortir après, le jeu. Mais après, tu t'estimerais en âge d'y jouer à quel âge? À quel âge tu t'estimerais... Tu comprendrais pas qu'on te dise non, par exemple. Moi, je dirais 35 ans. Allez. Moi, j'aurais dit 40. Ouais. Ouais, tu dis ça parce que t'as jamais joué. Bref. Du coup, raquage... Bon, attends, ça peut prendre du temps sans voix, mais... Ouais, vas-y. Réfléchis, parce que c'est intéressant, au final. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de jeu, j'avoue, donc... Pour moi, je trouve que la barre des 16 ans est symbolique, parce que c'est un âge où les adolescents commencent à s'acheminer vers l'âge adulte, et où ils ont beaucoup plus accès à certaines choses. Malgré le fait que ce soit 18+, je pense que 16 ans, si t'es un jeune qui a un peu construit dans sa tête, je pense que ça peut aller. Je pense que ça peut le faire. Mais après, tout dépend. C'est toujours pareil. Tout dépend du jeune. C'est toujours pareil. Tout le monde pareil. Est différent. T'en as à 20 ans, ils ont un crâne. Et t'en as à 16 ans, ils en ont plus dans le crâne. Vous savez quoi, je pense sincèrement, faut ça pas. Ça dépend des gens. Faut pas vraiment se fier à l'âge. Enfin, si. Un petit peu se fier à l'âge. Un minimum quand même. Un minimum, bien sûr, je veux dire. Mais pas totalement se fier à l'âge. Faut se fier par rapport à sa maturité, voilà, à sa maturité. Si on estime qu'il est assez mature pour comprendre et tout, et que à côté, c'est quelqu'un de bien. Enfin voilà, vous m'avez compris, je sais pas en m'exprimer là-dessus. Je pense que ça peut aller. Donc moi, je dirais plus 15 ans quand même, moi perso, parce que déjà c'est l'année où il va sortir GTA 6, n'est-ce pas? Bref. C'est parce que... En fait, c'est simple. Comme il sort à cet âge-là, bah forcément, à cet âge-là, tu voudrais y jouer. Ouais, voilà. C'est très simple. Surtout que moi, je pense qu'à 15 ans, déjà, c'est la troisième, tout simplement. Et puis là, je pense, pour pas dire c'est, parce que j'ai pas encore vécu cette période-là. J'ai que 13 ans. Et là, 14 ans dans 2 mois. Donc, voilà. C'est vrai, déjà. Ah, déjà. Bah oui. Et donc, pour dire, c'est que à 15 ans, on commence à entrer vers les portes qui te mènent vers les choses un peu plus... voilà, que ce soit que ce soit dans la vie et tout. Enfin, vous m'avez compris. On attaque un peu les choses sérieuses. C'est là où c'est les portes d'entrée pour attaquer les choses sérieuses. Et genre, peut-être pas à 15 ans directement. J'aurais peut-être dit vers... parce que c'est vrai que 15 ans, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, je sais pas, je trouve ça un petit peu, voilà. Mais peut-être à 15 ans et 4 mois plus tard, je sais pas. 15 ans et 4 mois. Je sais pas, un truc comme ça. À 15 ans et demi. Ouais, mais peut-être même un petit peu avant, je pense, ce serait... Bah, pourquoi pas, je pense. En tout cas, moi, quand tu disais tout à l'heure que t'étais frustré, tout ça, t'as eu accès, je pense rapidement, à un nombre incroyable de jeux quand même. N'oublie pas quand même, moi je te trouve un peu sévère là-dessus, parce que n'oublie pas que t'as joué non quand même très jeune à l'un de tes jeux de chevet, Tokyo Jungle, quand même qui est quand même un jeu, les bastons entre animaux sont quand même bon assez réalistes. Enfin, réaliste entre guillemets. Je te rappelle que t'as traumatisé ta grand-mère avec ce jeu. Mamie Sylvie, là, elle a fait 3 AVC quand elle t'a vu jouer à ça. Après. Au moins, elle est partie en congé, donc c'est déjà ça. Après, tu as quand même eu accès à pas mal de jeux. Quand même, c'est normal que quand, effectivement, quand à 10 ans, tu voulais jouer à Call of. Oui, non, merci, non, va faire tes devoirs. Merci. Après. T'as eu accès à quand même beaucoup de jeux, vraiment. Et je pense que c'est le rôle des parents quand même de. Après, chacun son âme et conscience. Mais pour moi, il y a quand même une barrière qui me paraît logique. Enfin, pour moi, c'est du bon sens que. Ça se comprend. Qu'un jeu comme GTA, quand tu es trop jeune, enfin moi, ça me paraît. Ça me paraît pas négociable. Donc, mais encore faut-il savoir de quoi ça parle. Et comme on disait, il y a des parents qui l'achètent en s'imaginant, bon, ok, il sait faire la part des choses entre le virtuel et le réel, il va écraser des gens avec sa voiture, mais il sait que c'est pour de faux. Ils connaissent pas le côté du sexe, quoi. Bah non, mais c'est surtout, ils savent pas ce que contient le jeu. En fait, ta chance à toi, c'est que t'as quand même des parents qui, bon, sans vouloir nous lancer des fleurs, qui s'y connaissent. C'est-à-dire qu'on a toujours plus ou moins passé outre le PEGI quand on estimait que tu étais en âge de pouvoir jouer à certains jeux. Parce que si on avait respecté clairement le PEGI, crois-moi que t'aurais joué à beaucoup moins de jeux que ce que tu as joué. Et puis pour certains parents, le jeu vidéo c'est diabolique, t'aurais pu tomber sur des parents qui t'auraient même carrément pas laissé jouer. T'aurais peut-être même pas encore découvert le jeu vidéo, si ça se trouve. Ouais. Mais moi, je sais pas si Axel, t'as d'autres réflexions là-dessus. C'est vrai que c'est un débat intéressant et qu'on peut avoir au fil des années, en fait. C'est, hein. Bah, c'est vrai qu'à la limite, bah, ça se comprend que voilà, c'est tout. Bon, déjà, faut pas dire que le jeu vidéo c'est diabolique. Je pense que je préfère aller boire de l'essence plutôt que dire ça. Tu prêches à des convertibles, hein. On est des joueurs, donc. On avait même rappelé lors d'une précédente émission les propos complètement. À côté de la plaque d'Emmanuel Macron qui disait que les émeutiers reproduisaient les commences qu'ils avaient vues dans des jeux vidéo toxiques. En fait, il cherchait. Ah bah oui, c'était les jeux à la GTA qui étaient ciblés. En fait, hein. Il cherchait juste un truc à balancer comme ça parce qu'il savait pas quoi dire et expliquer ça. Exactement. Et après, vu qu'il assumait pas, il a dit « Oh, non, désolé, non, non, finalement, c'est formidable, je vous aime tous, les joueurs. » Ouais, bref. Faut dire que l'industrie du jeu vidéo est l'une des plus florissantes en France, alors forcément, donc, si ça met à pour dos... Pour en revenir à l'âge, je pense... Je pense pour moi 15 ans, je pense d'ici là, je pense j'aurais quand même, bah je sais d'évoluer, surtout que là vu que je commence vraiment à devenir beaucoup plus mature, à vraiment me développer plus à fond, voilà. Puis je compte faire des projets déjà pour ma vie, pour mon futur avenir, déjà pour commencer, donc voilà. Bon, c'est vrai, un peu hors sujet, désolé, voilà. Donc non, mais pas forcément. Je pense que. Par contre, t'es vraiment trop loin du micro, Axel. Je pense que, voilà, d'ici, je parle bien. Je pense que d'ici, 15 ans, je pense que j'aurai la maturité d'ici là pour voir des choses. Parce que c'est vrai que, moi, que ce soit voir des choses un peu coquines ou ça, ça m'arrivait accidentellement ou par hasard d'en voir. Voilà. Accidentellement à l'insu de ton plein gré? Non, vraiment accidentellement. Moi, je cherche pas des trucs. Comme ça, je m'en fous d'ailleurs en plus, donc voilà. C'est vrai que sur le moment, j'étais un peu... ouais, c'est vrai que c'est pas joli à voir, mais dès le lendemain, j'ai oublié. Et maintenant, voilà, ça me fait rien. Donc, en soi, je pense, d'ici 15 ans de là, ma maturité, elle sera dans 15 vraiment... ans, oui, on est d'accord. Non, 15 ans. D'ici 15 ans. Ah bah non, quand tu dis d'ici 15 ans, ça veut dire dans 15 ans. D'ici à tes 15 ans. D'ici à mes 15 ans. Excusez-moi, je sais pas parler. Quand j'aurai 15 ans, voilà. Comme ça, ça sera plus simple. C'est un petit peu mieux. Quand j'aurai 15 ans, je pense ma maturité, elle sera bien mise en place. Elle sera déjà bien développée ici, là. Et du coup, bah, je serai prêt, je pense, à tanker ces scènes un peu coquines. Et pour moi, bah, ce sera que... Rien. En fait, c'est vrai que sans rentrer dans le détail, c'est pas coquin mignon, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas coquin romantique, non. C'est plus coquin Voilà, mais après c'est difficile, je veux pas trop en dire plus puisque le but c'est pas non, enfin c'est, vous comprenez un petit peu l'exercice, c'est un petit peu difficile, voilà, mais c'est un débat compliqué, je pense, qui doit se poser dans, alors c'est vrai que dans Family Pack on donne, ceux qui nous suivent, on donne même des notes PEGI au jeu, parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec les PEGI officiels, mais là c'est vrai que pour GTA, ça fait partie de ces jeux où moi je suis tout à fait d'accord avec le PEGI qui est moi aussi qui est dessus. On va peut-être finir ce petit débat pareil, en vous invitant à nouveau à nous donner votre avis. Et pas besoin d'être parent, hein, pour donner son avis, hein. Si vous êtes, oui, vous pouvez très bien avoir un avis, même si vous n'avez pas d'enfant. Ou si vous êtes un ado vous-même, ou voilà, comme vous voulez. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'émission soit écoutée vraiment par toutes les tranches d'âge, et c'est intéressant d'avoir les points de vue. On peut être parent et puis être complètement à côté de la plaque, hein, c'est pas impossible non plus. On va résumer simple, tout dépend de la maturité de l'ado, quoi. Oui, mais même un ado très mature à 13 ans, il y a des choses qu'il doit pas voir. Oui. Si t'inverses les rôles, si tu te mets dans le rôle des parents. Pour moi, sincèrement, je pense que s'il est vraiment mature, enfin, après, moi, c'est vrai qu'en général, je suis mature. Mais bon, il y a certains points où je suis vraiment un gamin pour le coup, voilà. Mais je pense que ce soit pour voir les choses un peu coquines. Moi, je vois quand même très bien les choses du monde. Enfin, je les vois pas mal, je les vois plus différents, voilà. Je pense que moi, à 15 ans, bah, je pense que je verrais peut-être encore mieux les choses. Et je pense, pour moi, à 15 ans, je pense, bah. Mais le fait de mieux voir les choses ne veut pas forcément dire que tu les accepteras mieux ou que tu les digéreras mieux. C'est ça le truc. Bah attends, moi ça m'est déjà arrivé de voir des choses. J'ai déjà tanké des chocs émotionnels, des chocs visuels. Ah, tanké, t'entends quoi par tanké? Tanké, c'est genre tu te le prends, mais ah voilà, tu résistes, quoi. C'est que tu vas en face et après tu. Tu voilà. D'accord. Tu passes et puis du coup moi je pense que par rapport à ça, aux choses un peu voilà sexuelles de la vie, bon, je sais je vois, j'ai pas d'autres mots pour dire ça, désolé, voilà, mais pour que ce soit les choses un peu sexuelles de la vie, je suis plutôt bien renseigné sur ce sujet, voilà. Ah bon? Hein? Bah, il y a éducation sexuelle cette année. Bah attendez, hey, j'espère que c'est que ça. Hein, hein? Bah, je vais même te dire honnête. Enfin, attends, c'est pas ce que. Je comprends, c'est genre comment. Non, c'est pas genre. Voilà, les. Que ce soit. Voilà, c'est genre. Comment ça marche telle chose, comment fonctionne telle chose, comment on fait pour. Voilà. Attends, on le faire peur à maman, là. Voilà. Mais attends, tu flippes, mais sincèrement, vaut mieux le savoir maintenant que trop tard. C'est pas faux non plus. Je dis les termes, vaut mieux le voir, savoir maintenant que trop tard. Le savoir, ça veut pas dire faire. Dégoûté. Non, mais on est bien d'accord, mais bon. Mais à partir du moment. Mais j'ai vu ces cahiers passer. Quand j'aurai 17 ans et je saurais pas comment ça fonctionne. Ah oui, non. Pourquoi 17 ans? Non, mais non, 33 ans, je suis désolé. Non. Non, parce désolé, que là, j'ai vu en plus au niveau de tes cours, vous êtes en éducation, vous avez éducation sexuelle en ce moment, non? Pas du tout. Bah, j'ai pas vu là, l'organe. Ah, j'en sais rien, me demande pas, moi je ne sais pas. Hein. Ah non, mais ça c'est la SVT, ça. D'accord. Ça c'est la SVT, c'est pas le. Oui, bah de toute façon c'est en SVT que tu fais ça. Hein. C'est pas ailleurs. Hein. Et puis attends, si c'est pour les. En parlant de ça, bah tiens, j'ai un exemple. Si c'est pour voir des choses émotionnelles, on a dû voir des vidéos en SVT. Et les trucs, c'était à peu près digne de GTA. Alors non, c'est pas des couples qui font. Non. Qui font voilà. T'as vu les mêmes vidéos qu'on a vues il y a des années de ça, parce que c'est les vidéos d'éducation nationale. Ça me rappelle les Simpsons, ça, les vidéos. Bah, surtout, l'école qui leur diffuse. Surtout, elle fait semblant, c'est évident. Surtout, déjà, je me rappelle qu'au coin de la salle de SVT, il y avait quand même un foie de porc, quand même, qui est vraiment neuf, voilà. Bon appétit. Et en plus, on a Homer Simpson en sueur. Et aussi. On a en SVT aussi, on a déjà vu une vidéo d'un mec qui disséquait quand même un cœur de porc. Mais genre le cœur, il était entier, t'as encore tous les organes et tout. Il le disséquait. Bon, là on s'éloigne peut-être du sujet. Et pourtant, du sujet. C'est vrai que ça. Ce moment, je me suis dit, ah ouais, un peu dégueulasse, et le lendemain, que dalle. Non, mais là je pense, de toute façon, pour conclure, c'est que comme on le disait, il y a, comme je te disais tout à l'heure, il y a des scènes vraiment qui, voilà, sont vraiment pour un public adulte. C'est pas juste du gore pour du gore, c'est pas juste de mettre des femmes nues pour mettre des femmes nues, c'est juste les sur les rapports hommes-femmes, il faut quand même, je pense, avoir la tête bien faite sur ce sujet-là. Mais moi, je suis renseigné à ce sujet-là, justement. Oui, mais donc en soi, c'est normal. Moi, j'ai eu 13 ans aussi, avant toi. À toutes les étapes de l'adolescence, et on va dire... Même tu te crois toujours plus fort que ce que tu n'es. On a l'impression de tout savoir. Ah non, savoir. Mais moi, attends, je me trouve globalement... Je me trouve nul, globalement, moi. Mais non, mais pas, c'est pas ça. Sur certains points, oui, mais genre, sur ça... Je suis quand même renseigné. Enfin, je sais comment ça marche. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et c'est un débat, je pense, qu'on aura régulièrement et peut-être pas que sur GTA. C'est vrai non, qu'on parce l'a que eu... là, je pense qu'on va l'avoir de plus en plus souvent, ce débat-là. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, ce serait 15 ans, je pense. Bah, de toute façon... Peut-être et demi ou un peu avant. On se donne rendez-vous en 2025. À la 2025, sortie de GTA 6. si l'émission existe toujours... on espère. Et du coup, on en reparlera éventuellement à ce moment-là. On va donc passer maintenant à la section news et je vous laisse quelques petits instants avec le jingle, le temps que j'aille parler à mon fils. À tout de suite. Donc, après cette petite discussion familiale, nous revoilà pour les news. Alors oui, pour une fois, elles sont à la fin. J'espère que ça vous perturbera pas trop, mais on a voulu faire une émission totalement éclatée, puisque après tout, c'est les fêtes, et puis on avait envie de vous faire plaisir, donc on a quand même mis des news, mais on les a mis à la fin, parce que pour nous, les deux parties les plus importantes, c'était nos awards, et c'était, du coup, le débat. Et donc, voilà, nous revoilà donc pour les news, donc n'hésitez pas à nous dire si cette version éclatée vous a plu, si cet ordre vous plaît ou pas, ou si vous préférez qu'on revienne à l'ancienne formule. On est toujours ouvert, on est toujours en train de tâtonner, c'est toujours la première saison, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Et nous allons donc parler de trois sujets qui nous ont... qui nous ont interpellés, en fait. On va commencer par une grosse annonce qui a eu lieu il y a quand même quelques temps. C'est la fin d'une époque, pour beaucoup de monde, moi y compris. C'est la fin de l'E-Cube. Oui, donc c'est vrai que le 3, c'est... Oui, c'est vrai que c'est le 3, pardon. Oui, non, mais je disais l'E-Cube aussi avant, mais on dit comme on veut. Toujours dit l'E-Cube, moi. Je précise aussi que c'est Family Pack, là, c'est la première saison de cette nouvelle version de ce reboot. Mais que l'émission existe déjà depuis 2 ans quand même. Oui, si oui, vous voulez écouter plein d'anciens épisodes, il y en a plein. C'est parce que c'était la première saison du reboot. De la nouvelle formule. Excusez-moi. Voilà. Ah non, mais il faut dire les termes jeunes au bout d'un moment. Autant pour alors, non, mais oui, c'est vrai qu'on a appris donc l'annonce officielle. Après, il était un peu en mode mort-vivant le 3 ces derniers temps. C'est vrai que depuis le Covid, ça a été compliqué pour eux. Et même avant. Même avant, c'était vraiment... c'était un balbutiement quoi, c'était et là donc on a eu une annonce officielle le 3, et c'est vrai que le 3 historiquement c'était le plus gros salon du jeu vidéo. J'ai vu la caméra bouger, je ne sais pas ce que fait Kirby, mais je l'ai vu avec une boule caisse. Faut la lancer ailleurs, la boule caisse, parce que là, fait 100 kilos, là. L'ensuite dans les escaliers comme ça, elle va aller jouer en bas, voilà. Donc tu l'as irrespecté. Tu l'as irrespecté. C'est pas mal, ça. Oui, donc le 3, en fait, c'est vrai que c'est la fin d'une époque, puisque ça fait quelques années que c'était plus ce que c'était. Mais c'était vraiment la grand-messe du jeu vidéo annuel. Mais effectivement, là, il y a le Summer Game Fest, Jeff Keighley et toute la clique, compris effectivement le lead depuis... Je crois que ce qui leur a fait le plus de mal, en fait, c'est que avec le Covid et les confinements, les éditeurs se sont aperçus qu'ils n'avaient pas vraiment besoin d'un endroit physique pour arriver à rameuter du monde. Parce que oui, ça leur coûtait extrêmement cher. Et en l'occurrence, en passant directement par Internet, ils peuvent mettre beaucoup plus de moyens, même si ça leur coûte quand même moins cher en plus. Et au final, ça a exactement le même effet. C'est Nintendo, bien avant le Covid déjà, Nintendo avec les Nintendo Direct. Avec les Nintendo Direct, ils ont vraiment inventé un type de format, et ils ont, de là Sony, Xbox ont suivi aussi, ils ont prouvé qu'il n'y avait plus besoin forcément de grosses confs. Alors, c'est vrai que ça fait des belles images d'archives. Il y a des conférences de trois qui sont mythiques, qu'on peut revoir sur YouTube, avec des annonces de consoles, de jeux, etc. Mais moi, je garde un grand souvenir de l'E3 que j'avais fait pour IG Mag en 2011. L'annonce de la Wii U, c'était vraiment un... T'étais dans la salle, en plus. J'étais dans la salle, voilà. C'est ça. J'ai fait partie des rares, à avoir compris ce qu'était la Wii U, parce que c'est vrai que certains n'avaient pas compris. Et dire que si elle était mieux expliquée, ça aurait été peut-être un succès, quoi. Bah, nous, on adore la Wii U, enfin, c'est encore autre chose. Mais voilà, donc ça a été annoncé officiellement, et c'est vrai que, alors après, le Summer Game Fest, tout n'est pas acheté, c'est sympa, c'est vrai que c'est plus dur à suivre parce qu'il y a des conférences à droite à gauche, enfin des retransmissions éclatées à droite à gauche. Je trouve que c'est un peu plus dur de s'y retrouver, mais bon, c'est comme ça de toute façon, qu'on soit d'accord ou pas, c'est un fait. Donc l'E3, il y a eu un communiqué officiel et bah a pu E3. Ce qui est un petit peu dommage, parce que quelque part c'était aussi un rendez-vous et c'était un endroit où les passionnés et les gamers pouvaient se retrouver aussi. C'est peu dommage que ça s'éteigne un peu au fil du temps. C'est la destruction de bons souvenirs, quoi. Après, il y a toujours le Tokyo Game Show, il y a toujours la Gamescom. À Paris, on a la Paris Games Week, qui du coup cette année a eu un bon revival, je trouve. Éditeur, il y avait pas mal de monde, donc on... Ah ouais, c'était super à Paris Games Week. C'était pas mal. Mais bon, l'iconique E3, bah, n'existe plus. Et c'est un peu, moi, je trouve ça un petit peu dommage. En même temps, ils l'ont débranché parce que il n'était que l'ombre de lui-même depuis quelques années. Il a tenté plusieurs retours, des années où il n'était plus là. Donc c'est, l'E3, ça faisait déjà quelques temps que c'était déjà, plus trop ça, en fait. Et c'est limite une fin presque logique, je trouve, même si bon, bah, certains le regretteront. Mais c'est ainsi. Et en parlant de Jeff Kelly, qui a repris un peu le lead de tout ce qui est événement mondial, on va dire, à rayonnement mondial, niveau JV. Nous allons parler des Game Awards. Les Game Awards, alors. Qu'on a regardé. Et c'est vrai que, on voulait vous donner un peu notre avis dessus, parce qu'en l'occurrence, alors c'était une très belle cérémonie, hein. Il y avait plein d'invités, c'était assez sympa. Moi je suis surtout restée sur la prestation Alan Wake 2. Moi je suis désolée, j'ai regardé même limite que pour ça en fait. Mais toi c'est ton crush Alan Wake en fait. Mais c'est... totalement, non mais j'ai vraiment adoré ce qu'ils ont fait sur la scène, c'était assez génial. Par contre il y a un truc qui moi m'a beaucoup choquée, c'est qu'il y a certaines récompenses. Pareil. Où ils ont juste fait une liste. Et ils les ont annoncés comme ça à la va-vite. Alors je veux bien comprendre qu'il y a tellement de catégories, tellement de récompenses, tellement de... Je veux bien comprendre, hein, il n'y a pas de souci, mais quand le jeu n'a gagné qu'une seule récompense, pourquoi ne pas au moins l'annoncer en grande pompe que, pour la seule fois de la soirée, la personne qui a gagné un prix et qui est contente d'avoir gagné un prix puisse au moins aller donner un peu son ressenti, parce que là on en a vu plusieurs fois, c'est un peu pas vraiment juste. Alors après on n'a pas regardé le pré-show, est-ce que ces prix-là ont pas été récompensés pendant le pré-show, je ne sais pas, je vous avoue, je... Non, parce que pendant la cérémonie, rappelle-toi, ils ont bazardé pourtant des awards, ce qui était très important. Oui, mais est-ce que du coup c'était pas un rappel de ce qu'ils avaient fait pendant le pré-show? Oui, mais ça, je ne sais pas, mais il n'empêche que... Là est la question. Que le gagnant n'a pas eu son moment de gloire pendant l'événement principal. Voilà, ça, c'est un peu... J'ai trouvé ça un peu dommage parce que pour certaines personnes, ça représente beaucoup, notamment quand il s'agit d'indé, et j'ai trouvé ça un peu dommage, voilà. C'était même choquant, quoi, quand il dit... meilleur bande-son, alors, toc, toc, toc, voilà, c'est lui, meilleur machin, alors que parfois, il y avait des prix qui étaient... plus mineur entre guillemets, je dis pas ça méchamment, et qui avait le droit à un quart d'heure un quart d'heure. C'était, les interventions étaient chronométrées. Oui, tout était chronométré, tout était... Alors après, des personnes qui ont été coupées. Tout dépend les personnes. C'est vrai que c'est plutôt ceux de l'industrie qui venaient remercier qui étaient coupés plutôt que ceux qui faisaient le show entre guillemets. Et exactement. C'est vrai que c'est une critique qui est beaucoup revenue. Le jeu vidéo aussi a connu, malgré le fait que ce soit l'industrie de divertissement qui brasse le plus d'argent. C'est vrai que l'année qui vient de s'écouler a été quand même marquée par énormément de licenciements, quand même drame de ce type-là et ce que la cérémonie a totalement occulté, ce que c'est, oh là, j'arrête de taper mon micro. C'est un show à l'américaine et tout ce qui fâche un peu, on l'a mis un peu de côté. Avec beaucoup de starification de certaines personnes, ce qui est pas forcément bien, je trouve, dans la mesure où Bon, moi, après, je suis fan de Kojima, donc j'étais content de le voir, surtout qu'il a annoncé un projet de jeu d'horreur, donc Audi. Oui, mais enfin, sauf quoi. On n'a pas vu grand-chose. On n'a rien vu, hein. Mais bon, moi, j'aime beaucoup Kojima, donc c'est sûr que je peux pas dire que j'ai boudé mon plaisir à ce moment-là. Moi, ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est vraiment ces prix qui étaient bazardés en liste comme ça. Bon, bah, meilleur... J'ai pas compris, il y avait des prix très importants. Et est-ce que vous voulez que je vous rappelle un petit peu, alors pas tous les prix parce qu'il y en a une grande liste, mais rappeler un petit peu les principaux. Ah, ça peut être pas mal ça, oui tiens. Le jeu de l'année donc, on en parlait pendant nos awards à nous qui sont quand même, reconnaissons-le, en toute humilité bien au-dessus. J'en parlais. Baldur's Gate 3, c'est un jeu vraiment que je veux faire en 2024, mais voilà, j'ai pas eu le temps de faire. Mais lui, il a eu le award du jeu de l'année, hein. Voilà, le Game of the Year. C'est Baldur's Gate 3, le jeu de l'année, voilà. Meilleure réalisation, Alan Wake 2, c'est vrai que c'est mérité aussi. Alan Wake 2 a reçu beaucoup de prix et je suis très contente parce qu'il le mérite, sincèrement. Bah, il a eu meilleure narration, aussi il a eu meilleure direction artistique. Il n'y a pas eu la meilleure musique, je suis un peu déçu. La meilleure musique, c'est... Et là, ça fait partie des prix qu'on a des bazardés, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu colère. C'est FF16. Oui. Donc, voilà. Et FF16 n'a gagné que celui-là, et on n'a pas vu du tout... Alors, c'est pas un indé, on est bien d'accord, mais l'équipe d'FF16 n'a même pas eu le droit de venir remercier... Alors que la meilleure musique, c'est quand même pas rien, quoi. Meilleur jeu indépendant, Sea of Stars. C'est pareil, Sea of Stars. Oui, moi je pense qu'il aurait mérité un spot particulier. Hein. Ils auraient mérité de passer un peu sur la scène. Meilleur jeu d'action aventure, Tears of the Kingdom, hein, donc Zelda. Meilleur RPG, Baldur aussi. Meilleur jeu de combat, Street Fighter 6. Meilleur jeu familial, bah comme nous aussi, Super Mario Wonder. Il y a deux prix quand même qui sont communs avec nous. Oui. C'est la meilleure bande, enfin en tout cas familiale pour nous. Meilleure bande son avec moi pour FF16. Voilà. Et si ma mémoire est bonne, Nintendo, on les a pas vus, hein, que ce soit pour Wonder ou pour Zelda. Hein. Nintendo a eu le meilleur jeu de simulation stratégie avec Pikmin 4. Pikmin 4. Donc voilà, il y a le jeu le plus attendu, c'est FF7 Rebirth. Comme pour nous. Oui, donc, et parmi les annonces, alors, il y a eu pas mal de... Parce que c'est aussi des annonces, hein, les Game Awards. Il y a eu pas mal de choses première, intéressantes. Moi, surtout première. Ce que j'ai retenu, alors, il y a des jeux qu'on connaissait déjà, hein, qu'on a revus. On a revu du Senua. Bon, après, on n'a toujours pas de date, mais bon. Oui, on a revu des Hellblade jeux 2, qui nous plaisent bien et on va peut-être pas tous les reciter. Moi, j'ai retenu l'annonce de Sega avec des revivals de jeux qui sont chers à mon cœur, notamment Shadow Dancer, mon shinobi préféré, le Shadow Dancer de la Mega Drive, je le précise, parce qu'il y a un Shadow Dancer arcade qui n'est pas exactement le même jeu. Alors autant je suis pas très fan de ce qu'on a vu sur Street of Rage. Oui, ça me fait peur. Autant j'avoue que le Shadow Dancer, il a l'air super beau. Oui, parce qu'on retrouve vraiment le chien, la 2D, etc. Donc j'ai vraiment hâte. C'est vrai que Street of Rage, après le 4 qui était vraiment excellent. Là, on est sur on a vu des courts extraits, on a vu un jeu de baston 3D un peu générique. Pareil pour Golden Axe, parce que Golden Axe aussi. Ah, Golden Axe, ouf. On a vu un extrait d'un retour de Golden Axe. J'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu. En 3D. Crazy Taxi aussi. Crazy Taxi. Bah, la vidéo m'a plutôt plu. Et Jet Set Radio. Jet Set Radio, c'était sympa aussi. Jet Set Radio, ouais. Et il y en a plein d'autres, mais qui n'ont pas été annoncés. On a eu ceux-là déjà. Bah, faut dire, on a tellement que c'est un peu. Bah, ces gars s'en sont rendu compte qu'ils étaient assis un peu sur un trésor de guerre et ils ont enfin décidé de passer. Donc ça, moi, passer la seconde, c'est bien. C'est vrai que le Shadow Dancer Mega Drive, qui pour moi reste un jeu d'une modernité, d'une classe absolue. Visions of Mana, le nouveau Mana. qui visuellement reprend un peu la charte, reprend même carrément la charte graphique du remake de Seiken Densetsu 3, c'est-à-dire Trial of Mana, et le remake du 2, mais avec quand même un upgrade graphique assez prononcé. Je trouve que ça a l'air encore plus chiadé, plus détaillé. Moi qui est fan des Mana, là je me dis il y a peut-être moyen d'avoir un nouvel épisode, parce que les vrais nouveaux épisodes dernièrement étaient un petit peu décevants. Donc là je croise les doigts. Ça c'est 2024, hein, sans plus de date. Plus de précision. Ces gars, ils ont pas donné de date non plus, hein. je précise. Ah oui, non, là, il y a même pas en 2024 ou quoi que ce soit. Hein. Là, c'est du nébuleux. Hein. A été annoncé aussi, je sais plus si c'est dans le cadre des Game Awards. Non, ça c'était parce qu'il y a eu un Nintendo spécial Indie aussi qui est passé. Oui, il y a eu un Indie World aussi. Et moi, ce que j'ai retenu de l'Indie World, c'est le. Alors, on a revu plein de jeux qui sont très très beaux, qu'on attend, qui sont très bien. Il y a pas de souci. Moi, c'est surtout le Shanty, Advance, Risky Revolution, voilà le titre un peu rallonge. Alors Shanty ou Shantae selon comment on prononce, mais je crois qu'on prononce Shanty. Ce jeu d'action aventure absolument génial de WayForward. Là, c'est moi, je suis très fan. Là, c'est l'épisode Game Boy Advance qui était prévu à l'époque, qui n'est jamais sorti, donc il va sortir sur Switch. Donc ça, je suis assez assez content. C'est une exclusive, je crois en plus. Je crois que c'est une exclusive. C'est une exclusive. Pareil, il n'y a pas de date. Non, 2024 sans plus de précision. Oui, beaucoup d'annonces de jeux qui arrivent sur Switch. On a vu la date un peu les Shadow Drop parce qu'il y a un jeu que t'attendais depuis longtemps qui s'appelle Island Song et lors de cet Indie World du mois de novembre. Et c'est là que j'ai découvert la date. Mais il est sorti quasiment dans la foulée. Il est sorti le 5 décembre et tu l'as testé pour Geeksbuyer d'ailleurs, il me semble. Oui, mais alors je l'ai eu beaucoup plus tard en fait que sa date de sortie. Si tu peux nous en dire deux mots. Et en fait, c'est un jeu alors qui est absolument magnifique. Moi qui suis j'aime beaucoup les univers celtiques, la musique celtique aussi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et là, en fait, ça mélange un peu tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une jeune fille, une jeune écossaise, en fait, qui n'est jamais sortie de chez elle, et qui va entamer un périple pour aller rejoindre son oncle, qui est gardien de phare au bord de la mer, et aller voir la mer pour la première fois de sa vie. Sauf que sa mère n'est pas d'accord, donc en fait, elle fugue. Et elle se retrouve seule dans les collines d'Island, à devoir se débrouiller par elle-même. Donc c'est un jeu de survie qui mélange jeu de rythme, parce que des fois on va pouvoir courir beaucoup plus vite, et du coup il va falloir, la musique va changer, et il va falloir du coup en rythme appuyer sur des boutons pour permettre au personnage de sauter au bon moment et de continuer la musique. Ça mélange pas mal de choses, il y a forcément il y a les légendes écossaises, il y a énormément de choses. Par contre, le jeu est intégralement en anglais, et alors je dirais même plus pas en anglais, en écossais. Donc avec toutes les petites subtilités de langage qu'il peut y avoir dans ce dialecte, qui est quand même assez proche du gaélique, je déconseille si vous n'avez pas un bon niveau d'anglais, clairement, parce que ça peut être très difficile à comprendre. Maintenant, c'est vrai que avec les voix off qui sont parfaitement doublées, l'immersion est totale. On est en Écosse, on est avec des Écossais, et l'immersion, elle est totale. Après, c'est un peu répétitif, on est un peu perdu tout le temps, on sait pas trop. Mais c'est aussi ça qui fait le charme du jeu, c'est-à-dire que vous pouvez refaire... moi, je l'ai refait 3 fois. Je n'ai réussi qu'au bout de 3 fois à arriver à la date où je devais arriver pour avoir la surprise de mon oncle. Quand même. Puisqu'en fait, tu dois arriver avant une date prévue, t'as 6 jours pour faire le trajet, pour arriver à la mer, pour voir, parce que ton oncle t'attend pour te montrer une surprise. Et cette surprise est absolument magnifique, enfin, la fin m'a pris au trip. Mais sauf que, quand tu te perds dans les collines, que tu sais pas où tu vas, que tu sais pas où tu vas, que tu sais pas comment y aller, bah en fait, c'est très compliqué d'arriver à temps. Et du coup, bah voilà, j'ai adoré ce périple. Et en fait, à chaque fois qu'on le refait, bah c'est un voyage différent. On passe jamais par les mêmes endroits, on voit jamais les mêmes choses, on trouve jamais les mêmes cartes. À chaque fois, ça se renouvelle en fait. Et je pense sincèrement qu'il faut y jouer plusieurs fois pour vraiment apprécier ce jeu. Même si il est loin d'être exempt de défaut, il est un peu répétitif. Forcément, c'est un petit peu dur à comprendre pour qui n'est pas écossais. Forcément. Mais malgré tout, il a des grandes qualités. Et si vous avez un bon niveau d'anglais, je vous invite à le découvrir. Moi, je ne jouerai qu'à ce jeu que s'il y a un DLC spécial Willy le jardinier. Oh là là. Willy jardinier vient d'Édimbourg. Hein. Il vient pas des Highlands. Hein. oui, moi, en fait, juste... Moi, je te voyais jouer, et alors, je me trompe peut-être, hein, mais c'est le jeu qui a l'air super sympa une heure, et qui vite devient très chiant, parce que j'ai l'impression que t'étais toujours dans le même décor, et que tu faisais toujours la même chose. Franchement, tu m'aurais dit, je suis au début du jeu, Je venais de voir 2-3 heures après, j'ai l'impression que t'étais dans la même map, à faire les mêmes choses, comme si t'avais mis pause pendant 3 heures et t'avais continué ta partie après. J'ai l'impression que t'étais au même endroit en train de faire la même chose. Est-ce que je me trompe ? C'est le problème d'être dans les Highlands, c'est que forcément le décor se renouvelle pas énormément. Hein. Forcément, y a rien qui ressemble plus à des Highlands que d'autres Highlands, quoi. Oui, mais en termes de gameplay, ça n'exclut pas le fait de pouvoir varier les choses. Certes, mais après. Comment dire, forcément. C'est une expérience, quoi. C'est une expérience, et en plus, c'est une expérience qui est courte, parce qu'en final, en. Allez, 3-4 heures, vous en avez vu le bout, quoi. Une partie complète, en 3-4 heures, c'est fini. C'est le type de jeu, comme on dit très souvent, qui est idéal pour un dimanche après-midi pluvieux. C'est ça. Tu te mets dans le canapé avec ton Exactement. Chocolat chaud et Mais tu fais ça. Mais c'est une expérience qui, à mon sens, doit être refaite plusieurs fois pour vraiment comprendre toute la teneur. Et toute la saveur, surtout. Donc tu disais c'était pas traduit, c'est ça ? Non, c'est uniquement en anglais. Tu l'as fait sur Switch ? C'est uniquement sur Switch. C'est unique. Ça rame pas trop, non, ça va ? Non, du moment que t'as une Switch qui tient la route, pas comme la mienne qui a du Joy-Con drift. Mais bon, ça c'est toujours pareil. Hein, je vais pas m'en plaindre à chaque fois. C'est vrai que c'est très compliqué pour ce qui est de mes jeux. Mais bon, non, si t'as une Switch qui tient la route, ça le fait. Ça le fait ? D'accord. Bon, là, on a digressé un peu. C'est vrai qu'on a... parce que comme dans cette émission un peu spéciale, on n'a pas de test. On n'a pas nos. Alors après, si vous voulez vraiment savoir ce que j'en ai pensé, bah vous allez sur Geeks by Girl et vous avez le test complet de A Island Song. Pour finir rapidement avec ce Nintendo donc indie qui a eu lieu au mois de novembre, on a appris l'existence d'un Bread version anniversaire. Le fameux jeu de Jonathan Blow qui avait lancé un peu la vague des jeux indés il y a quelques années de cela va revenir pour fêter l'anniversaire du jeu et avec une version remasterisée et plein de petits ajouts. Et aussi, je sais que ce qu'a fait Bread, c'est ce jeu où tu joues une tranche de pain. Non, justement. non, mais c'est vrai, je prononce mal. Non, c'est pas Bread le pain, c'est Bread Braid. Ah. Le jeu vu de profil qui où tu contrôles le temps, en fait, où tu fais du rewind et tu reviens, ça, voilà, il y a un petit côté un peu Mario, mais puzzle aussi. Ah oui, aussi. Non, parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Bread aussi, où tu contrôles une... Axel aimait beaucoup d'ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est pour jeune. Ça que je pensais, j'allais dire, bah tiens, Axel va être content, non, mais c'est non. C'est I Am Bread, ça. Ah oui, c'est ça, c'est I Am Bread, ouais, c'est ça. Non, c'est pas du tout celui-là. Et, je sais que ça fait beaucoup plaisir aussi aux fans de ce jeu-là. On a le fameux Outer Wilds, que je n'ai pas encore fait, que je dois faire, je sais, et même je salue Mopral, il faut absolument que je fasse le jeu, qui arrive sur Switch, voilà, en espérant que la console le fasse bien bien tourner. Voilà, pas mal de petites annonces, de belles annonces même. Il est vrai que, bah, pour les raisons qu'on a évoquées en début d'émission, on aurait dû parler de tout ça un peu plus en avance, mais voilà, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Oui, donc pour finir ce petit segment news, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses malgré tout, et je pense qu'on a de quoi, on aura de quoi parler, l'année qui vient, voilà, puisque je ne sais plus si je l'ai dit, mais effectivement pour il y a pas mal de grands rendez-vous de jeux là qui arrivent. Donc comme je disais, il y a le Yakuza, enfin Like a Dragon Infinite Wells qui arrive là à la fin du mois. Il y a aussi Il y a Alone in the Dark qui a été décalé, qui arrive en début d'année. Il y a Final Fantasy VII Rebirth qui va pointer le bout de son nez incessamment. Qui est donc le jeu le plus attendu aussi. J'ai une fin de mois de janvier là qui va être niveau test qui va être cataclysmique. Moi en février, maintenant si vous avez écouté ce que j'ai dit sur les jeux Falcom, moi en février, il y a un doublé que j'attends énormément, c'est une ressortie donc dans une même boîte de Legend of Heroes 13 of Cold Steel 3 et 4. 3 et 4 sur la même galette qui arrive. Enfin, sur la même galette, il y aura peut-être deux galettes, je pense, mais en tout cas, une édition groupée. C'est une ressortie, ce qui sont déjà sortis, mais là, c'est une ressortie avec, là, vraiment spécifique PS5, il me semble. Oui, peut-être avec un petit lissage graphique, qui sait. Est-ce que ça doit être PS4, PS5, je sais pas. En tout cas, moi, ce sera sur PS5. Et éventuellement, petit test sur Geeks by Girls, ça te tente? Si j'ai le temps. Oui, en tout cas, le jeu, c'est clair que le doublé, je vais me jeter dessus, puisque je suis... vraiment captivé, passionné par la trame des trails, là. Enfin, là, au moment où on enregistre, je suis en train de terminer donc le 2 et C'est vraiment, voilà, c'est hyper prenant. J'espère, vraiment énormément prenant. J'espère, pareil, pour rester dans, voilà, mon nouveau crush là d'avec Falcom, qu'on aura des nouvelles peut-être d'une localisation de IS-10. IS-10, pardon, parce qu'on prononce IS, pas IS. Excusez-moi. Nordix, qui est sorti de là au Japon, donc, en 2023. Mais qui n'est pas du tout annoncé. Et en toujours France pas pour annoncé. Hein. Bah, il y a toujours eu des gros délais, c'est vrai, pour la localisation des jeux Falcom. Ça... Bah, il me semble pas que le 9 Monstrum Nox, il ait mis tant que ça à arriver. Hein. Oui, parce que ça dépend, parce que tantôt c'est Nice America, tantôt c'est Marvelous. Enfin, ça dépend qui s'en occupe. Et il est vrai que comme... Bah, ces dernières années, c'est plus Nice quand même. Hein. Ouais, donc faut voir un petit peu qui va s'en charger. Enfin, en tout cas, il y a ça aussi, et que j'attends... énormément de pieds fermes, et puis il y a plein d'autres choses qui vont arriver au niveau news, j'ai hâte d'en savoir un peu plus cette année. J'espère qu'on aura des news aussi sur le prochain Resident Evil, parce que si on suit la logique de ce que fait Capcom, et je trouve que c'est vraiment parfait, d'un épisode canonique un remake, un épisode canonique un remake, là après donc le superbe remake d'Hero 4, on devrait s'acheminer vers le 9. Resident Evil 9. Donc ça, j'ai très hâte. On a le Silent Hill 2 remake que moi j'attends comme un fou, comme un soldat, et j'espère qu'il sera pas raté, qui a été, au moment où on enregistre, bien confirmé toujours pour 2024, puisqu'on là on n'a pas de nouvelles depuis plus d'un an. Et si vous aimez Silent Hill et que vous aimez, vous avez apprécié mes précédents bouquins, cette année aussi, il y aura une petite surprise. Gardez quelques brousoufs de côté, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui pourra vous plaire. Qui pourra débouler. Ah, et ça, c'est du teaser. Hein. Ah, c'est du teaser. En parlant de Silent Hill, il y a le Silent Hill, un Silent Hill 2, entre guillemets, qui arrive par Christophe Gans. Le film. Au cinéma. Qui était censé sortir aussi en 2024. Donc, oui, et qui devrait être à peu près en même temps que le Silent Hill 2 remake. Normalement, c'était le but de l'entreprise. Donc, sans parler des autres ça jeux... Ça veut dire que cette année, il y a un Silent Hill 2 remake qui devrait débouler aussi. Et moi, je le vois pas débouler à la fin de l'année. Hein. Moi, je vois plutôt ça... Bah, j'espère. Il y a les autres projets Silent Hill aussi. Hein. Mais bon, là, pareil, on est dans du 18+, hein, donc c'est pas très Family Pack... on va dire dans la ligne éditoriale. Non, mais là, c'est plus pour nous, là. C'est clairement. Mais comme je le dis à chaque fois, et là, c'est enfin un petit lien avec le débat JT à tout à l'heure, c'est que pour ces jeux d'horreur-là, voilà, pour moi, quand on a 16 ans, Silent Hill 2, non. Clairement, moi, je te dis non. Ah, carrément, pour toi? Ah, non. Ouais, non. C'est vrai que Silent Hill 2, oui, c'est vrai que non. Compliqué. Ne serait-ce que pour la scène dans la cuisine quand il est dans le placard, non. Compliqué, très compliqué, c'est vrai. Bref, il y a beaucoup de choses. Même chose, n'hésitez pas à nous faire part de vos plus grandes attentes hein, pour 2024. Et avec Axel, on croise les doigts, on espère l'annonce d'un Sonic Mania 2 un jour. À mon avis, on peut crever, je pense. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit ne serait-ce que dans les tiroirs. Je comprends pas, moi. Vu le chef-d'œuvre qu'est Sonic Mania, je ne comprends pas. Je pense que c'était juste pour faire un cadeau aux fans, mais je pense que c'était vraiment un épisode vraiment très très secondaire, et je pense de ce fait qu'il n'y aura jamais de suite. Bah, je suis un peu de l'avis d'Axel, là, sur ce coup-là, parce qu'en fait, Sonic Mania, c'est bien celui qui a été fait par un fan, à la base. Un fan, et son studio, et oui, ça a été... C'est, voilà, c'est... donc, ils ont juste fait comme ça plaisir, mais je c'est pense... C'est pas du tout imputable à Sega, quoi. Hein, c'est ça, et c'est peut-être pour ça qu'il est bon. Bah oui, c'est même pour ça qu'il est très bien. Et enfin, qu'il est très bien, qu'il est excellentissime. Au début, je croyais pour la suite, mais enfin là faut quand même revenir à la réalité. C'était juste comme ça, c'est qu'ils ont voulu faire plaisir parce qu'ils ont vu que voilà, mais ils vont pas faire ça deux fois. Bah peut-être que Kirby est d'accord avec toi. Peut-être que éventuellement ils sont peut-être en train de travailler dessus et que ils prennent leur temps et un jour qui sait, ça va popper d'un coup peut-être. Parce que ça commence à être la mode, ça aussi, les trucs qui pop au dernier moment. Là, ça c'est bien galère quand t'essayes d'avoir un planning à peu près d'équerre. C'est un peu galère quand ça pop au dernier moment. Ben c'est ça. Et moi j'aime bien quand on a le temps de se préparer, de voir, voilà, de dire non, ben là j'aurai trop de trucs, je vais pas le prendre, machin. Ben, après, ça a son charme aussi quand ça pop. Nintendo est très coutumier du fait dans ses. C'est un peu. Dans ses Nintendo Direct, ouais, mais c'est super quand t'as une annonce et. D'un jeu que t'attends, enfin, que t'attendais pas, puisqu'il a annoncé, mais je veux dire que t'as envie de jouer, Et ils te disent, bon, bah voilà, ce sera disponible après cette émission, ou alors sera disponible le mois prochain. Et là, tu fais, waouh. Alors effectivement, quand on fait, quand on est rédactrice en chef comme toi d'un site qui teste les nouveautés, c'est sûr que ça chamboule le planning. Ah oui, je confirme, ouais, c'est compliqué des fois. Ça chamboule le planning, effectivement. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des news. Oui. Axel alors, je précise qu'on enregistre un dimanche après-midi et c'est vrai que là, Axel a encore 2-3 trucs à faire pour s'aérer la tête avant de reprendre le collège demain. J'ai envie de me détendre, ouais. Oui, justement, non, mais c'est ce que je voulais dire. Bon, on vous remercie de nous avoir. C'est une émission un peu spéciale. Alors, on vous l'a promis, très grande. Là, vu le nez, je pense quand même qu'on sera à plus de 3 heures. Bon, ce qui est déjà pas mal. On aurait voulu peut-être pousser plus sur les 4 heures, mais on va pas étaler non plus la confiture si on n'a rien d'autre à dire. On préfère être honnête là-dessus. En tout cas, on va faire en sorte de s'organiser pour que ce désagrément, là, il fallait que ça arrive et qu'on s'en rende compte, parce que la pauvre madame maman, bah, quand elle a des changements de planning comme ça, c'est vrai que bah, ça chamboule beaucoup le planning de Family Pack. Normalement, je touche du bois, au mois de mars, ça devrait être terminé. Je devrais retomber dans un cycle de planning où j'ai mes horaires du début de l'année à la fin de l'année. Et si je n'échange pas avec des collègues, on peut pas toucher. Donc, mais le fait, je touche du bois. Le fait est que même par rapport à ça, on sait jamais, ça peut arriver. On a décidé, parce qu'on se dit tout, on n'a rien à cacher. On a décidé d'enregistrer donc l'émission de février, parce que on veut vraiment tenir ce rythme mensuel et que cet accident ne se reproduise pas. On a décidé d'enregistrer chaque émission encore. Plus en avance pour avoir sûr, le temps là, vraiment... de vraiment vous fournir l'émission en temps et heure comme nous l'avions promis, et aussi en sachant que bien évidemment la partie news, ce sera celle, et ça je pense que vous comprendrez aisément pourquoi, qu'on enregistrera à la toute fin, au dernier moment, pour avoir les news les plus fraîches possibles à vous délivrer comme il se doit. Mais on va commencer à enregistrer encore bien en amont. C'est-à-dire que là, vous voyez, on enregistre, et là, dans quelques jours, on va déjà commencer à attaquer la prochaine émission de février, pour tous les auditeurs, pour aussi en priorité les Patreons qui ont l'émission une semaine en avance, il faut le rappeler, et l'émission en vidéo aussi. L'occasion encore de vous remercier énormément pour votre soutien. Si vous voulez vraiment faire partie de l'aventure avec nous et vraiment faire en sorte que l'émission décolle toujours plus haut, toujours plus loin, parce que c'est vrai que la courbe d'audience continue de monter, donc ça, on est vraiment très content. Très, très fiers, la courbe des écoutes, content, vraiment. Voilà, monte. Donc, n'hésitez pas hein, sur notre Patreon. N'hésitez pas si vous n'avez pas les moyens. Car comme disait Ken le Survivant, les temps comme les œufs sont durs, et c'est pas forcément évident après, même si... si oui, après X essais, Axel. Même si... Bon, le Patreon, c'est à partir d'un euro, mais... Les temps sont très compliqués, et même si vous ne souscrivez pas au Patreon, n'hésitez pas, si vous aimez l'émission, bah, le nerf de la guerre, c'est de la partager, d'en parler sur les réseaux sociaux un petit peu partout, de mettre des petites étoiles sur les applis, des notes, nous laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour ne rien louper des Family Pack Lit. N'hésitez pas non plus à nous mettre des pouces, à nous mettre des commentaires, à nous suivre sur nos réseaux, parce qu'on est dispo sur tous les réseaux, parce que maintenant on a désormais Family Pack sur Blue Sky, puisque nous aussi, avec Monsieur Papa, on y est, et sur Thread. Donc, n'hésitez pas à nous suivre là-bas aussi. En plus de X. En plus de X, Facebook, Instagram, TikTok. Oui, on est un peu aussi, partout. Donc vous pouvez aussi nous suivre maintenant. Je reviens sur le Patreon deux secondes, mais on peut suivre le Patreon maintenant. Oui, c'est une nouvelle option. On peut suivre le Patreon sans souscrire. Donc, voilà. N'hésitez pas. Allez, parce qu'il y a des fois, on met des petites news, des petits billets pour tout le monde. Donc bah n'hésitez pas à aller voir, ça peut être sympa d'être tenu au courant, et puis de toute façon comme ça vous voyez au moins les titres qui apparaissent, donc vous savez quand la nouvelle émission est tombée, et vous saurez du coup quand vous pourrez aller voir sur YouTube si l'émission est là, ou voilà, même si on l'annonce sur nos réseaux, hein, donc n'hésitez pas. Et puis surtout, on fait quelques concours, donc on en a encore quelques-uns dans les cartons, donc ouais, n'hésitez pas à nous suivre à venir, ouais. Parce qu'il y a des beaux concours à venir, et ça serait dommage de passer à côté de ça. Eh ben, on vous remercie. Axel, qui a hâte d'aller se détendre, merci. De rien. C'était vraiment très sympa, le débat. Et tout le reste, d'ailleurs. J'ai appris beaucoup de choses. Madame Maman, merci. Merci, merci beaucoup. Encore une fois, une émission, on ne le dit pas assez, mais présentée de main de maître. Oh, c'est gentil. Non, mais on présente tous les trois. Je suis le premier à passer l'assiette, mais après, on va dire qu'il y a trois hosts. Donc, merci à vous qui nous avez suivis pendant très longtemps, puisque l'émission est un peu plus longue que d'habitude. Merci à nos Patreons, merci à nos contributeurs. Merci à Geeks by Girl qui nous a renouvelé sa confiance pour cette année 2024. Merci les filles, vous êtes les meilleures. Et puis, écoutez, on espère vous retrouver très très vite. Au mois prochain. Salut. Bye bye. Allez, ciao. Ken les comme disait Ken le survivant, les temps comme les os. Arrête de bégayer. Car comme disait Ken le survivant, le temps comme les os sont durs. Non, les temps comme les os sont durs. Ça fera du bêtisier. Je sais pas parler. Car comme disait Ken le survivant, le temps comme les os sont durs. Les temps. Je vais y arriver. T'as oublié de parler? J'ai oublié le cerveau. Ah bah là, carrément, il est parti en vacances, là.